La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà, un an d'abonnement au service Deezer Premium pour avoir la musique en illimité, pour retrouver Skyrock qui a débarqué sur Deezer avec les différentes playlists. C'est pour toi. Bah nickel, écoute, merci à Skyrock, hein, c'est super. Et on te fait des bisous, passe un bon week-end Mathilde. Ouais, bisous. Bon week-end à vous tous, bon merci. Week-end. Une fois de plus, Chilla, merci à vous tous. Merci. Et on va retrouver, je crois, Difool par ouais, téléphone. Exactement. Ah non, Marie, comment ça va? Ah mais nous, on est là, mais Difool est dans la voiture. Oui, je crois que c'est un peu... Il est à bout de nerfs. J'ai vu 2-3 messages arriver, je crois qu'il est à bout de nerfs. Ouais, et ça... Ah oui, je l'entends. Je l'entends, ça va bien Difool? Ça va super. Alors ouais, les quais parisiens, est-ce que c'est bien ou pas? C'est super. Voilà. C'est super. On respire mieux. Super, on respire mieux. Tout le monde. On respire mieux, à ce qui paraît. Donc c'est bien. Ouais, oui, c'est ça. Grave, ouais, grave. Ah, ça klaxonne. Ah non, mais là, ils t'ont reconnu, Difool. C'est un spectacle. Tu vois, regarde, klaxonne, ils ont reconnu. Ouais. Voilà, c'est klaxonne en ton honneur, tu as. En vrai, t'as un mariage rebeu, menteur. Ouais. Fais des youyou. Bon, ben, la semaine est terminée. Tu l'as vivement le retour. Ah, c'était un plaisir d'être ici, en tout cas. Toute la semaine, c'était bien cool. Bien accompagné par Fred, hein, j'imagine. Ouais. Bah, évidemment. Je sais recevoir. Sur toi qui la semaine prochaine, Fred? Et la semaine prochaine, tiens, Samy, un Marseillais qui débarque, il s'appelle Elams. Il était venu dans le Planète Rap d'Alonso. Ah, c'est Alonso bien. Qui nous l'a présenté. Et Elams qui viendra tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h. J'espère qu'il va nous monter le soleil. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est possible, on lui demandera. Oui, à Paris, il pleut. Hein. Je dis ça pour tous ceux qui ne sont pas à Paris. Ah, c'est la merde, là. C'est déprimant. Ça y est, on commence à rentrer dans une période fabuleuse. Ouais, c'est ça. Mais heureusement, on va passer une belle mais soirée. Mais bien sûr, on bien sûr. Dans un instant. Il y aura la nocturne aussi tout à l'heure à minuit. Avec Eliem qui débarque. Très ah, cool. Le retour de Eliem, pas loupé. Le retour, on sera là. Bah, de toute façon, on est là jusqu'à minuit. Donc appelez-nous, 01 53 40 30 20. Vous nous passez un coup de fil. Je prends un hélicoptère et j'arrive. Hein. Et bah, c'est ce qu'il faut. Ouais. Fais gaffe quand même. Poser, quoi. On fait comme ça, là. Et puis dédicace à la mère de Paris. Ouais, encore une fois. Elle est super, elle. Elle a que des idées de merde. Je sens que Difool est à bout. T'as vu les échanges avec Fabrice Eboué sur Twitter? C'est énorme. Fabrice Eboué, je suis avec toi. Ouais. Hashtag Difool, Fabrice Eboué, allez-y. Bon, on arrive tout de suite. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20, Radio Libre. Dans un instant. Et PNL aussi pour démarrer, là. À pas louper. Écoutez quoi, tout de suite. Naha. Allez, ouais, comme bonne voulez, idée. Comme vous voulez. Allez, c'est parti. PNL, on démarre la soirée avec. Et une grosse soirée qui arrive avec Romano, avec Samy, avec Karim, oui. Avec la Marie. Avec ouais. Cédric. On a des nouvelles ou pas? Bah ouais, Cédric. Ouais. Et des nouvelles de Cédric. Vous aurez des nouvelles, ouais. Je vous dis tout dans un instant, vous saurez tout. D'ailleurs, allez-y. On va lancer une opération, des roulettes pour mettre sur la moto de Cédric. Voilà, des roulettes, c'est vrai, ouais. C'est fou, vous pas pensé à Skyrock, la radio de la roulette, hein. C'est fou, hein. Ça, c'est mais con, grave. Hein. Bon. Merci en tout cas pour cette semaine de Planète Rap. Et attention, on compte sur vous pour la Radio Libre. C'est dans un instant, c'est sur Skyrock. Ciao. 1500, c'est le chèque que tu chopes toutes les demi-heures sur Skyrock. C'est bon ça. 769, c'est le prix de l'iPhone 7 que Difool t'offre toutes les heures. Un iPhone 7 pour toi qu'on va t'envoyer à la maison. Ah, ça fait plaisir les gars. 300, c'est le prix de la PS4 Slim. Ouais, c'est du lourd ça. 17, c'est la dernière version de FIFA. 0, c'est le nombre de cheveux qu'il y a sur le crâne de Romano. Oh, j'adore les choses. 10, c'est la longueur en centimètres du nez de Difool. Des millions, c'est le nombre d'auditeurs qui se réveillent avec Skyrock. Toi aussi, viens démarrer ta journée avec le Morning de Difool. Morning Show. 6h-9h sur Skyrock. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein. Moment au 71-777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Concert. Approche, écoute, hoche, la tête s'y accroche pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un journal de la Sniper revient sur scène. Sur scène, ils ont choisi Skyrock. SNIPER, papy. Le 22 novembre, viens retrouver Sniper pour un concert unique. En concert avec Skyrock, 22 novembre, Zénith de Paris. Toutes les infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. C'est la plus grande radio libre de France. Tous les soirs, Difool Radio Libre, Radio Libre en direct.

soir. Bonjour, c'est, Jennifer. C'est chelou. Ah non, excusez-moi, il s'appelle Nicolas. D'accord. Ah ouais. Très bien. Il a pris un pseudo. C'est différent. Très bien, parfait. Bonjour, la Marie. Salut tout le monde. Salut à vous et bonjour à ceux qui nous écoutent dans les bouchons. Ah ouais, putain. Et à Romano qui arrive dans un instant. S'il arrive, c'est un bordel à Paris, mais la maire de Paris ne prend jamais la voiture. C'est pas possible. Non. Il a raison, Fabrice Eboué. Il s'est énervé l'autre jour dans la voiture parce que ça roule mal. Ouais. Mais c'est hallucinant quand même. Elle connaît sa ville, cette dame? Je ne pense pas. Je pense qu'elle a des chauffeurs. Je vais faire un éditorial, moi, ça suffit. Ah, et Annie Delgo, faut arrêter tes conneries avec les histoires de quais bouchés et tout ça, là. Bah, déjà, c'est le bordel, en plus, il pleut, donc là, c'est la totale. Et en plus, plus tu roules longtemps, plus tu pollues. Donc, son histoire de la pollution, ça marche pas, là. C'est vrai, en plus. Je me fais porte-parole de tous ceux qui étaient énervés dans la voiture tout à l'heure. J'ai même vu des gens qui écoutaient Sky. Heureusement, ça calme. Mais en tout cas. J'ai entendu les klaxons, ouais. Porte-parole de tout le monde, j'ai entendu un petit peu. Ouais, on a entendu le bordel derrière. Bon, on passe un coup de fil à Romano pour savoir où il en est, lui aussi. Bon, Romano arrive. Vous tous en direct, bah vous pouvez débarquer, vous êtes à l'heure et c'est bien. On a bien démarré avec PNL là, qu'on écoutait, hein. C'était Naha, le son de PNL. Gros son de PNL et il y aura d'autres gros sons ce soir. Plein de choses à retrouver, vous avez entendu Pamela dans le jingle, elle sera là puisqu'on est vendredi. La belle. Et en direct ce soir, on va suivre le derby breton, les Rennais contre les Guingampais. L'en avant Guingamp contre le Stade Rennais, ça joue à Rennes, il y a 18 minutes de jeu et pour l'instant, les Bretons sont à 0-0. On vous tiendra au courant de ce qui va se passer ce soir sur les terrains. Mais les gars, terrain même. Vous savez pourquoi les Bretons ils ont froid à une main? Alors pourquoi les Bretons ont froid à une main? Vas-y Karim. Parce qu'ils ont Guingamp. Yeah, yeah. Et oui. Avec Guingamp t'as un froid à l'autre main. Ah ouais. Merci Karim. Voilà. J'en aurais d'autres des comme ça. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres des comme ça là. Bon, en direct donc ce soir, Rennes, Guingamp à suivre. En direct aussi avec nous. Oulala, mais l'équipe est au téléphone ouais, ce c'est soir. Le bordel. Ah ouais, Romano de Bourgogne, de Paris. Un petit mot pour la maire de Paris, Romano, peut-être. Allô. Pamela. Excuse-moi, Pamela, mais où est Romano? Il est à côté, il est en train de conduire. D'accord. Est-ce qu'il a insulté quelqu'un en voiture? Est-ce qu'il est bloqué comme moi tout à l'heure? Comment ça se passe? Non, il est détendu. Il est le connaissant, j'imagine, qui doit être super détendu. Est-ce qu'il est comme les Parisiens qui étaient avec moi sur la route tout à l'heure, qui étaient à bout de nerfs? Non, mais il est détendu. Ah ouais. Il est détendu. Tu l'as détendu, quoi. Ouais, elle est en train de le détendre pendant qu'il conduit. Ouais, c'est ça, en fait. Romano, comment vas-tu? Ah ben ça va, merci Pamela de passer le téléphone. Très bien, tu voulais faire une dédicace à la maire de Paris, non? Ouais, je passe un bonsoir. Ouais, nous aussi, ouais. Les Parisiens la salle. Heureusement qu'il n'y a pas des élections demain parce que hors l'autre, oh, je peux te dire que. Ah ouais, c'est clair. Bon, jarté, ouais. Les Parisiens, ouais. Vous me faites rire, vous parlez que de bouchons. Non, mais t'as pas vu le bordel dans les rues. Ouais, mais c'est vraiment un truc de Parisien. Fou, ouais. Non, mais vous savez que j'ai envoyé des photos, regarde sur la photo. Il y a un scooter qui restait bloqué devant nous pendant 20 minutes. Un scooter à l'arrêt, ouais. 20 minutes, un scooter à l'arrêt pour vous expliquer le bordel quand même. Ah ouais. Ah là là là là. C'est ça, les scooters, tu sais, ils roulaient sur les trottoirs, les bécanes, les motos, les scooters sur le trottoir. Même sur les trottoirs, c'est bloqué. C'est bouché maintenant. Bouché sur les trottoirs. Quoi. Oui, c'est bouché partout. Merde. Bon, Romano, t'arrives quand? Eh bien, j'arrive. D'accord. J'arrive. Très bien. Non, mais moi, je devrais arriver dans pas trop longtemps, sauf événement exceptionnel. Très bien, parfait. On voit des chauffeurs de la maire de Paris, peut-être. Ouais, par exemple. Très bien, ouais. Oh, bah, elle nous a cherché, elle nous a trouvé. Hein, ça suffit maintenant. C'est clair. Bon, alors, tiens, donc je disais, Romano est avec nous, avec Pamela au téléphone. Et Cédric est là aussi, en direct de son hôpital. Alors. Tu as testé un nouvel hôpital, ils t'ont expulsé de l'autre, hein, c'est ça Cédric? Ouais, l'autre il m'a saoulé, j'ai changé en fait. Très bien, ouais. C'est le mec qui fait le tour des hôpitaux à Paris. Il visite les hôpitaux de Paris. Comment ça va Cédric? Ouais, ça va, j'ai un peu mal, mais ça va. Ouais, on m'a dit que t'étais passé maintenant dans un hôpital pour des problèmes gastriques. Il a mal au cul. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils t'opèrent plus de la clavicule, ils vont attendre pour la clavicule, Cédric. La clavicule. Et là maintenant, ils te font chier dans des boîtes pour analyser ton caca. C'est ça, là ils ont annulé l'opération de la clavicule et. Oui, je te jure. C'est pas vrai. Mais ça s'arrête jamais, toi, gros. Putain, mais c'est incroyable, je te jure. Incroyable. Mais est-ce que tu as réalisé ton rêve de faire caca dans une boîte? Ah ben dans trois. Non, attends. Trois boîtes. Wow. Le caca, c'est bon. Tu as fait caca dans trois boîtes aujourd'hui. Quatre boîtes, magnifique. Donc tu voilà, Cédric a réalisé son rêve et demain, Cédric, une coloscopie. Ah ouais, mais ouais, ça c'est pas confirmé encore. J'attends coloscopie. Demain ils vont lui rentrer un tuyau dans le cul. Une caméra. Ça c'est peut-être le cadeau spécial. Ah, tu as kiffé. Le cadeau bonus. Vous imaginez, tu rentres pour une clavicule. Bon, la veille t'as bouffé un tartare et des sushis, faut quand même le dire. Ouais. Donc tu rentres pour une clavicule, tu tombes malade, t'as la chiasse. Bon, nous on avait l'habitude, les médecins, moi. C'est tout le temps. Ils annulent l'opération. Deux jours après, ils te rentrent dans un autre hôpital pour t'analyser l'intérieur du ventre. Et on peut-être trouver le problème. Hein. C'est vraiment Monsieur Poissard. Bah ouais, mais ça c'est sûr. T'es Monsieur Poissard, Cédric. C'est ouf ça. ces petits messages de Toche là sur le 41759. C'est sinon des messages pour Cédric. Hein. Oh non, putain, mais... la coloscopie quoi. Ouais, je peux lui préparer le cul, nous dit ce soir Hector sur SMS. Bonjour Hector. Là, ça va aller. Mais c'est vrai que coloscopie, ils vont mettre la caméra et tout. Ah bah ouais, ouais. Oh là là. Ah bah ouais, ouais. Une caméra dans le fion. Quoi. Et, bah oui. Une caméra dans... et cette nuit, t'as fait quoi? T'as passé la nuit à chier encore? Ah, c'était une heure en fait, je chiais. Bon, ben on s'est. Enfin, en fait, non, je faisais pas caca, je faisais titi du cul. Encore, c'est toujours débranché les tuyaux. Non-stop. Eh ben écoute. En tout cas, t'es toujours aussi sensuel. Ah, Romano te fait un petit compliment. Romano, bravo. Tu es gentil, Romano. Ça fait plaisir. Je fais un big up à mon infirmier. Ah bah nous aussi. Là bah le pauvre, ouais. Eh bah, écoute. Rest in peace, mec. Rest in peace, oui. Peace par le cul en général. Ouais, c'est ça, ouais. Et rest in peace quand même. C'est lui qui a recueilli les boîtes avec le caca à l'intérieur. Non mais j'ai lavé quand même sur le côté, ouais. Ils vont lui analyser sur le côté. Pourquoi t'as débordé ou quoi? On nous dit ouais, putain, t'as débordé. Oh, non. Ils vont lui analyser son caca, on nous dit. Et il me dit. Il est divisé dans une boîte qui fait la taille, même pas la taille d'une canette de coca. Ah oui, toi c'est pas possible. Ouais, toi t'y arrives pas, ouais. Tu partout. Tu vois les mini canettes de 25, de tu sais qu'on a à l'appart. Oui, oui, je vois. Ben, faut chier là-dedans. Ah, bah écoute. Ah, t'as du et dans quel différent. Ah, ouais, bah toi, ah, toi ils te font un saladier. C'est un gros truc. Hein. Une bassine. Non, une bassine, ouais. Un fût. Ouais, une marmite. Un tonneau, quoi. Ouais, une marmite. Un tonneau, une marmite, ouais. Ça me paraît pas mal. Est-ce que tu peux mettre la vidéo de ta coloscopie? Il y a des auditeurs qui nous demandent ça. C'est pas le premier, d'ailleurs. Il y a le winner qui nous laisse un message sur le 41759. N'avez pas peur, hein. Bah, vous demandez. Vous avez raison. Ça, c'est pas encore sûr. C'est le cadeau bonus. Mais si, c'est bon. Tiens, une GoPro, allez. Allez, hop. Dans le fion. On va te mettre une GoPro dans le cul, Cédric. Bon, bah, écoute, on te souhaite bon courage, hein. Merci. Et oui, tous les soirs, on vous donne des nouvelles de Cédric. Eh bien, les nouvelles. Ce soir, je vous tiens au courant, mais je crois que ça sera demain. Les nouvelles sont pas très bonnes, hein. Vous avez vu ça. Hein. Bon. Ah non, putain. Ah, Romano arrive. Très bien. Ah. Parfait. Bon, Cédric, on te souhaite de bons caca. Ils te font des analyses ce soir. Tu nous tiens au courant. Ouais, tu ouais, dans la nuit, ouais. Bon, bah là, de toute façon, je dors pas avant. Dans la nuit, dans l'anus aussi, hein. Pour, c'est ça. Surtout, ouais. Là, vous imaginez, ouais. Vous rentrez à l'hosto pour vous faire opérer d'une dent, vous ressortez avec une gastro. C'est bien aussi. C'est dans la chambre, on est deux. Ah. Il est pas là ce soir, le mec, là, qui est avec moi. On est deux. C'est qui est avec toi? Ton collègue. Je sais pas, c'est un papy qui avait l'argentine. Oh, le pauvre papy. Mais qu'est-ce qu'ils l'ont mis avec toi? Il va souffrir. Ah ouais. Il a eu la permission de ce soir. Il était pas là ce soir. Il était en famille. Très bien. Et en fait, c'est une chambre où t'as un chiotte pour deux. Et tous les deux, tout l'étage où on est, c'est que pour des trucs de problèmes d'anus, tu vois. Ah, vous avez envie de chier. Ah non. C'est-à-dire, on va devoir se partager un chiotte à deux. Problème de prostate et tout. Le pauvre. Voilà. Problème de trucs de machin à deux. Dans une chambre, laisse tomber, quoi. Et moi, je suis devenu. Et le papy, ça me fait de la peine parce que être devenu si vieux. Pour subir ça, ah bah moi je dis c'est pas une vie. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, le pauvre homme. C'est pas une vie, ouais. Nous pouvons opérer Cédric. Nous avons les frères Bogdanov qui viennent de nous laisser un message sur le 41759. Ah tiens, ouais, ils sont chirurgiens. Oui, oui, ils sont chirurgiens, ils sont prêts à t'opérer, Cédric. Ah bah c'est gentil. Écoute, c'est ouais, gentil. C'est ça, la Sky Solidarity. Ouais, tu me fais de la peine. Ah bah moi aussi, t'imagines, ça fait 3 jours que t'es à l'hôpital, tu dois t'attends pour te faire opérer d'une clavicule cassée. Clavicule, pardon Cédric. La clavicule cassée. Ah du coup, tu vas te prendre un truc dans le cul. Ah, ouais. Évidemment, ouais, t'es dégoûté, tu lui as pas filé ses 1000 balles. Donc. Non, il était cool en plus. Il était cool, mais il était dégoûté aussi pour les 1000 balles. Ouais, c'est surtout ça. Vous avez vu, alors que nous, tout va bien, c'est le week-end, on est content, on vous retrouve, c'est vendredi soir. On est bien, pépère. Vous pouvez rester tard dans l'émission, venir faire les cons avec nous. Et toi, Cédric, toi, t'es dans un hôpital en train de te remplir des boîtes à merde. Je vais commander des sushis, je crois. Tiens, ah bah oui, continue. Ouais, ça va aller mieux, cool. Tiens. Mange des sushis, puis ton tartare aussi, il avait l'air pas mal, là. Et tu m'as dit que les médecins soupçonnaient un germe à l'intérieur de toi. On te l'avait dit, ça, qu'il y avait une bête dedans. Ah, ils m'ont fait des prises de sang 4 fois, j'en peux plus, j'en ai marre. Ah. Le sniper est prêt à te vider le cul aussi en t'enculant pour déboucher si c'est bouché. Ah, non, pour l'instant c'est vide, hein, c'est pas bouché. Ah, c'est pas bouché, au contraire, oui, ça c'est là, sûr. Là c'est fluide, là, ça glisse. Ils vont peut-être te mettre un anus artificiel, nous dit Arc78. Non, je pense pas. Bah, le tien, il en morflait beaucoup, hein, quand même. Hein. Là, t'inquiète, ça fonctionne encore. Oui, il a morflé beaucoup. Ah, mais vu que tu vas chier non-stop, tu peux pas leur demander qu'ils relient un tuyau à ton trou du cul à un chiotte. Oui, tu te balades avec un seau. Tu sais, comme ça, non, mais ou même carrément, t'es couché, t'as un tuyau branché au trou du cul, le ouais, tuyau va jusqu'au chiotte. Direct, non, mais au moins, t'as pu à te lever, quoi. Bah oui, c'est vrai. Ça. Ouais. Demande. Tellement j'ai chié cette nuit, et j'ai mal au niveau des jambes en dessous, là. C'est là où tu t'assois. Ah, ça s'appelle les fesses, ça. Non, pas les fesses, au niveau des jambes. Ouais, je vois, derrière les cuisses. Sur la cuvette, ouais. Ah, t'as mal. Super. Ouais, j'ai tellement mal. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Quand tu restes trop chiotte, t'as mal. Ah, moi, j'ai jamais eu ça. Bah, écoute, heureusement, d'ailleurs. Je te le souhaite pas, gros. Eh ben ouais, Cédric. jamais au bout de nos surprises avec Cédric. Hein. Il doit avoir mal au cul, on nous dit. Oui, ça, je vous le confirme. Hein. Ah ouais, putain, j'en ai plein de cul. Voilà, je plains le... Ah bah tiens, on a une infirmière qui nous laisse un message. Infirmière 4-2, là, qui nous laisse un SMS et qui nous dit « Je plains l'infirmier qui s'occupe de toi, Cédric ». Ah non, il est cool. Ah bah lui, il est cool, oui. On connaît un mec, quoi. Ils sont des affamés cool, tu vois. Eh bah oui. Big up à eux, d'ailleurs. Très bien. C'est Romano qui lui a fait une fissure anale au dernier. Ah, attends, Cédric. Peut-être dis ça à ton médecin, je sais pas si tu lui as dit. C'est Romano qui lui a fait une fissure anale lors du dernier clash de la drague. Mais putain, tu sais que je m'en veux un peu parce que je t'ai tellement pété le cul depuis le début de l'année au clash. Bah ouais, je vois ça. Je me dis que c'est peut-être un peu de ma faute, quoi. Bah écoute, t'as qu'à en perdre quelques uns si tu veux. Ouais, mais bon, il faut déjà que tu sois là pour que je perde. Ouais. Donc, tu vas peut-être passer le week-end à l'hôpital, toi. Non, mais il va le passer. Bah c'est certain. Ah oui, bah je crois que c'est bien parti pour. Bah écoute, bon courage, Cédric. Merci beaucoup. Et pourtant, Romano, t'avais préparé le cul en te le visitant régulièrement, comme nous le dit Pablo Escobar. Salut Pablo, salut Pablo Escobar. Ouais, mais je crois qu'on y a été trop fort. Mais je t'ai dit, Romano, tu vas trop fort avec le trou de balle de Cédric, là. Putain, tu m'en veux pas? Non, tu vas y aller mollo la prochaine fois, t'inquiète. Bah, j'espère que tu vas revenir vite, chérie. Oh, c'est pas mon amour. C'est mignon, l'amour. Comme quand je reviens, je te prends dans mes bras direct. Ouais, non, mais abuse pas non plus. Après ça, cette histoire de trou du cul, là. Oui. Après, faut que je règle mon problème de clavicule encore. Ah bah oui, parce que pour l'instant, il t'opère pas de la clavicule et elle est toujours cassée, la truc, là. Ah ouais. Très bien, Cédric. Eh bien, écoute, putain, bon mois de septembre, courage, tu nous as fait une belle rentrée. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, putain, la rentrée. Une rentrée rêvée. Si vous avez une galère à la rentrée ou si vous avez une rentrée de merde. RDM, rentrée de merde. RDM, ouais. Écoutez, Cédric, vous allez vous rendre compte que vous, bah en fait, ça va dans la life. Bah il va peut-être en avoir une autre dans le week-end, on va savoir. De quoi? Je te le souhaite pas. Une autre galère. Non mais t'es horrible, Marie. Marie, elle est horrible. Je te le souhaite pas, mais franchement, c'est... Bah ouais, Marie. C'est hallucinant d'avoir... Attends, Romano est gentil avec toi et... Non, mais bon, c'est jamais agréable d'avoir quand même un adversaire dans cet état. De l'avoir mis dans cet état, surtout. Bah oui. Tiens, Cédric, pourquoi on ne met pas un aspirateur dans le cul, comme nous le demande Sofiane, 14 ans. Ça aspire tout. Comme ça, tu dormiras tranquille, la merde ira directement dans l'aspi. Oh. Un Dyson. Allez hop. Ouais, hop là. C'est ça, ouais. Comme ça, tu vois en plus ce qui rentre à l'intérieur. C'est pas mal. Ah ouais, putain, c'est transparent le truc, tu veux dire. Et ouais, pauvre infirmier pour Mattel MM. Bonjour Mattel MM. Eh ben écoute, bon courage à toi, Cédric. Ah, c'est là que tu vois que la médecine, c'est quand même un beau métier. Ouais, t'as affaire à ça. Courage, ah oui, tu te dis, il faut. Du courage et de l'abnégation. Les gars. Du courage et de l'abnégation. Est-ce que l'infirmière Moshita est-elle passée aujourd'hui? Non, elle est pas passée de voir. Non, elle s'est fait virer de l'hôpital, donc elle est restée dans l'autre, elle. En fait, Cédric, il se file dans tous les hôpitaux, il en est au quatrième hôpital là depuis. Oui, alors vous voulez pas le prendre là, on a un truc mais incroyable. Incroyable. Vous voyez ça, gardez-le 2-3 jours. Le mec est en train d'asphyxier tous les patients. Hein, là, on n'en peut plus, on est obligé de l'évacuer, il y a un problème, il y a de la pollution. C'est le cas, hein. Tu sais. Tu sais que la secrétaire m'a dit ça, enfin pas. Attends, là, quoi, pour chercher des papiers. Que tu avais pollué tout l'immeuble, tout l'hôpital. Là, il me dit vous êtes le fameux. Tu sais qu'il est déjà célèbre. Il a dû faire chier le monde. Ah, il a dû faire chier tout le monde. Mais le pire, c'est qu'à la base, ils veulent transférer dans un autre hôpital. L'après-midi. Donc, les ambulanciers viennent, je vais pour partir avec eux. Et là, les mecs, on va pour partir, on reçoit un coup de téléphone. L'hôpital appelle, il dit, non, il vient pas. Annulé. Non, on le veut pas. Non, on veut pas l'animal. Non. L'hôpital est propre, on vient de le nettoyer. Oui, ça suffit maintenant. Et là, c'est le mec, s'il te plaît. À côté de chez Karim en plus, à Bois-Colombe. Ah, Karim, tu vas éviter ça, tu vois. Ouais, je vais éviter, ouais. Bon, bah, bon courage, Cédric. Merci, courage. Voilà, on est de tout cœur avec toi. Et il y a plein d'auditeurs qui veulent te faire une coloscopie, mais vous êtes grave, vous êtes en manque de sexe, je vois. Hein. Je vois Dante qui dit, viens chez moi, je vais te faire une coloscopie. Elle sera pas chère. Je vais te mettre mon anaconda dans le cul. Ça, c'est le message de Fan Romano sur le 41759. Fan Romano qui est dans le 06. Ah, tes fans sont prêts à aider Cédric Romano, je trouve ça bon. Non, mais c'est bien, c'est ça. C'est beau, Skyrock. Hein. Franchement, là, tu me Romano, c'est gentil. Je crois que pour l'instant, c'est remboursé par la sécurité sociale. Ah. Je vais rester là. Eh ben, écoute, comme tu veux, Cédric. T'as des propositions, en tout cas, pour ce soir. Hein. Bah, c'est gentil, en tout cas. Merci de penser à moi, la famille. Très bien, Cédric. Bon, bah, on te retrouve peut-être dans la soirée. Bon courage à toi. Je chie bien dans des boîtes. Ouais. Amuse-toi bien. Tu vas encore chier dans des boîtes ce soir ou pas, non? Là, pour l'instant, non, j'en ai fait 4, c'est bon. Il en a rempli 4. C'est déjà pas mal. Voilà, 4 grosses boîtes. Voilà des boîtes de lessive. J'en ai rempli 5 litres, voilà des 5 kilos. Voilà 5 kilos. Putain, il a chié 25 litres. Oui, en plus, ouais. Bon, mais bon courage, Cédric. Reste à l'écoute, hein, ça va te faire du bien. Si vous avez un petit souci, n'hésitez pas vous aussi, vous nous passez un petit coup de fil, là. Bon, et ben voilà les nouvelles de Cédric. Et ben écoutez, c'est pas brillant, c'est pas fameux. Ah non, putain. Ça fait 4 jours qu'il est à l'hôpital, ça fait 3 hôpitaux qu'il fait. Opération de la clavicule annulée, chiasse carabinée. Coloscopie ce week-end. Ah bah ouais. Ça, c'est le meilleur moment. Putain, ouais. On va avoir le témoignage. J'attends avec impatience lundi le témoignage de la coloscopie de Cédric. Ah ouais, ça c'est. Ah oui, la coloscopie elle-même, parce que c'est vrai qu'il va se rendre compte de rien, lui. Ah bah il va prendre un truc dans le cul quand même. Ouais, mais c'est anesthésie générale. Bah ouais, bien sûr. Ouais, mais après tu dois sentir quand même quand t'es rentré. Non, dans c'est le cul. Fin. Non. Marie, quand tu te fais enculer, tu sens pas le lendemain que tu t'es fait enculer. C'est hyper fin. Non, mais puis t'es anesthésié et puis ils mettent du gel à bloc, hein. Ouais, du liquide pour t'habiller à l'intérieur. Mais t'es réveillé, tu vois, qu'ils te mettent un truc dans le cul. Non, moi c'est mon père qui s'est réveillé pendant une. Une coloscopie. Ouais, la dernière. Oh nom de Dieu, qu'est-ce que vous avez mis dans mon cul? Non, mais il savait et en fait. J'ai un toyau dans le cul. Même le mec, il a halluciné. Le mec, tu sais, il regarde mon père et mon père, tu sais, il avait les yeux ouverts. Et il fait. Allez-y, continuez. Monsieur, vous êtes réveillé? Mon père, il fait. Bah ouais. Ouais. Et le mec, c'est bien le film à la télé, là. C'est quoi? On va avoir un petit café. Et le mec, il lui fait. Mais comment ça se fait? Bah, il fait, bah, j'en sais rien. Il fait, je sais pas, je me suis réveillé. Un très bon anesthésiste. Il lui en a remis un coup dans la gueule. Heureusement qu'il lui a pas ouvert le ventre. Il est reparti. Non, mais mon père, il était même pas stressé. Il fait, ouais, non, mais il fait, je vous entends depuis tout à l'heure. Hein, je vous entends rentrer dans le cul. Et le mec, tu sais, le mec, il a un peu halluciné. Il fait, bah, on va vous rendormir. Tiens, on nous dit, est-ce qu'on peut avoir une coloscopie à 18 ans? Ah ouais, ouais. Ah, tu t'inquiètes. C'est Quentin qui envoie un message. Il s'inquiète. Mais il y a pas d'âge. Mais après, pour les hommes, à partir de 50 ans, c'est tous les 5 ans. Il y a pas l'âge pour une petite coloscopie. Ah, c'est magnifique ça. Ah bah ouais. Non mais oui, c'était un souci. Non, à 50 ans, c'est un toucher rectal. Ah, c'est touché. Et la coloscopie, ça appartient à quel âge? Non, coloscopie, c'est s'il y a un souci en fait. Ah ouais. La coloscopie, on te rentre un tuyau dans le cul, le toucher rectal, on te met un doigt dans le cul. Ouais. À toi de choisir ton camp, camarade. Et à 18 ans, tu peux en avoir une. Ah ouais, mais il y a même avant. Ah ouais. Eh bien écoutez, si vous testez, vous n'hésitez pas à nous dire, ou si vous avez déjà testé la coloscopie ou le doigt dans le cul, vous pouvez nous dire également, c'est pour aider Cédric, pour lui donner du courage pour ce week-end là. Moi, je ne voudrais pas qu'il m'anesthésie. Autant en profiter à fond de la coloscopie, nous dit Jules du 02. Non, mais que Jules, mais. Jules qui a très très envie de se faire mettre un truc dans le cul ce soir. C'est romantique ou quoi? Si vous habitez dans le 02, ça peut peut-être vous intéresser, là. Bon, alors, on a qui au téléphone avec nous? Après Cédric, on a Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut. Salut Nico. Nico, t'as 15 ans et t'es lyonnais, toi, Nico, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, t'as un truc à nous demander. C'est pas de l'argent, hein? Ah. Non, mais ça stresse Romano. Il a toujours peur qu'il y ait des auditeurs parce qu'il sait que c'est Radio Libre, qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Et il a toujours peur qu'il y ait un auditeur qui essaye de lui demander de l'argent. Ça, j'en ai pas. Ah, si, en plus, un peu ce soir. Alors, vous pouvez lui en demander. Il en a un peu. Combien tu veux, Nico? Oh, t'as plein d'argent, dis donc. Je sais pas, n'importe ce qu'il a. 20 euros, je pense que ça ferait peut-être. Ah, j'ai pas, pas, ah non, mais j'ai pas 20 euros. 20 euros pour démarrer, Romano, ça te ferait plaisir. Tu m'as pris pour un richou, toi. Pour un richou. 4, 5. Ouais. 5. Oui. 5, 20. 5,20. 5,40. 5,40. Non, pas mal. 50. Hein, 50. Comment ça fait autant d'argent sur toi? 70. Et 75. Alors, tu peux, les 20, tu les auras pas, hein. Parce que là, il a déjà beaucoup d'argent, mais il s'est arrêté à 5 euros. 75. 75. Bon, on va te retrouver, Nico. Tu restes avec nous. On va parler de quoi avec toi? Dis-nous en gros. Ah oui, t'as un truc à demander à tes parents parce que t'as une idée pour les vacances avec tes potes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les vacances de la Toussaint? Non, les grandes vacances d'été. Ah ouais, tu t'y prends tôt. Ouais, En même temps, si tes parents sont durs en négociation, t'as raison de t'y prendre à l'avance. Ah oui, tu t'y prends. Moi, je crois que c'était pour les vacances de la Toussaint. Ah bah, moi aussi, ouais. Qui arrive dans un mois. Ah non, toi, tu t'y prends déjà pour les vacances d'été. Donc, vous avez une idée. Bah, pourquoi pas parler des vacances d'été? Bah ouais. Hein, c'est bien. Ouais, c'est bon. Puis ça va faire du bien. Puis c'est pas si loin. Ouais, bah, non, quand tu vois le temps dans certaines régions de France aujourd'hui, tu te dis que les vacances sont loin quand même. Non, mais loin, bah ouais, mais ça fait quoi? Ça fait un mois, ouais. Bon, Nico, on revient avec toi. Tu vas nous expliquer la super idée que tu as eu, bah ça vous donnera peut-être des idées pour les prochaines vacances, on sait jamais, hein. Donc Nico, tu restes là, vous tous, vous toutes, vous arrivez en direct au 01 53 40 30 20. C'est bien, on a pris des nouvelles de Cédric, on vous offrira du FIFA ce soir, FIFA 17 à gagner. Avant minuit, on aura Pamela qui viendra nous rendre visite, et on va d'ailleurs découvrir les annonces de Pamela, les pervers de Pamela, avant 10h, on va se faire ça. Bah elle est venue avec moi, voiture, on l'a entendu. Elle est prête, hein. Elle avait l'air en pleine forme d'ailleurs. Ah ouais, elle est bien. Tu lui as dit que Cédric n'était pas là, je crois. Ah ouais, ouais, bah Lyon, bon, je vais dire qu'elle a sauté de joie, mais pas loin. Elle a bougé la queue. Oui. Pamela, comme un chien, elle bouge la queue quand elle est contente. Ah, très heureuse. Bon, on la retrouve dans un instant. Et puis, les familles du double appel également. Tiens, si vous avez des numéros pour le double appel, n'hésitez pas, on va en faire un là, d'ici 5 minutes. Vous nous laissez vos numéros 41759 sur l'appli Skyrock. Et vous entendez derrière moi les 21 Pilots qu'on va écouter. C'est Ride, c'est sur Sky, c'est pour démarrer cette soirée après un petit PNL tout à l'heure, un petit Audi Wine. Tous gagner 1500 euros en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500 euros toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Et non. Oh purée. Rendez-vous lundi matin de 6h à 9h dans le morning de Default sur Skyrock. Tu refais là. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec une nana. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. The morning show. Envoie 1500 au 7-20-20 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le morning de Default. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax. Télécharge Yax. Et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Y-A-X. Yax. Yax. Et hop là, c'est reparti, Radio Libre. C'est la plus grande radio libre de France. Tous les soirs, Tifoul Radio Libre, Radio Libre en direct. Ah bah voilà, pas long la pub. Et 21 Pilots, comme promis, c'est Ride sur Sky. Avant le double appel qui arrive avant Nicolas le retour et vous en direct jusqu'à minuit. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Sur Skyrock, on écoutait Ride en direct dans la Radio Libre, c'est reparti. Tifoul, Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Ouais, ici vous pouvez tout faire, tout dire, c'est Radio Libre, c'est sur Skyrock, c'est en direct, il est 21h28 et ouais. On suit Rennes-Guingamp 0-0. Pour l'instant, entre Rennes et Guingamp, une grosse soirée qui a démarré avec un gros Cédric à l'hôpital avec une coloscopie en prévision pour demain. Bon courage, ouais, mon Cédric. Ouais. Bon courage. Plein de messages. Il y a Justin, on va dire Justin, ça fait bien, ça fait comme Justin Timberlake ou Justin Bieber. Ouais, aussi, mmh, ouais. C'est au choix. C'est Timberlake ou Bieber. Ou Justin Bridoux aussi. Ou Justin Bridoux. Ouais, aussi, ouais. Très à la mode. Exactement. Comme Justin Bridoux. Star aux États-Unis, Justin Bridoux. Ouais, et lui, il a 17 ans, il s'est déjà fait faire une coloscopie. Parce qu'il avait une gastro-carabinée qui l'avait rendu malade. Il voulait savoir s'il y avait des bactéries à l'intérieur, tout ça. Ouais, il a le choix, hein. Mais même pour une gastro, il te coloscopique. Bah, non, mais bon, il faut que t'aies un truc sévère, quoi. Eh ben, écoute, salut à toi, Justin Bridoux. C'est pas parce que tu vas avoir la chiasse deux jours, tu vas faire forcément en avoir une, mais ici, il y a des trucs bizarre, ouais, à ce moment-là, ils en font une. Cédric est rentré pour une clavicule cassée, hein, pour se faire opérer, et il est à l'hôpital maintenant pour une chiasse permanente. Ouais, et puis bon, il y a toujours sa clavicule qui est depuis 3 jours. Et la clavicule qui est en attente. Bon courage, hein, Cédric, ouais, bon courage, merci pour les messages que vous nous avez laissés depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Gros orage dans le Cher. Ah, la radio ne fonctionne plus à cause des gros orages dans le Cher dans le 18. Alors, on va prévenir la technique, t'inquiète. Merci pour ton message, Bastien, là. Laissez-nous vos messages, ils arrivent directement dans le studio. studio, on les voit. Bonjour à Valentino Rossi qui nous écoute. Bonjour à Solène qui nous écoute aussi. Salut Solène. Le baiser de pute vient d'arriver. Salut à toi le baiser de pute. Bonjour à Chila Officiel. Bon, oh Chila Officiel qui était dans Planète Rap tout à l'heure, qui nous écoute aussi. Merci Chila Officiel. On salue tous les autres. Vous nous laissez vos messages. Vous arrivez ici si vous voulez réagir à l'émission, c'est possible aussi. Et puis notez bien les numéros pour gagner tout à l'heure FIFA 17. On vous offrira le nouveau FIFA. Vous le gagnez sur Skyrock. Ça fait presque un mois qu'on vous l'offre le FIFA 17. Ouais. Vous l'avez gagné en exclu. On continue de vous l'offrir. Et donc FIFA 17 a gagné avant minuit. On jouera ensemble avant minuit. Et Pamela jouera également avec les pervers qui nous ont laissé des messages. J'espère jouer avec des zizi. Ça va Pamela, dis donc. Bah bonsoir tout le monde. Rebonsoir. Je t'avais pas vu, je t'avais pris pour Romano parce que t'as pas vu ta perruque. Oui, bah attends, là je me suis mis à l'aise. Très bien, on écoute les pervers dans un instant. Alors, bah y'a aucun souci, moi je suis là pour ça. Et puis le double appel, on va le faire tout de suite. Là, j'espère que vous êtes prêts. On va juste prendre Nico là qui est avec nous depuis le début de l'émission. Ah, les vacances. Ouais, Nico et son idée pour les vacances. Alors lui, il prépare déjà les vacances de l'été prochain. Donc bah, c'est bien, il faut prendre l'avance. C'est bien, t'as un petit peu de temps pour le préparer. Les vacances pour l'été prochain, Nico, et t'as une idée et tu veux la faire passer auprès de tes potes. Tiens, et bonjour, tes parents aussi, non? Bonjour Pamela, nous dit plein gaz. Les pieds de Marine nous disent bonsoir Pamela. Bonsoir Pamela pour Tico. Pamela, je t'aime pour Ernest. Moi aussi, je t'aime. Quentin, salut Ernest. Il y a Quentin, le beau gosse PTDR qui nous dit Pamela. Farid qui te un gros bisou, Pamela, trop séduisante. En tout cas, moi, casse-couille que ma meuf. Ah bah si tu veux nous raconter Farid pourquoi elle est casse-couille ta meuf, n'hésite pas à nous laisser ton numéro de téléphone, on peut te rappeler, on peut en parler ce soir. Ce qui est bien dans la radio libre, c'est qu'on parle de tout ce que vous voulez. Vous savez que j'ai grâce, j'ai souvent envie de tub. Ah très bien. Tu veux que je te mette en contact avec Cédric, il a du temps libre ces temps-ci hein. Non mais je sais pas, je vais le laisser chier dans ses boîtes. Oui pour l'instant il fait ça ouais. Original comme activité. C'est son activité du week-end. Je sais pas, vous avez prévu des trucs pour ce week-end dans l'équipe? Toi Nico, bah. Nico t'as prévu des trucs pour ce week-end? Non. A priori pas trop toi ouais. Est-ce que t'as prévu de chier dans une boîte comme Cédric? Oh là, je vais me faire caca dans la boîte. Ah bah ouais, ça c'est sympa. C'est original, mais en même temps son rêve a été exaucé. Ouais j'ai fait caca dans 4 boîtes aujourd'hui. Le caca c'est bon. Ah ouais. Moi demain je vais aller le voir pour lui faire plaisir. Je vais l'amener une boîte à chaussures, il chira dedans. Moi aussi je vais aller le voir demain. Ouais. Avec une boîte. Je vais prendre un masque. Vous avez pas un masque à gaz, un truc pour non? Une combinaison peut-être même carrément. Peut-être une combinaison. Faut que je m'équipe pour demain. Ah ouais, peut-être qu'ils vont nous habiller. Bah sans doute pour éviter la transmission de sa maladie là. Ah bah j'espère. On vous avait dit qu'il a un problème au cul, Cédric. Moi ça fait des années que je lui dis. Vous avez vu? Regardez. Non mais moi les parents de Carriole l'avaient vu. Ouais et alors. Déjà ils avaient vomi. Sa mère, elle s'était inquiétée. Bon, une fois qu'il était parti, elle avait dit, mais il doit avoir les organes dilatés. Pourquoi il avait passé son temps aux chiottes? Non, mais il a vu son ventre. Non, mais déjà le bide. Ah attends, oui, juste pour le ventre. Nous, on est habitué, mais tu le connais pas, c'est quand même étonnant. Ah bah, oui, c'est vrai. Ouais. Un humain avec le bide de Homer Simpson. Non, mais tu sais, des vieux, il y en a des vieux qui ont du bide de ouf. Mais c'est vrai qu'il est jeune. Non, en plus, il est tout tendu, son ventre. Comme une femme enceinte. Il est tout dur. Vous savez que j'ai une copine qui est enceinte, elle m'a montré, elle m'a envoyé une photo de son ventre. Bah, c'est le même que Cédric. Et elle est enceinte, elle a 8 mois. Elle a de la barbe sur le ventre aussi? Non, pas elle. C'est là de la barbe au téton. Non, elle a pas de barbe. Ah, dommage. Faut mettre un masque à gaz, dit Foul. Bon, je mettrai un masque à gaz pour demain, là. Faut voir si le nez tient dedans. Donc tu vas. Le nez de qui? Non, mais tiens. Pourquoi les masques à gaz sont trop petits? Ah, mais je suis même pas sûr qu'ils tiennent ton bordel de. Ah, non. Mais ça que sûr, qu'est-ce qu'il a? On prend un grand. Un nez normal. Non, mais il doit y avoir plusieurs tailles. J'ai un nez normal, hein. Ah non, mais toi, tu sais. J'ai un nez normal. Ah bah non. Non, en tout cas, il y a personne qui répond. Hein, non, dis-le, Nico, qui a un nez normal, Nico. Ah, non, Nico, j'ai un nez normal. Non. Non, mais je te dis. Et en plus, il va falloir que je l'aide, lui, là. Oui, c'est bien, Romano. Non, mais il faudrait faire un essai, hein. Ce que je te dis, ton nez tient pas dans le bordel. Dans le masque à gaz. Ouais. Mais tu tiens, par exemple, dans les masques plongés d'Hécatlon, là? Bah, bien sûr. Non, les trucs, là, qui recouvrent toute la gueule, là? Ouais. Non, son nez, il se bloque contre le. contre la paroi. Tu sais, il a des le masque, il est décalé du visage du. Vengeance, Shane. Si on n'était pas à la radio sur Skyrock, je vous dirais bien d'aller vous faire enculer tous. Mais je vais me retenir. Ouais, tu sais. Je me baigne avec le masque. Mais tu sais comment, comme quand t'es petit, tu sais, tu colles ton nez sur la vitre, tu vois, c'est pareil. Il est trop drôle. Oui. Bon, alors moi, on va passer à. Oui, alors tu fais quoi ce week-end, toi, la Marie? Moi, je pars avec mon amoureux, mais je sais pas encore où. Et me faire sauter. Ah, c'est oui, cool, bah ça, ça on part tous ah les bah deux. Ah bah ça, hein. Non-stop, à te dire. Bah écoute, tu pars où, genre à la campagne? Ouais, mais non, mais on part, on sait pas encore où. Ah. Non, pas à la campagne. Très bien, c'est bien le week-end galère. Bon, on a dormi dans la voiture. Non. Rien trouvé d'autre. Dites-nous ce que vous faites ce week-end, si vous avez des activités sympas, ça peut donner des idées aux autres. Envoyez-nous vos messages, on en reparlera dans la soirée, on aura le temps, on est là jusqu'à minuit. Bon, alors, Nicolas, toi, tu as une idée pour cet été et tu voudrais convaincre tes parents d'accepter. T'as 15 ans, toi, Nico, et t'es à Lyon. Hein. Nicolas ? Oui, allô ? Ah, ah. Oui, j'ai entendu un cri juste avant. Il y a un truc bizarre. Il s'appelle d'une porcherie, c'est sa petite sœur qui fait une crise. Il est avec Cédric. Je sais pas. Il allait voir Cédric à l'hôpital. Il lui rentrait son tuyau dans le cul pour faire la poloscopie, c'est pour ça qu'on a entendu crier. Bon, alors, dis-nous, qu'est-ce que tu veux organiser avec tes potes l'année prochaine, toi ? Déjà on avait déjà essayé l'année dernière, on voulait partir en camping, mais il disait 15 ans c'est trop tôt tout ça, donc du coup là on voudrait réessayer cette année. Ah, le camping. Vu qu'on aura 16 ans. Ouais, camping, une semaine tous ensemble, tout ça dans un mobilhome. Tu sais qu'on a des fans du camping. Du coup, on sait pas comment. Quoi ? Déjà on a des fans du camping de l'émission de Féminin Appelé, Romano Campeur. De père en fils. Ouais, ah ouais, mais je campe plus là. Mais moi j'ai campé moi. Moi aussi j'aimais. Ouais, j'ai beaucoup campé. Tu sais que je me suis super marré à ton âge, j'allais avec des potes faire du camping, on rigolait, on allait au Lavandou avec une bande de potes. Lavandou, ouais. c'est à côté de Toulon, ouais, pas loin. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, voilà. Et là c'est le Lavandou. Le Lavandou, si tu veux, Cédric. Bon, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est comme la clavicule. Cool. Ouais, pareil, c'est pareil. Donc j'ai au Lavandou et on s'est vraiment tapé des bas, on s'est même fait virer d'un camping parce qu'on faisait à minuit, on faisait des dérapages sur la route en terre. Bon, le problème c'est qu'il y a des gens qui sécher leur linge, ils ont pas trop aimé parce que le linge était marron, mais c'est bien, ça mettait une petite pellicule de protection sur le linge. Ouais, c'est joli. Customise le t-shirt. C'était pas content, mal. Ouais. Ils ont pas aimé, mais en tout cas le camping avec les potes c'est super, Nico. Ah. C'est une bonne idée que t'as eu là. Tu vas aller où au camping? Quoi? Tu vas aller où? Je sais pas. On voulait aller dans le sud. J'ai un pote qui a déjà regardé des campings, mais on sait pas exactement. Ouais, mais dans le sud c'est bien. Faut aller dans le sud, au bord de la mer, pas loin de la mer, c'est super. Bah ouais, c'est clair. Non, puis le camping, tu rigoles parce que t'as plein de gens qui sont au camping, tu rigoles sur la tête des meufs et tout. Ouais, il y a pas mal de bofs en plus. Puis t'as plein de meufs au camping. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce que tu peux défourailler au camping? T'étais sorti avec des meufs au camping, toi, Romano aussi? Ah bah ouais. Avec qui t'es sorti? Attends, grave, l'huître. Ah, la première, tu t'es dépucelé. T'imagines, Romano, je sais pas si t'es puceau encore, Nico. Romano s'est dépucelé au camping. Ouais. Bah, il y a eu. Ouais. Il y a eu Ratisha. Ratisha, celle qui avait des dents qui étaient. On aurait dit un peu Bugs Bunny. Et que sa mère avait traité de pute parce que j'étais en train de la galocher derrière le bar. Ouais, Bugs Bunny. Ouais. Ah, bah lui. Non. Non. Parce que c'était plus Beetlejuice. Beetlejuice. C'est joli pour une fille. Tu vois la gueule de Beetlejuice, Nico? Non, pas du tout. Tu vois pas qui c'est Beetlejuice? Explique qui c'est Beetlejuice, Romano. Bah, c'est un espèce de monstre avec des dents dégueu, quoi. C'est Beetlejuice. Tapez Beetlejuice sur Google. Non, mais on va vous mettre la photo sur les réseaux. Et puis on va vous. Bah, voilà. Bah, attends, non, mais il y en a grave d'autres. Il y a eu mononucléose, Sagan de toilette. Ouais. Il y a eu l'autre, là, qui m'avait foutu avant, là, au bas. Sagan de toilette, c'était celle qui avait des seins tout petits, mais qui tombait déjà au niveau du nombril. Ouais, c'est ça. Bah, surtout, elle avait 16 ans, quoi. Elle avait 16 ans et tombait comme ça. Bah ouais, il tombait. Ouais, elle était dégueulasse, quoi. Elle avait pas les tétons cornichons en même temps ou c'était une autre? Non, mais ça, Marie, c'était ça, pas c'était du tout la même. C'était tête de tortue. Tu mélanges tout, Marie. Bah ouais, je mélange tout. Attends, il y en a eu d'autres, hein. Putain, mais t'as de série comme ça. Putain, mais au camping, La Niaise. Ah putain, moi j'ai pas un tableau de chasse comme toi, hein. Ah non, mais ouais, mais moi j'ai été plein d'années. Et puis il y a une année où j'avais cartonné, quoi. En un mois, j'en avais serré 8. Oh, oh putain, serial lover, quoi. Lover, 8 meufs en un mois. Pim, pam, pam. Et après, tu te demandes pourquoi c'est un des rois du clash de la drague. Ouais. D'ailleurs, invaincu depuis la rentrée, hein, c'est un calmarès. Mais quel beau gosse. Bon, Cédric est un peu handicapé au clash. Qui c'est qui veut se faire baiser ce soir? Je te baise, moi, ce soir. On verra. Ouais. Tu veux le baiser? Ouais, mais non, en tête à tête, déjà. Ah, j'allais te demander si tu prenais ton compère Samy. Ah, non, mais moi, j'en ai marre de me faire casser le cul. Ça veut dire, il en a marre de jouer au clash. Je suis hyper content. Franchement, tu sais quoi? Tu prends Marie. Non, le boulet. Ah, mais c'est une galère, gros. Tu préfères le faire tout seul? Ouais, je préfère. Non, vas-y, tu sais quoi? On tire à pile ou face. Vas-y, on ramène comme handicap. Vas-y, si tu veux. Vous êtes vraiment des cons. Vas-y, pas de soucis. Ah, c'est drôle ça. Donc on met Marie dans une des deux équipes, ou Romano avec Marie, ou alors Karim avec Marie, c'est ça? Ah ouais, on tire au sort. Et Samy, tu. Non, moi je fais les numéros, gros. Oh, Samy, il a plein le cul. Ah ouais, j'en ai l'air de perdre. Il a le trou du cul en fleurs. Non, mais si je veux Romano, il gagne, je me grefferai à sa team. Discrètement. Donc tu vois, pour les vacances, c'est bien parce que vous allez serrer comme des oufs. En plus, une bande de potes, vous voulez y aller à combien? 7, ça va être marrant. Ouais. Mais ça, méfie-toi, parce que moi, tu sais, pareil, la première fois qu'on avait prévu de partir en vacances avec des potes, oui. Je me souviens, en seconde, t'as quel âge? T'as 15, 16 ans. 16, ouais. Ouais, bah moi pareil, c'était en seconde. On avait prévu ça, on avait commencé à prévoir en novembre-décembre. Mmh. Au départ, on devait être 20. Non, t'es pas 20, mais 10-15. Toujours comme ça. Ouais. Déjà en janvier-février, on s'est retrouvé à moitié moins. Ouais, et Romano est parti tout seul. Non, non, pas loin. Bon, on est parti à 3, du coup. Ah ouais, non, putain bah, non, parce que à 3 dans l'aube. Non, non, non, on était parti à l'île de Ré. C'est quoi que t'as dans la bouche? Je mange du mogu. Ah, tu me dégoûtes quand tu fais ça. Bah, laisse-moi boire. Je vais une autre couleur. Ton je bois du. Oui, c'est aujourd'hui, c'est la. À la melon, mer. Non je... C'est melon, ça. Non, melon, c'est jus d'orange. Putain, c'est jus d'orange, ça. Ok. Heureusement qu'il l'a écrit dessus. Hein. Et non, je bois une boisson chimique que j'adore. Mogu, ouais, mogu. Et tu la mâches. Mais ouais. Pour en venir en vacances, non, parce que ce qui va se passer, c'est que déjà, t'as des potes qui n'auront pas l'oseille, et t'en auras une bonne partie dont les parents voudront jamais qu'ils partent au camping avec des potes. Ouais, je te dis. C'est ça, en gros. Ouais. Bah ouais, souvent c'est ça. Ouais, ben je pense. Ouais, vous avez prévu d'y aller à 7. Ouais. Vous serez 3. Ouais, c'est clair. 2, 3. Non, mais c'est. Moi, on s'est éclaté, hein. 3, c'est un peu plus au nord de 7. Non, mais je pense, ouais. Non, mais bon, faut pas partir à 7, quoi. C'est le top. Un peu pour résumer. Non, mais c'est au niveau du nombre, c'est pas des nombres. Ah, pardon, excuse-moi. Et ah non, mais c'est sûr, il va y avoir du nettoyage entre temps, ouais. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, nous, Nico? Tu veux des témoignages, déjà, ceux qui sont déjà partis en camping? Des idées pour les convaincre ou quoi, quoi. Alors, oui, c'est surtout ça qui t'intéresse, j'imagine, ouais. Donc, comment convaincre les parents? Bah, tu vas avoir 16 ans, t'as quand même le droit de partir avec tes potes. Ils sont serrés, tes parents, ou pas? Quoi? Ils sont serrés ou pas? Bah, ça dépend pourquoi. Et si, par exemple, t'as des super notes toute l'année, ça va, bah, c'est plus facile, non? Parce qu'il y en a qui disent, faut bien bosser à l'école. Ouais, c'est vrai que ça aide. Bah ouais, c'est clair, ça, je peux l'utiliser comme argument. C'est Salvatore qui nous a laissé le message. Non, mais ça, c'est clair que ça aide. Ouais. Donc, faut bosser, tu dis. Ouais. Faut mériter, en fait. Une autre question. Bah ouais, ça va, là. Bah, pour le moment, on a tous une assez bonne moyenne, donc ça peut aller. Bon, bah, continuez. Bah, si ça vous motive, en plus, ça peut vous aider dans vos études. C'est pas faux. Est-ce que le camping où vous allez aller, tes parents, ils le connaissent? Bah, il sait pas encore, non. Non. Ah oui, il a pas choisi le camping en plus. Ouais, c'est, vrai, c'est mieux ça. Bah moi je sais que mes parents, ça les avait rassurés parce que déjà ils connaissaient des gens dans le camping. Donc au pire, si on avait vraiment une grosse galère, tu vois, il y avait quand même quelqu'un qui s'adressait quoi. Ils étaient rassurés. Il y avait au moins un ou deux adultes. Tu peux aller chez les naturistes, tu verras, tu vas t'éclater. Il y a que des vieux Hollandais. Message de Pickerman, 15 ans, qui nous laisse un message. Ça donne envie, tiens. Il faut une personne majeure. Ils ne prennent pas que des mineurs dans les campings. Vérifie, fais attention quand même, nous dit Armor. Ouais, c'est ce qu'on pensait. On n'était pas sûr s'ils acceptaient, si tous les campings. C'est vrai que c'est pas tous les campings. Ouais. Et les campings. Moi, je sais que j'allais dans le camping des parents d'un pote, donc il y avait des majeurs. Ouais, t'avais pas de soucis. Moi, je suis déjà parti contre mineurs, ils nous avaient refusé. Mais on était contre mineurs, nous. Mais sauf qu'il y avait les parents qui étaient dans le camping à 2 km plus loin et qui nous foutaient. Si t'arrives comme ça qu'avec des potes sans adulte, tu risques fort de te faire reculer. Ah ouais, tu crois? Ouais. Donc, que ce soit les parents qui réservent et qui préviennent et qui soient d'accord. Mais ah, puis même, c'est mieux d'avoir un adulte, une voiture, s'il y a un problème. Ouais. Garde le camping, c'est super. Tu vas pas y aller avec ton daron, quoi. Tu vois, tu te maries d'avoir un adulte. Ah ouais, non, mais un pote ou un frère, tu sais, quand même. Faut un cousin de 18 ans. Ouais, un cousin. Ouais, faut que ça reste un jeune, quoi. J'ai pas vu taper un. Ah bah, un vieux comme quoi, tu vois. Goldfish, lui au camping, on caressait nos meufs au clair de lune. C'est romantique, tu vois. C'est super romantique. Super romantique, tu vois, les jours il pleut, la tente elle prend la flotte. Le mieux c'est les orages. C'est le délire. Non mais moi tu vois, tu rigoles. Faut être sympa avec ses parents, être gentil avec ses parents, tiens, pour Sultan Joker, ouais, bon là-dessus. Bosser. On est tous d'accord. Ah bah ouais, non bah c'est clair, ouais, c'était un gros coup toute l'année, j'espère pas y aller, ouais. Ouais, ça serait con que tu sois gentil toute l'année puis que tu puisses pas aller au camping. Bon, racontez-nous votre camping, si vous avez des idées pour faire accepter le camping à Nico. Tu peux leur dire que c'est pas cher, c'est moins cher qu'un hôtel. C'est vrai. Ouais, c'est aussi. C'est vrai, c'est pas mal, ça aussi, hein. Sinon, tu peux faire du camping sauvage, c'est encore moins cher pour Bambin, 25 ans. C'est galère. Ouais, mais c'est bon, compliqué, déjà. Salut, Bambin. Puis maintenant, c'est interdit. Et puis dans plein d'endroits, c'est interdit, hein. Bon, vous nous laissez des messages avec l'appli Skyrock, tiens, qui a été testée par Brieux. Et qui nous dit, elle est pas mal, l'appli. Ben, testez-la. Vous la testez, vous pouvez nous envoyer des messages, c'est gratuit, pas cher. Et des photos, en plus, on aime bien. Oui. Donc, vos vacances en camping, vos idées pour qu'il arrive à convaincre ses parents, Nico. Vous nous laissez tout ça, et puis on y revient dans un instant. Tu bouges pas, Nico, reste avec nous. Ok, ça marche. Et dans l'équipe, il n'y a que moi et Romano qui sommes campés. Non, Samy, t'es parti en camping, toi. Ouais, moi, plein de fois, j'aime trop. C'est bien aussi. Ouais, bon délire, tu rigoles. Ouais. Et tu peux dire un bon argument. Baiser, toi aussi. Ouais, un bon argument à tes parents, moi. C'est qu'on baise. Tu le dis à tes parents. Tu vois, je vais baiser tous les comme jamais. Non, moi, ça avait marché. J'avais dit à mes parents, genre, ça, le camping, ça apprend à être autonome, tu vois. C'est bien ça. Ouais, et genre, mes parents, ils avaient bien kiffé le truc, ils m'avaient laissé partir. Parce non, que mais note, ça, c'est bien mon idée. Ouais, bien l'idée que j'ai eue avec Samy. Non, bien notre idée. Non, tu te démerdes, tu vois, pour la bouffe, pour te laver, pour faire ton bien sûr. Et c'est quand même sans risque tout, parce qu'il y a d'autres personnes. Oui, oui. Ça faut pas le dire, ça. Ça, tu dis pas. Non, mais nous, par contre, tu vois, il y avait des vieux à côté de nous. Ouais. Tu sais, ils nous trouvaient sympas. Et des fois, ils nous faisaient à bouffer. Ouais, ils t'invitent à bouffer. Ça, pareil. C'est sympa. Oui, bon. Puis on venait, les regarder la nuit, les jeunes. Non, mais on les regardait dans leur tente. Non, par contre, moi, j'ai aussi des potes qui se sont fait expulser d'un camping. Ah, comme moi, pareil. Parce qu'ils jouaient du djembé la nuit. Ah ouais, ils aiment pas ça. Les dérapages sur les routes en terre, les djembé la nuit. Tout et ça, ça ils aiment pas. La nuit, gros. C'est pour jouer du jumbé la nuit. Un autre truc aussi, un autre conseil à te donner. Vas-y. Quand, parce que moi, je me suis retrouvé dans ton cas avec que des mecs de 15-16 ans, tu vois. Et quand tu prends trop loin de la plage et que t'as pas de voiture quand t'as 15 ans, mec. Ah, bah c'est galère. Ça, on avait regardé. Ouais, aussi. Choisis bien ton camping. Hein. Ah ouais, moi, j'y allais à pied, ouais. Ouais, mais quand c'est à 10 bornes, mon gros. Moi, le mien, il était au bord de mer. Ouais, bah moi, j'ai pareil. Ah ouais, parce que 10 bornes, tu vas jamais. Bah si, tu vas une fois. Après, tu fais du stop. Du coup, il y en a qui viennent pas. Tu te retrouves qu'à 3 sur la plage. Enfin, c'est une galère. Ouais, fait. C'est relou. Ah. Et il y a le Romano Le Chauve, 17 ans, qui dit moi, j'y suis allé cet été au camping. On était 6 et on était que des mineurs. Vous avez réussi à vous faire accepter. Bah écoutez, tant mieux pour ah, vous. Bah ouais, cool. Tiens, dans un camping, c'est de la bombe. Il y a plein de chattes. Et tout le monde soutient. Ah, merci ouais. Le poteau. Les campings, faut bien choisir. Parce qu'il y a des campings où il y a que des vieux. Eh oui, on va jouer à la pétanque. Ce soir, c'est tournoi de pétanque avec Germaine. Ah, bah tu sais, à la limite, c'est le moins pire. Bon, on fait une pétanque. Ah bah allez, ouais, bah allez, on peut y aller. Allez, on y va. Nous, on va chez si tout le monde. Si les familles sont prêtes. Bah on va voir ça tout de suite. Un double appel, c'est parti, c'est sur Skype. C'est vous qui m'avez appelé, non? Bah et vous-même, c'est vous qui me téléphonez. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Mais il va falloir que tu t'encules tout de suite, hein. Ah, ouais, tout de suite. Patrick. Obsédé. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. J'ai une bonne bite là. Ah, la gueule. Merci Patrick. Et c'est les bon. Familles de France sont mises à contribution tous les soirs sur Skyrock. On leur donne la parole sur Skyrock, hein. Ah bah ouais. Skyrock, c'est vraiment la radio de la liberté. Skyrock, the radio of liberty and freedom. Ah yeah, free. Freedom. Eh bien donc c'est parti. Qui c'est qu'on appelle ce soir? Samy. Allez, Philippe, vas-y, balance. T'as dit Philippe et... Ouais, Philippe et Bernard dans le 16 et le 86. Ah, on met deux régions différentes en contact. Le 16, c'est charmant ça. Ouais. Et le 86. Ah bah c'est pas très loin, on est du côté de Poitiers, non? C'est pas ça? C'est ça, si, si. C'est ça. Ah mais quel savoir, qu'est-ce que je suis fort en géographie. Allô? Allô? Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Oui, c'est qui? Bah, devine. C'est Alexandre? D'accord, oui. Alors? Je vais te donner une petite combine, là. Il marche bien, son téléphone, à lui. T'as pas un problème de téléphone? Ah bah voilà, comme oui, ça. Il s'est décollé, quoi. Comme ça, au moins. Quoi, ouais, c'est quoi, ça fait mal à la tête, ouais. L'autre, ah ouais. Il a acheté un téléphone. Non, mais pourtant, ça, c'était bien parti avec Patrick. Ah ouais, c'est ouais, cool. T'as vu, ouais. Bon, il le prenait pour je sais pas qui, mais. Alexandre. Voilà, mais bon. Ouais, c'est Alexandre. Putain, Alexandre, son pote, il a une voix bizarre. Il a la voix de Patrick. Moi, non, ça mais son, ouais, Alex, son pote, c'est un pervers, le mec. Moi, j'aurais un pote qui a la voix de Patrick. J'aurais peur, moi. Ouais. C'est qui qu'on appelle? Gérard et Jean-Pierre. Gérard et Jean-Pierre. Des prénoms à la mode. Oui. tu parles duquel? Les deux. Les deux, moi, j'ai pareil. J'ai du mal à choisir entre Gérard et Jean-Pierre. Allô? Et Patrick. Gérard et Jean-Pierre. Qui sonne? C'est le principe, on les appelle en même temps. On attend qu'ils décrochent tous les deux. Donc, il y en a un des deux, au moins. Pour l'instant, on attend. Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Allô? Allô? Allô? Allô? Oui. Oui, comment vas-tu? Allô? Allô? Allô? Oui? Oui, allô? Comment vas-tu? Allô? Allô? Comment allô? Vas-tu? Allô? Oui, comment vas-tu? Allô? Allô? Il y a de la merde dans le tuyau ce soir. Patrick, hein. Allô? Oui, comment vas-tu? Vas-y, Patrick. Oui, comment vas-tu? Très bien, merci, Patrick. Oui, bah, très bien, là, bon. Non, mais c'est bon, Patrick, tu discutes avec moi. Hein. Le mec moi je sais que tu es dans un ordinateur, Patrick, tu vas pas me prendre pour un con, je vais pas discuter avec lui. Du coup, lui parler, Patrick. Il est gentil, Patrick. Tu t'es bien amusé. Il est sympa, il veut me faire participer au double appel. Il est sympa. Non, pas bon. Du tout, là. Allez, Patrick. Alors, une autre. C'est reparti, là. Les prénoms stylés continuent. Aubertin. Aubertin, très bien. Et Annie. Eh ben, très bien. On va chez Aubertin et Annie. Spécial. J'espère qu'ils vont répondre, eux. Hein. Ah. Allô, allô. Oui. Ah, bonjour. Oui, allô. Oui. Deux. Oui. Ah, ils sont deux. Qui c'est? Ah. Eh ben, c'est qui à l'appareil, vous? Allô. Oui, allô. Oui. Oui. Eh ben, vous êtes de la part de qui? Bah, j'en sais rien, moi. C'est vous qui téléphonez, là. J'ai rien appelé, c'est vous qui appelez depuis. Non, j'ai rien appelé du tout, moi ça sonnait trois fois. Bah, bon, vous j'appelle pas, je suis en train de me laver. J'étais en train de boire le café au lit, moi. Oh, ben attendez, arrêtez vos conneries, hein. C'est pas des conneries, non. Comment vous vous appelez? Ah, merde. Comment on va? Ah, tiens. Merde, con. Pardon, n'est pas joignable. Ben voilà. Allô? Attends. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui? Allô? Oui? Eh ben j'écoute. Eh ben moi aussi j'écoute. Ben qui vous êtes à l'appareil? Aubertin. Ben, je connais pas. Oui. Et vous qui c'est vous? Ben pourquoi vous appelez? Ben j'ai rien appelé du tout. Ben, attendez, j'entends pas du tout. Oh. Pourquoi vous appelez là? Ben très bien là, bon. Ben oui, mais ben, je vous écoute, hein. Là j'ai eu ma copine qui m'a fait une bonne petite pipe dans la voiture. Là. Sacré couillon, on va. Une saloperie. Absolument, oui. Ah bah appelez les gendarmes, tiens. Ah, direct. Ah, ils sont partis. Ah merde. Oh, les deux. Ah bah ils étaient sympas, ils avaient c'est des une saloperie. C'est une saloperie. Ouais, Patrick. Oh, c'est une saloperie. Ça. C'est quand il a entendu Patrick, ça. Ok, Patrick. Et Patrick est content de lui, vous entendez. Hein. Moi, c'est qu'une saloperie. Absolument, oui. Absolument, oui. Bon, absolument. On en fait un autre? Allez, vas-y, ouais. Allez, on en fait un autre parce que quand on est parti, on ne se lâche, on ne s'arrête plus. Alors, qui c'est qu'on va appeler, Samy? Ah oui, t'étais pas prêt, là. Vas-y, alors, t'inquiète, c'est bon. Vas-y, prends des numéros, hein, vas-y, fais. Hop. Allez. Frédéric et Jacques. Ah, il était bon, celui d'avant. Il était pas mal. Oui. Ah. Allô? Oui. Allô? Oui, il y en a. Oui, bon. Allô? Allô? Oui? Oui. Mais je vous écoute. Ben non, c'est moi qui vous écoute. Je crois que le téléphone est devenu fou. Ah oui, c'est un caca. Hein. Oh. Parce que ça fait trois fois que ça sonne chez moi et. Et le caca, c'est bizarre. Eh ben là, c'est vous, ça sonne chez moi aussi, et j'ai... Oui. Et c'est pas moi qui appelle, hein. Ben, moi non plus, et je vois qu'il y a une troisième personne sur la ligne. Oui. Et vous, on vous appelle ou c'est vous qui appelez? Ah non, on m'appelle. Non, je parle de l'autre. Absolument, oui. C'est-à-dire, absolument quoi? Vous êtes trompé, le numéro, je crois. Ah, d'accord. Je vois, oui. Écoutez, moi, je raccroche parce que j'y comprends rien. Oui. Oui. Ça a marqué. Allô. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Moi, je suis décaloté complètement. Ah oui, d'accord. Ouais, décaloté, ouais. C'est bien. On va s'occuper de ça. Nous avons les outils. Au revoir, monsieur. Là, j'ai eu ma copine qui m'a fait une bonne petite pipe dans la voiture, là. Ben oui, moi, elle est en train de m'en faire une. Voilà. Absolument, oui. Allez, dégage. Il va pas éjaculer tout de suite. T'as les couilles au cul pour venir me voir? J'ai un petit sec de 21 cm. Oui. T'as pas de couilles au cul. T'as pas de couilles au cul, enculé. Hein. T'as mis un petit peu de doigt dans la chatte, là, hein. T'es juste capable de quoi? De téléphoner comme ça, anonyme, hein. Mais viens me voir, tu vas voir un peu. Et je peux dire que je vais te baiser... Eh, vas-y, baise-moi. Ouais. Tu feras une pipe au champagne. Allez, bah, tu racontes n'importe quoi. Tu veux te faire sodomiser, là? T'es même pas un soldat, t'es rien du tout. T'as rien entre les pattes. Et t'as rien. C'est Rumble, mec. T'as rien entre les... Adrienne. T'es pas un vrai soldat. T'es pas un soldat. Non, Patrick, non. Bon, là, il y en a eu 4 hein, qui sont succédés, donc c'est un quadruple appel qu'on a fait pour terminer. Ah putain, il est génial. T'es pas un soldat. Ah, ils étaient super. Ah, ils étaient bons. Hein. On a les outils. C'est ça. Oui, on a les outils pour vous soigner. Eh, Nathan, tu nous as laissé le numéro, les deux derniers, là. Nathan, on va t'envoyer un cadeau ce soir. Tiens, on t'envoie FIFA, si tu veux. Ouais. Merci, Nathan, pour le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous laisser des numéros si vous connaissez des gens qui habitent à côté de chez vous, de la famille. T'es pas un soldat. Des amis, des soldats également. Ouais. Vous pouvez nous laisser les numéros et on les appelle le soir pour le double appel. Vous laissez votre numéro aussi, comme ça, s'ils sont bons, on vous récompense. Bah, c'était super, ça, dites donc. Hein. Bah, c'était bien. Et on va récompenser aussi, je sais pas qui c'est d'ailleurs, j'ai pas vu. Celui qui a laissé le numéro, ou celle qui a laissé le numéro pour ceux d'avant, là, Bertintin, là.

personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état? C'est comme si moi on me disait que j'ai un nez difforme. Non mais t'as le nez complètement déglingué. Romano. Non mais j'ai des remontées jaunes. C'est dans la bouche. Non. Cédric. Bon alors Cédric c'est quoi d'abord? Non, quelqu'un de désopulent, c'est quelqu'un de déconcertant par exemple. Marie. Oh le vrai, t'as hop. Samy. C'est un parisien lui, c'est pour ça. Ouais, Samy, excuse-moi Samy. T'inquiète mon pote. Et Karim. Cédric, tu sais nager? Ouais. Bah normal pour un ton. C'est pas mal ça. Diffoul Radio Libre, 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Eh bah ouais, c'est pas mal. C'est en direct sur Sky Radio Libre et en direct avec du foot à suivre ce soir. Rennes Guingamp, toujours 0-0 dans le derby breton. On est à 10 minutes de du démarrage de la deuxième mi-temps. Et on suit cette deuxième mi-temps jusqu'au bout. Bah oui. Jusqu'au bout du bout. Ah bah oui. Et on vous donnera les résultats de la L2 aussi, parce qu'il y a eu des matchs en L2 aussi ce soir là. Allez-y les footeux là, je m'adresse à Samy ouais, de Marseille. À gagner. Et à Dijon, ils sont pas en L2, Romano. Ils jouent pas aujourd'hui, ils jouent ce week-end. Mais ils sont L2. Mais non, ils sont L1. Non, non, ils sont ah oui, L1. Ils sont L1. Oui, complètement barré. Ouais, ouais, premier sur le foot, bien sûr. Il y a Auxerre en Ligue 2. Ouais. Donc, on vous dit au courant, on vous dit tout ça. Et puis, évidemment, donc on suit. Ils sont en Ligue 1. Rennes-Guingamp. Premier sur le foot et premier sur la Bourgogne, Romano, là, ce soir. Bah, à fond, Alors, vous êtes éclaté en camping. Faut bosser pendant les vacances, pendant l'année, pour te payer ton camping cet été. Message de VP85, c'est les conseils que vous nous avez laissés pour Nicolas. Sauf si les parents sont prêts à financer les vacances. Hein. Oui. Donc, non, mais tu peux. Comme ça, tu montes à tes parents que t'as vraiment envie d'y aller, que t'es prêt à tout pour gérer ton camping. Ouais, c'est ce qu'il disait, mes potes, ils disaient ça exactement. Ouais, comme ça, c'est bon, t'es responsable. C'est un peu ce que je disais avec Samy tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ouais. Complètement. On l'a dit tous les deux. Ouais, en même temps, on l'a dit. Oui, quand je vous disais qu'il fallait dire à vos parents. Ouais, comme ça on va se responsabiliser. Ça apprend à être responsable, voilà, etc. On s'autonomise, c'est bien, parfait, tout ça. Bah, c'est vrai que ça peut être pas mal. Et puis voir s'il n'y a pas un cousin ou quelqu'un d'adulte, comme ça, ça peut peut-être aussi. C'est possible. Même si... Ouais, non, là par contre, non. Non, ah ouais, y a pas. Tant tes potes. T'as pas tes potes, toi, peut-être. Ouais, t'as peut-être. Non, mais bon, si jamais, vous pouvez très bien. Après, je peux avoir un pote qui a peut-être 17 ans, grand max, quoi. Mais il non mais là on a eu des messages, il y a des campings, ils prennent des mineurs, faut ouais, juste bien se renseigner avant quoi. Pour l'autorisation des parents, on nous disait là, j'avais eu le message de Vanessa qui nous avait dit que elle avait eu besoin de l'autorisation de ses parents pour partir avec des copines l'année dernière. Ouais, mais peut-être que si tu contactes le camping, c'est tes parents qui le contactent en disant ouais, c'est nos enfants qui viennent et c'est nous qui payons, bon. Oui, et puis vous avez pas 3 ans non plus hein. Non, mais dites-nous. Ouais, mais des fois les campings, ils ont peur du bordel. Les bandes de jeunes, le bordel. Ah bah ouais, moi je confirme. Non mais si vous l'avez fait qu'il y a des campings qui prennent à mon avis aussi mes parents, s'ils veulent pas, c'est à cause de ça quoi, ils ont pas confiance trop merde. Mais non, mais tu es quelqu'un de sérieux. Nicolas, passe-moi ta mère, je vais lui dire. Mais je sais qu'en par exemple, bon, c'est pas là que t'avais envie d'aller à la base, mais il y en a peut-être dans le sud. En Vendée, il y a certains campings, justement, pour éviter qu'il y ait des problèmes la nuit. Il ouais. y a des zones jeunes. Ah bon. Oui, on les parque. Oui, on parque les jeunes. Ouais, mais c'est imagine. Sympa, parce qu'en plus, c'est ouais, mieux. Hein. Ouais. Avec un enclos. Non, mais. Des toits, si le camping, il est grand, tu vois, il y a une zone qui est réservée pour les jeunes, comme ça, si le soir, ils font du bruit, j'aime ils pas. Ils emmerdent pas les plus vieux. Moi, ils m'ont mis dans une cage à Thoiry. Oui, mais ça, c'est un zoo. J'étais avec Chita, c'est devenu un copain du camping. Chita, ah, bah dis donc, c'est ouais. C'est mignon. Le gentil Chita. Manger des bananes ça ensemble. Oui. Et les cacahuètes. Et même t'es dans le cou. Oh, bah c'est bizarre, mais bon. Non, mais je disais, ouais, si vous êtes allé en camping entre vous, là, entre mineurs, et que vous avez des noms de camping, comme c'est pas. Enfin, vous êtes. Ah, des campings autorisés voilà, aux ouais, mineurs. Voilà, ouais, dites-nous. Ouais, bah dis-nous. Mais on a eu plusieurs messages là-dessus. Hein, ah, ouais, sinon, ouais. Tu sais, le mieux, c'est le camping, tu l'appelles et tu demandes. Hein. Tu parlais de Vanessa. Ouais, ouais, on pourrait faire ça. Ouais, c'est ce qu'on voulait faire, mais on n'était pas sûr. Ouais, mais t'appelles, tu demandes, voilà, tu dis est-ce que vous acceptez les mineurs, si même ici, si admettons nos parents ils sont, je sais pas comment expliquer, mais voilà, ils sont, voilà, t'as compris, hein Nico, c'est simple, moi je trouve ça simple. Il faut aller dans les campings Campéol, c'est les meilleurs. Il y a de la chatte partout, nous dit le puceau 20 ans. Ah, c'est une chaîne de camping, ouais. Salut Campéol, les campings. Et alors là, attention, on va accueillir une star. Voici Panda. Panda en direct avec nous dans le 79. Salut Panda. Bonsoir. Ah, salut. Une fille, je crois que t'étais un garçon. Je dis Panda, un panda c'est un garçon. Et non, bah bienvenue ouais, Panda. Mais c'est ton vrai prénom ou c'est juste un pseudo? Non, c'est un pseudo. Ah, c'est mieux, ouais. Parce que oui, sinon c'est un peu bizarre. Tu t'appelles Panda, c'est un petit peu bizarre. T'as le nom d'une voiture. Éléphant. Et bienvenue à toi, Panda. Alors, t'as une idée de camping pour Nicolas. Écoute bien, Nico. Le camping naturiste. Et alors, Nico, qu'est-ce que t'en penses à poil avec tes potes, le sgégalère? Ouais, non, non, laisse tomber, ouais. T'imagines? Pourquoi t'es allé en camping naturisme, toi? Oui, pour mes 18 ans. Ah, mais qui c'est qui, qui c'est qui t'a offert ce cadeau? C'est des copines, des copains, ton mec, c'est qui? Non, c'est mon tonton et ma tata. Ah, bah, la famille, quoi. Ton tonton et ta tata. Ta-ta-la-ta-la-ta. Et t'en avais jamais fait? Non, jamais. Mais et tu t'es retrouvé avec ton tonton et ta tata à poil devant toi. Mais quoi. Ça t'a pas surpris quand ils t'ont proposé ça? Oui, absolument. Si, un peu, ben, en tonton fait. Tonton aimerait bien voir sa nièce nue. Ah ouais, c'est Non, oui, c'était un peu ça. Enfin, j'étais un peu gênée, mais. Et tu savais qu'ils faisaient du naturisme, tes tontons, tata, là? Ben non, je l'ai su. Enfin, je savais qu'ils faisaient des choses un petit peu étranges, mais. Ah, ils sont libertins un peu, non, c'est ça? Ouais, bah ils étaient un peu comme ça. Putain, mais moi j'aurais flippé de me retrouver avec mon oncle et ma tante libertins dans le même camping à poil. Ouais, après, bon, libertin ne veut pas dire déglingué. Non, bah tu peux être. Non, mais libertin, c'est qui vit bien sa vie sexuelle. Oui, oui, oui. À la base. Mais, non, mais c'est vrai que moi, je sais pas, par exemple, ma tata tête d'homme. Ah, la célèbre tata tête d'homme. T'amènes dans un camping naturiste. Ah, mais quoi, attends. Avec tonton à tête d'homme. Déjà, aussi. Avant de m'emmener, elle me propose, mais je bloque. Je lui dis, non, mais ça va pas. Elle avait une voix d'homme quand elle parlait, non? Voix de beauf, quoi. Ouais, bonjour, normalo, c'est ta tata tête d'homme. Alors, tu vas venir au camping avec la tata? Non, elle avait une voix comme ça. Ah ouais, une belle voix, mais la totale. Elle a tout accumulé, quoi. Ah ouais, elle a pas de chance, elle. Ouais, mais pour tes 18 ans, camping naturiste, pour tes 20 ans, c'est quoi? Club échangiste au Canada? Ah ouais, non, mais déjà. Non, mais pour mes 20 ans, non, je les ai pas fêtés, mes 20 ans. Ah ouais. Et tu t'es bien. Du coup, je comprends que tu ne les fêtes pas, oui. Merde. Non, j'ai été vaccinée pour mes 18 ans. Non, mais c'est horrible. Mais c'était un camping juste naturiste ou naturiste libertin? Aïe, aïe, aïe. Non, c'était juste naturiste. C'était super respectueux, par contre. Ah ouais, bon, ouais. Non, mais t'as pas été choqué quand t'as vu ton oncle et ta tante à poil? J'ai mis 2 jours à sortir de ma toile de tente, donc c'était un peu compliqué au départ. Ah, t'avais honte, ouais, mais je comprends, moi aussi. Ah, moi j'aurais refusé. Première fois que tu te retrouves à poil devant des gens. Mais surtout devant ton oncle et ta tante. À 18 ans en plus. C'est quand j'ai pas pu refuser, j'étais déjà en Corse quand je l'ai su. Ah, c'est une surprise, c'est un camping. Mais tes parents, ils ont réagi comment que. Ma mère est au courant, mais mon père toujours pas. Et ça fait bientôt 10 ans. Non, ouais, là, faut pas qu'il le sache. Ah, tu penses qu'il déglingue ton oncle? Oui, oui. Ah ouais? Ah ouais, non, attends. Non, mais c'est vrai que c'est chelou. C'est quand même étrange. Oui. Alors, tu ne sors pas de ta tente? Tu veux peut-être que je te rejoigne dedans? C'est ton tonton. Ouais, quand t'es tout petit, bon. Être à poil, c'est pas très grave, mais à 18 ans. Non, mais moi, en plus, j'aurais mal pris parce que, tu sais, sur le coup, ils t'ont fait un coup de vis. C'est-à-dire qu'ils t'auraient prévenu avant, là, c'était. Ah, ben, ils m'ont un peu prévenu parce qu'ils m'ont offert un sextoy et une boîte de. Oh, mais c'est pas mieux! Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, ils m'ont mis dans les conditions. J'ai oublié de vous préciser. Non, mais ton oncle t'a offert un sextoy. Après, c'est pour la blague. J'ai oublié de vous préciser. Mon oncle, c'est Jackie Michel. Ah, d'accord. Et puis, t'avais dit de pas prendre de valise, non? Ok. Si, ben, c'était prévu. Ils m'ont donné. Le billet du bateau, du train, enfin j'avais tout, sauf que j'avais le prospectus du camping, mais j'ai pas fait attention qu'ils étaient dos et nus, et j'ai pas fait attention, ça m'a pas. Ah bah quand même. Bah, j'ai pas fait attention, donc du coup une fois sur place, j'ai dit c'est sûr, on est au bon endroit. Genre à poil, ça se voit quand même. Tu vois rien, Marie. Sur le prospectus, j'ai pas fait attention. Ouais, non, mais c'est vrai, sur le prospectus, ils mettent pas forcément des gays et des chattes, oui. Oui, c'est vrai. Forcément des prospectus, tu ne les distribues pas dans la rue, tu ne les laisses pas sur les voitures. Non, c'est sûr. Et au final, t'as kiffé ou non, le troisième jour. Ouais. Non, mais j'ai compris que toi, tu veux pas y aller au camping. Nico, il est là. Non, pitié, pas ça. Nico, c'était juste une idée comme ça. Non, mais t'inquiète, Nico, c'est des propositions qu'on te fait. T'es pas obligé de le faire, Nico. Oui, au final, t'as kiffé ou pas? Au bout du troisième jour. Ah bah voilà, bah tu vois. Ah la bah fin voilà. De la semaine. Tu vois Nico, bah tu vas peut-être. Voilà. Peut-être que tu y vas au bout de 3 jours, vous vous retrouvez tous à poil avec vos potes. Non mais il faut t'ouvrir Nico. Ouvre-toi. Ah oui, non, mais en plus eux ils seraient pas contre, je suis sûr. Ah oui, tes parents, c'est vrai que pour faire accepter ça, c'est pas dément. Alors attends, bouge pas, Panda, reste avec nous parce qu'on a également Daniel. Ah, attention, qu'est-ce que va nous proposer Daniel? Daniel du 7-7, 19 ans, salut à toi Daniel. Allô. Salut le 7-7, salut à toi. Coucou. Coucou. Ah ouais, Skyrock, ça fait plaisir. Eh ben écoute, ça fait plaisir aussi que vous nous appeliez tous les soirs. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai, ça fait plaisir. N'hésitez pas, hein. 0153 40 30 20. C'est quoi, tu nous proposes quoi? Un camping à partout, toi ou... Ah non, un camping normal, moi. Ah, ok. Ça rassure Nico, j'imagine. Mais c'est pareil, de toute façon, ça baisse de partout. Ah, toi, tu nous appelles pour dire qu'en camping, ça baisse vraiment beaucoup. Mais c'est vrai, c'est un baiser. C'est ce que vous nous avez dit depuis tout à l'heure, là. Ouais, c'est vrai que ça baisse, ouais. Ouais, franchement, au camping, c'est le meilleur, C'est le meilleur endroit quand tu vas en vacances. En plus, je trouve que c'est le meilleur endroit pour baiser. Non, mais en plus, c'est vachement facile de parler avec des gens. C'est plus facile que quand t'es dans un appart, je trouve. Eh bien, Romano, je ne suis pas d'accord quand tu as la bouche pleine. C'est pas facile. Non, mais d'accord. Ah, bah, tu vois, moi, ça m'attire absolument pas. Quoi. Le camping? Ah, je suis jamais allé dans un camping. Bah, il faudrait y aller. Mais toi, t'as des goûts de bourgeoise, Marie. Non, mais j'y suis jamais allé. Non, mais c'est bien, voilà. Mais... pas, genre, on y va tous ensemble et on te met dans la tente avec Cédric. Ouais, ouais. C'est ça, t'as raison. Par contre, j'ai fait camping sauvage, j'ai kiffé. Oh, ça peut pareil, mais le camping dans des camps de camping, dans les campings quoi. Ouais, sur un terrain de camping. Ça a quand même un petit charme quoi. Ouais, c'est quand même moins galère que camping sauvage. T'as ta maison, enfin, t'as les douches. Non, mais attends, ouais, camping sauvage, t'as des chiottes, une douche et tout. Hein. Mais t'es pas lavé pendant 3 semaines. Oui, non, mais d'accord, mais non, mais c'est pas du camping sauvage, c'était une douche, Marie. Non, non, mais on l'a fait. C'est du camping sauvage, j'étais dans une villa avec piscine. Ma chatte, elle sentait les fruits de mer. Pas du tout, j'étais en Martinique et tous mes potes en Martinique, tu sais, les week-ends, ils font ça, hein, c'est une île, donc ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont la petite douche écologique, t'as tout, on avait des glacières, on avait tout. La petite douche. Même des matelas dans les. Non, mais je vois, la douche, c'est l'espèce de sac, là, avec le pommeau, avec le. On avait tout ce qu'il fallait. Ouais. C'est quand même roots quoi. C'est roots, mais ouais, bon, c'est rigolo. Ouais. Et toi, t'as baisé beaucoup, Daniel, en camping? Ouais, j'y vais tous les ans et tous les ans. Tu baises. Franchement. Tous les ans, ça fourre à tout va quoi. Voilà, et t'y vas qu'avec des potes. Qu'avec des potes, ouais. Et tous les potes, ils arrivent à baiser ou alors il y en a un qui reste en chien? Ça, c'est horrible pour ceux qui restent en chien. Non, il y en a toujours qui restent en chien. Ah, et vous dormez dans la même tente, les mecs, là ou pas? Non, ou en fait, ça dépend. Moi, je dors dans ma tente et il y en a, ils dorment dans leur tente, ils font ce qu'ils veulent en fait. Ouais, parce que quand tu sers une nana et que t'es à deux dans la tente, c'est pratique. Il y a le tonton de Panda qui dormit dans sa nièce d'ailleurs, je vous le dis. Ah, dans sa nièce? Oui, parce que vous dormez dans vos tentes. Le tonton de Panda dormit. Il a dormi dans toi, le tonton Panda? Absolument, oui. Absolument, oui. Non, Panda qui a fait le camping naturiste. Ouais, offert par tonton et tata, ça va pas. Pas mal. Après avoir offert un god, bon, en même temps. Oui, bah attends. Tant qu'à faire. Ce qui est bien, c'est que ça reste dans la famille. Allons-y, quoi. Oh, dégueulasse. Ouais, nous, on voulait un mobile avec des potes, c'est Matt qui a 15 ans. Lui, ah, c'est sympa. Ouais, voilà, nous aussi, ouais. C'est bien un mobilhome, ouais. C'est mortel, ouais. J'ai aussi, ouais, nous dit, il y a des mobilhomes et des chalets en majorité dans les campings dorénavant, il n'y a plus de tentes. Non, mais t'es pas obligé d'aller dans un camping pour avoir un mobilhome. Tu vas sur le site, la Pierre et Vacances, ouais, t'en trouves. Oui, ouais, c'est clair. Il y a des mobilhomes aussi, ouais. Ouais, moi, c'est ce que j'avais fait. Je suis allé à la Cano, c'est ce qu'on a fait, gros. Et Pierre et Vacances, on se refuse. Mais tu sais quoi, c'était. Sur des coups de bourge dans l'émission, Romano, t'as vu. Non, mais tu sais quoi, c'était 200 euros le week-end, on était 8. C'était, ah ouais, 200 balles la baraque pour 8 personnes, ouais. Ça fait combien, alors, Marie? Combien ça leur a fait par personne? Facile. Bah, 200 divisé par 8, Marie. Oh. Ah, 458. Bien sûr. Au hasard, calcule. Comme ça, hein. Bah, allez, vas-y, bah, mais non, mais pas du tout, Marie. C'est pas 458, non. Ça me ferait quoi, 25 euros, à peu près, ça? Un peu moins? Entre 20 et 25? 200 divisé par 8? Mais c'est un contron, les gars. 25 fois 2, 50 fois 4, 200, c'est bon, c'est ça. Mais c'est plus 25 piles, c'est pas entre 20 et 20. Ah, bah voilà, bah c'est 25 euros par tête. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça nous est revenu à 25 euros par tête, et franchement, c'était balèze, c'était mortel. Bon, bah écoute. Ouais, mais par contre, vous voulez partir combien de temps? Nous? Ouais. Bah une semaine, deux, mais ce sera l'idéal, mais bon, après voilà quoi. Non, mais parce que deux semaines en mobilhome en plein été sur la côte d'Azur, je peux te dire que ça va pas être 200 balles la semaine. Ouais, voilà, moi c'était le week-end, moi. Ah ouais, parce que là, ouais, sur la côte d'Azur, ça va être 1000 balles la semaine. Il faut réserver rapidement. Ouais, voilà. C'est pour ça aussi, on voulait s'y prendre à l'avance, comme ça va coûter moins cher. Non, mais t'as raison, t'y prendre. Maintenant, plus tu loues tôt, moins c'est cher. Ouais, ouais, quoi, ouais. Après, ça dépend, hein, les campings, si ça sont blindés, il y a des campings, il y a pas de réduc, hein, ils sont pas tes couilles. Oh, mais bon. Ouais. En tout cas, essayez. Non, mais ouais, déjà, il faut surtout vérifier qu'ils acceptent les mineurs. Et que tes parents sont d'accord. Ouais. Et pour que tes parents sont d'accord, continue d'avoir des bonnes notes, tes potes aussi, sois cool à la maison. Il va falloir tenir jusqu'à la fin de l'année, ça va être simple, ça. Travaille bien, travaille bien au bahut. Et puis, si tu peux te trouver un petit boulot, ne serait-ce qu'une semaine pour leur montrer que t'as envie de. Ouais, bah, ouais. C'est ce que je leur dis, mais bon, ils me disent, ouais, à 15 ans, tu trouveras pas grand-chose et tout. Donc là, j'attends d'avoir 16 ans et puis après. Mais t'as 16 ans quand, toi? Bientôt? Le 11 mars. Donc, voilà, donc limite pour les vacances de d'avril, tu fais du black, ouais. Hein. Ouais, vacances de Pâques, tu bosses. Ou Romano te conseille bien sûr un truc complètement interdit, de faire du black. Non, mais bon, à 15 piges, c'est vrai que tu peux pas travailler en soi légalement. Autrement, à 16 ans le 11 mars, tu bosses aux vacances d'avril, ouais. Vacances de Pâques. Ouais. Ouais, ouais, mais bon, si tu veux te faire un peu clairement. Plus d'oseille et que tu veux faire d'autres vacances, c'est au black. Et toi, Daniel, t'as baisé combien de meufs? Enfin, t'as baisé. T'es sorti avec combien de meufs cet été, ou t'as baisé combien de meufs? J'ai baisé deux, trois. Ah, quand même. Ah, non, ça va, beau gosse. Non, mais t'en trouves une pendant les vacances, t'es content, ça peut te faire toutes tes vacances en plus. Hein. Aussi. Ouais. Mais deux, trois, c'est bien. C'est mieux même. Ça va, en plus, ça tourne. Et tu baisais où? Tu baisais dans ta tente? Dans ma tente. Bah ouais, moi j'ai pris une tente tout seul, comme ça, je fais mes affaires. Ouais, mais de toute façon, quand tu pars avec des potes, avec des tentes, faut chacun sa tente. Bah oui. C'est mieux. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, et le luxe, c'est bordel. D'avoir carrément une tente en plus où tu stockes la nourriture et l'alcool. Ah, je crois que c'est j'ai cru pour baiser. Ouais. Moi aussi, je crois que c'est la tente pour baiser. Ouais. Une tente en plus pour baiser, on sait jamais. Ouais. Bon, bah écoute, merci Daniel. T'y retournes l'année prochaine, j'imagine. Bah, ouais, l'année prochaine, j'y retourne, ouais. Eh bah écoute. Et ça vous dirait une petite blague camping, les gars? Allez, vas-y, Karim, une blague camping pour nous. Alors, c'est Cédric et Romano, ils sont au camping. Ils sont là, ils sont en train de. Ils vont se coucher, tout papère, ils sont allongés. Mmh. Et à un moment donné, il y a. T'as Romano qui sent Cédric, qui fait des gestes, tout. Et Romano, il dit à Cédric, il lui dit, putain, mais Cédric, tu serais pas en train de te branler là? Là, Cédric, il lui dit, voilà, ouais, comment tu sais? Ah, là, Romano, connais. Il lui dit, bah putain, vas-y, prends ta bite, s'il te plaît. Eh ouais, je comprends pourquoi tu prends une tente tout seul, Daniel. Ouais, c'est mieux tout seul. Il vaut mieux parce que tu te retrouves avec la main de ton pote sur ta bite. Faut faire attention, hein. Voilà, moi à 15 ans, j'ai passé mes vacances devant YouPorn, la tristesse. Il a fallu attendre 19 ans pour partir seul, nous dit Nas, 23 ans aujourd'hui. Ah bah voilà. Et ouais. Bon bah tente le coup et tiens-nous au courant. Bah ouais. Hein. Et puis de toute façon, on a le temps de... Oui, d'ici l'été, on pourra se revoir au téléphone. Hein, Nico. Ouais. Juste, est-ce que je pouvais passer une dédicace au lycée Bah vas-y. Bah ouais, je voulais passer une dédicace à tout le lycée de la Boisse. Et puis il y avait eu une meuf, Clémence, du lycée aussi, qui voulait absolument qu'on fasse une dédicace, donc voilà. Ah bah on fait une dédicace à Clémence alors. Et aussi, est-ce que du coup c'est possible d'avoir FIFA 17? Alors FIFA 17 non, par contre on va trouver les t-shirts Skyrock, mais FIFA 17 je vais le faire gagner, tu peux jouer aussi si tu veux. Ok, ça c'est marche. Pas parce que t'es passé que t'as plus le droit de repasser, hein. Tu repasses quand tu veux. On va jouer pour FIFA 17 dans quelques instants et on va parler d'un événement qui s'est produit à Dijon qui n'a rien à voir avec FIFA. Ah ouais. Mais bon. À Dijon ils s'en passent de belles. Ils s'en passent un truc. Ah ouais. Bon et merci à Panda, merci Panda, on te fait un gros bisou. Bisous Panda. Oui, gros bisous à vous, chérie. Merci. Et vivement les prochaines vacances avec tonton et tata. Hein. Ah ouais. Tonton et tata. Non, je vais éviter. Ah tu pars plus avec eux maintenant, c'est bizarre. Tonton qui t'amène en... Pourtant, il a été sympa, il te fait découvrir le truc naturiste et tout. Ah ouais, bon. Franchement cool. T'embrasses Panda. Et puis Daniel, merci du témoignage aussi, hein, Daniel. Oh, merci à vous aussi, l'équipe. Et tu reviens quand tu veux, on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison, dans le 77, à toi aussi. Ok, y'a pas de soucis. Salut Daniel. Salut. Ciao, Daniel. Ciao. Allez. Dans un instant, y'a Mickaël qui arrive. Et ma question pour gagner FIFA 2017. 17. Appelé FIFA 17. Plus précisément FIFA 17. Ouais. C'est le jeu qu'on vous file, jeu de foot. On a fait un petit test hier, on vous a demandé à vous qui avez déjà testé FIFA, qui l'aviez déjà acheté, comment il était. Il est bon. A priori, il est pas mal. Hein. J'ai vu un message tout à l'heure qui me disait qu'il y avait un problème, je sais plus quoi. Relaisse-moi ton message, parce que je vais jamais le retrouver. On en a reçu tellement depuis 21h, je ne le retrouverai jamais. Mais il y en a un qui nous disait qu'il avait eu un souci avec le jeu. Dis-nous qu'est-ce que c'était, sinon on a eu plutôt des bonnes notes hier. Des bonnes critiques du jeu, donc on vous l'offre. Vous voulez le FIFA 17, je vais vous poser une petite question. Vas-y. Un homme à Dijon a pété les plombs hier. À cause de son iPhone. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a pété les plombs à cause de son iPhone? T'es au courant, Romano? Bah évidemment. Ah, évidemment. Oui, tout le monde en parle en Bourgogne. Un homme d'une trentaine d'années. Alors pour vous expliquer, il s'est rendu dans l'Apple Store de Dijon, qui est situé dans le centre commercial La Toison d'Or. Ouais. Oui. J'ai une grosse toison. Mais ah non, pas du tout. Mais elle est bien brune. Elle est brune. Rien au contraire. Une toison brune. Couleur corbeau. Bon, le mec a pété un câble. Qu'est-ce qu'il a fait dans Apple Store? Il a pété un câble. Et on vous mettra la vidéo si vous l'avez pas vue. Parce que ouais, il y a la vidéo qui va avec. Ah ouais, on vous mettra la vidéo sur tous les réseaux de Skyrock. On pourra même vous faire écouter un peu. Ah, si tu veux, ouais, vas-y. Prépare la vidéo, Romano, on va faire écouter. Et donc, la réponse, vous l'envoyez au 41-759. Ou alors, sur l'appli Skyrock, vous laissez bien vos numéros de téléphone et le premier ou la première qui trouve la bonne réponse, la bonne réponse exacte. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'Apple Store, le mec qui a pété un câble? Vous nous laissez ça et le premier ou la première, donc, se retrouvera en direct avec nous et repartira avec son FIFA 17. On vous file FIFA 17 à n'importe quel moment de la radio libre. Il y en a déjà un qui est parti tout à l'heure pour le double appel. Et puis, bah, tiens, hier, on avait démarré avec. Aujourd'hui, on vous le file maintenant. Le premier, en tout cas, de la soirée. Pamela arrive. D'ailleurs, j'ai les pervers de Pamela à vous faire écouter. Puis on aura Mickaël avec nous du 91 qui arrive aussi dans un instant. Salut Mickaël, on va lui dire bonjour Mika. Salut Mika. Salut. Ça va? Salut, salut. Ça va. Ça va. Ça va. Donc t'as 27 ans, t'es dans le 91 toi. Hein. Non, j'ai 27 ans. Et t'es dans le... Ah, t'as 17 ans ou 27 ans? 27. 27. Et t'es dans le 91, c'est bien ça? Ouais. Parfait. Et tu veux nous parler d'un de tes fantasmes? Ouais, alors... Attends, ne dis pas tout de suite. Absolument, ouais. Je lance un message, parce que c'est le week-end et tout, on est excités le week-end. Ouais. Ah, c'est, on a du temps libre. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, hein? Qu'est-ce qu'on va faire de notre queue ce week-end aussi? De notre queue. Bah oui, c'est une question qu'on se pose. Qu'est-ce que je vais faire avec ma queue ce week-end? Bah non, t'en as pas, Marie. Bah voilà, c'est ça. Par contre, j'en ai eu une dans le cul cette nuit. Ah non. Alors, elle est ressortie depuis. Non plus. T'as bien fait de pas venir avec. Donc, un petit fantasme, un truc qui vous exciterait, tiens, dites-nous au 41-759. Pour ce week-end, tu veux dire? Bah pour ce week-end, ou un petit fantasme que vous avez là maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Voilà, j'irais bien Ken sur la plage. Sur la plage. Ah ouais, au soleil. Non, à Marseille, non, il pleut pas, gros. On peut encore aller niquer sur la plage. Ouais, mais pas sur la plage avec les enfants et tout, hein. sur la plage, genre. Ah ouais, pas naturiste. Mais c'est genre la nuit. Ouais, le soir, c'est une petite digue tranquille. Fais gaffe, parce que moi, j'ai chopé un herpès comme ça. Ouais, c'est pas en plus à Marseille, c'est pas très. Après, Romano, il avait le zizi qui le grattait très fort. Ah ben, des fois, ça arrive encore. Et le zizi, il pelait. Ah ouais, ça m'arrive encore. Ça arrive cet été un peu. T'as eu un herpès? Bah un peu, tu vois. Ça dure 2-3 jours, mais. Et il pue. Non, ça pue plus, mais ça pèle. Ouais, ça fait chier quand même. Il pue plus. Non, mais ça pèle beaucoup. Ah ouais. Ça pèle. Donc faites attention sur la plage. Donc ça, c'est le fantasme. Après, ouais, ouais, l'herpès à vie, tu l'as à vie, l'herpès. Eh ben, c'est sympa. Je suis herpécé, moi. T'es herpécé. Alors, un petit fantasme comme ça, un truc qui vous exciterait, tiens, Marie, t'as un petit truc qui t'excite. Mais moi, en ce moment, je fais tout ce que j'ai envie de faire, donc Ils avaient dit, c'est j'en ai pris plein le cul. Ah, c'est bon, ça. Non, c'était pas dans le cul, non. C'était pas dans le cul? Non, c'était pas dans mais le là, cul. Mais là, l'espèce de grosse croûte que t'as sur les genoux, c'est parce que c'est. Ah non, je suis tombé. Non, je suis tombé, j'étais ivre. Non, c'était le matin. J'ai tapé un mur. Non, c'était dans mon pantalon, j'ai voulu avancer en même temps comme une débile et je suis tombé. J'ai tapé un mur, j'étais défoncé. Non, c'était le matin. À genoux, les ravages de l'alcool. Non, c'était pas ça. Tu fantasmes, Karim? Comme ça, non, même pas. Tiens, moi de baiser, tiens, peut-être. Pas de partie. Ouais, de baiser Romano au clash. Mais sinon, là, maintenant, tout de suite, ouais, je me ferais bien sucer par Marie, tiens. Ah, mais ça va pas, non. J'ai regardé en plus, c'est ce. Ah ouais, c'est clair, arrête, regardez. Tiens, me faire sucer par un trave. Qui c'est qui nous envoie ça, là? Ah ouais, là, c'est autre chose, là. Alors, c'est Kitty Clack. Ah, chacun son délire. Bonjour, Kitty Clack. Moi, je niquerais bien Cariole là. Ici, là. Ici, là. Ah, là, comme ça, là. Baiser en public, Romano, ton fantasme. Et qu'on te regarde tous comme ça. Je suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Ah, mais pas forcément que vous soyez là. Mais si. Bah, on est là, à cette heure-ci, Romano. Ah, il va falloir partir. Ah, oui, mais l'émission, on l'a fait comment après? Ah, au pire, je la nique dans un autre studio, vous regardez par les caméras. Attention, tu peux choper un herpès aussi, même ici. Avec ma plage sale. Pas un torchon. Ouais, mais un truc, faut faire attention, ouais. Alors, vos fantasmes. C'est bon, on a la réponse pour le jeu, là. J'ai vu les messages. Beaucoup de messages, ça fait plaisir. Alors, vos fantasmes pour ce week-end ou pour tout le temps, un petit truc que vous avez envie de faire. J'ai envie de lécher les pieds de ma copine. Ah ben donc, il y en a qui sont chauds ce soir. Ils sont chauds des yep, ouais. C'est Karl qui nous laisse un message du 78. Salut à toi Karl, le 78 là. Alors, quel est ton fantasme à toi, Sylvain? Non, pas Sylvain. Ah non, Sylvain, Mickaël. C'est le gagnant, on va le prendre après. Bah oui. Mickaël, quel est ton fantasme à toi? Alors moi, mon fantasme, c'est sur Marie. Non. Ah non, mais vas-y, c'est intéressant, sur Marie. Putain. Alors moi, mon fantasme, c'est que, enfin, c'est depuis tout petit, en fait, depuis que je vous suis, moi, c'est que c'est, je rêve de voir Marie en caouet de pluie et qu'elle me porte sur ses genoux. Alors Marie en caouet de pluie et qu'elle te porte sur tes genoux comme un enfant. Oui, voilà. Ah. Mais t'es hyper chelou, toi. Tu utilises des substances stupéfiantes. Et le caouet, autrement dit, de la drogue. Non, Mickaël, tu prends des trucs. Non, du tout. Non. Ah non, pourquoi le caouet? T'aimes bien la matière du caouet, t'aimes bien ça? Oui, voilà, ça m'excite. Ah, le caouet, ça t'excite? Mais t'as déjà fait l'amour en caouet? Ouais. Et alors, c'est toi qui l'avais ou c'est ta copine qui avait le caouet? Non, c'est ma copine. Mais genre, elle était à poil en bas et elle avait un caouet en haut? Ouais, c'est ça. Mais quand tu lui as demandé, elle t'a pris pour la marche, non? Non, du tout. Avec la capuche et tout. C'est quoi, c'est la matière qui t'excite, l'espèce de truc? Non, mais. C'est la matière. Non, mais la meuf, elle a dû. Non, mais c'est ça s'appelle du fétichisme. Ouais, c'est fétichisme. Non, mais la meuf, elle a dû trouver ça chelou. Non, du tout. Au contraire, elle trouve ça mignon. Bah tant mieux, t'as trouvé une meuf à qui t'appeler. Après, c'est pas non plus la fin du monde. Non, mais d'accord, si tu fais l'amour, c'est étonnant. Non, mais si sur moi, non, je suis pas moi. Ma meuf, elle me demande de mettre un caouet, je lui dis, comme ça, là, tout de suite? Oui. Bah, il pleut à Paris, en plus, actuellement. Donc. Ouais, non, mais d'accord, mais elle te dit ça dans le lit, tu vois, elle te dit, mets un caouet, bon. Ouais, c'est spécial. Et elle avait mis la capuche, là, tu sais, bien serrée, au niveau de la gueule. Non? Non. Ah, quand même. Est-ce que tu voudrais recevoir des photos de Marie entièrement nue, sauf en haut où elle met un caouet? Bien sûr. Moi, j'aimerais bien le réaliser. Marie, alors, est-ce que c'est possible? Évidemment. Skyrock et la radio qui rend service. Tu dois, Marie, rendre service aux auditeurs. Mais ton caouet, c'est Marie. Ça, me fout en caouet, ouais. Voilà, j'adore les caouets. Non, mais Marie, non. Mais ça va pas, non. Pourquoi? Mais tu veux te faire fesser? En caouet? Hein? C'est quoi? Ah non, tu veux juste attraper avec le caouet. Et ouais, et se mettre sur tes genoux. Pourquoi tu veux te mettre, tu veux te mettre sur les genoux de la Marie, toi? Tu préfères pas la niquer? C'est mon fantasme, c'est tout. Ah, t'es marrant, toi. Genre, tu la prends pour, genre, c'est ta maman? Non, mais en gros, si vous voulez, c'est que Marie, elle met un caouet, et parce qu'en fait, quand Marie, elle aura le caouet, en gros, si tu veux, bah, ça m'exciterait. Ouais, voilà. Mais pourquoi tu la niques pas au lieu de plutôt que s'asseoir sur ses genoux? Hein? Pourquoi tu la niques pas plutôt que de s'asseoir sur ses genoux? Hein? Non, je préfère être sur ses genoux. Mais mais une fois sur ses genoux, tu penses que tu te masturberais? Ah oui. D'ailleurs, t'es pas en train de te masturber déjà? Au moins avec le caouet, t'es tranquille. Et Marie, elle te ferait quoi pendant ces moments-là? Ah, je sais pas, comme... Comme tu veux, Marie, chaud, là, tu lui ferais quoi? Mais rien. Mais toi, tu serais tout nu, toi. Non, non, pas tout nu, habillé. Mais comment tu ferais pour te masturber, alors? Bah, il sort sa queue. Ah, tu sors ta bite, assis sur ses genoux et tu te branles. Non, non, du tout. Pas devant vous, quoi, après. Non mais tu peux venir, on vous laisse. Hein. Tu peux venir, on vous laisse ici tous les deux, y a pas de problème. T'inquiète. Marie, tu mets le caouet. Allez, tu mets la capuche ou pas? Ouais, c'est ça, t'as raison. On sait jamais qu'il y a des projections. Ouais. Avec ou sans capuche. C'est possible de la réalité, franchement. Non mais t'es pas bien, non? Mais pourquoi Marie, ça se fait pas. Y a rien de sexuel, il veut même pas de ken. Il veut pas de ken, il veut juste que tu mettes un caouet, ça c'est sûr. Je sais que tu m'inquiètes quand même. C'est quand même bizarre ton truc. Tu trouves ça bizarre, toi? C'est vrai que ça bouge quand même. Est-ce que si Marie elle veut pas Pamela à la limite, ça peut le faire ou pas? Non, mais Pamela elle a pas envie, elle m'a dit. Vas-y, Pamela, assure. Qu'est-ce qu'elle a, Pamela? Non, Pamela elle a pas envie ce soir. Elle aime bien les trucs bizarres, elle. Ouais, ouais, mais elle a pas envie du coup. Vous avez des fantasmes plus classiques. Il y a Chachou, elle veut faire l'amour dans la nouvelle maison de sa sœur. Et elle a envie aussi de faire l'amour dans la cour, en extérieur. Bah vas-y, hein, te gêne pas. Il y en a qui ont envie de baiser dans des prés. Je voulais saluer Elodie qui nous a laissé un message qui veut baiser dans des prés. Ouais, mais là faut se dépêcher parce que la mauvaise saison arrive. Ah, c'est clair. Ah, tu vas avoir de la vie. Tu vas gagner. Ilyes, lui, mon fantasme va se réaliser ce week-end. Je vais me faire sucer par ma meuf. Super Ilyes. Ah bah voilà, nickel. Ouais, bon week-end en perspective. Eh bah Ilyes va se faire sucer ce week-end. Ilyes, 18 ans. Merci pour ton message. C'est vrai que le truc du caouet, bon, c'est pas commun. C'est hyper après, bizarre. Bon, si t'as trouvé une meuf qui te le fait, tu veux vraiment que j'essaie de convaincre Marie, Michael? Ouais, je veux bien. Écoute, attends la fin de la soirée parce que là, elle a 2-3 bières en stock. Je pense qu'elle va les boire d'ici minuit. T'as raison. Ouais. À minuit, elle sera dans un état un peu second. Et là, je pense que le moment de passer à l'action. C'est une forêt de Callaghan qui veut vendre mon numéro. Il veut te vendre mon numéro. Ah, parce qu'il a ton numéro, Callaghan. Bah oui. Il appelle la nuit. Bah ouais, je couche avec. Non, ça va pas. Marie, c'est possible. Bah oui, c'est possible. Mais oui, t'inquiète pas, on va t'arranger ça. Tout est possible avec Skyrock. Tout. On va donner des nouvelles avant minuit, Michael. Ah, t'as vu, elle va commencer à se débranler. Vas-y, branle-toi bien. Ouais. Voilà. Et sinon, tu nous disais, t'as une meuf ou alors c'est une meuf comme ça que tu vas avoir de temps en temps? Non, non, j'ai une femme, je suis fiancé avec elle et je vais avoir un enfant bientôt. Ah ouais? Et elle sait que tu vas voir ailleurs? C'est avec elle, t'es chelou? Non, du tout, mais elle sait que j'ai un fantasme. Ouais, mais c'est elle qui fait le fantasme du caouet avec toi. Voilà. D'accord, ok. Bah écoute, t'as trouvé la bonne. C'est hein. Très bien. Trouver une meuf qui aime ça. Ah bah tu vois Marie, elle commence à s'ouvrir, elle vient de dire c'est très bien. Ah, c'est très bien pour toi, mais très bien, dis donc. Et elle a pas des fantasmes bizarres? C'est trop mignon. Non, mais mon fantasme, ça serait vraiment faire Marie, quoi. Bah non, mais j'ai bien compris. Michael, mais je te rassure. Bah, moi perso, ça me dérange pas. Moi non plus, perso. Moi non plus. Et puis on est là pour un service, hein, vous le savez. Donc on va t'arranger ça, gros. On va essayer. T'inquiète. Avant minuit, c'est emballé, c'est signé. T'inquiète pas, gros. On va essayer, je dis pas qu'on va y arriver, mais on va essayer. Vas-y Marie, tu veux pas boire une petite bière? Vas-y Marie, ça ouais. Non. Mais il va pas de ken, il va rien te faire, il s'assied sur tes genoux. Ça me fait peur. Bah non, c'est gentil comme tout. Ah ouais, c'est gentil. Ouais. Bah allez Marie, allez, putain. Bah ouais, tu mets juste un kawaii, s'assied sur tes genoux et c'est réglé. C'est voilà, c'est ça. Ouais. Bon Michael, ouais, c'est on tient au courant, Michael, reste avec nous. C'est marrant, si vous avez un fantasme bizarre aussi, que vous voulez nous en parler pour avoir l'avis de tout le monde, bah notre avis à nous, puis l'avis de tous ceux qui laissent des messages sur le 41759, n'hésitez pas. Sans problème. D'ailleurs, on salue Imadou, on salue la passe coupante du 70, JB également, salut JB, salut Sultan Joker, qui n'a que la démo de FIFA 17. Tiens, on va voir qui a gagné le FIFA 17 dans un instant, et on va savoir ce qui s'est passé. Un mec a pété les plombs dans un Apple Store à Dijon. Qu'est-ce qu'il a fait? On vous fait écouter, on vous met la vidéo, et on en reparle tout de suite avec le gagnant ou la gagnante de FIFA 17. Et dans un instant, Pamela arrive, et on fait le clash ou pas alors? On est d'accord? Bah vas-y, on va tirer au sort, qui va se taper Marie? Chope le boulet. Très bien, je prépare. Merci pour le boulet. Tout pour le tirage au sort, donc il y aura. Tu me sors une pièce de 2 euros, s'il te plaît. Pourquoi? Mais t'en as. Ah, t'en as, Romano, oui. Alors. Ah non, je préfère pas jouer avec mon argent. Mais c'est pas grave, tu récupéreras après. Ah non, j'ai pas confiance, je préfère que tu joues avec les tiens. Donc, d'un côté, on a décidé Karim, de l'autre, Romano. Ouais. Et là, Marie viendra jouer ou avec Karim ou avec Romano. Comme il n'y en a aucun des deux qui la veut, on va tirer au sort et l'imposer à un des deux. Ça sera un peu le handicap. Ça sera imposé, les gars, faudra vraiment. Ouais, super. C'est ce qu'on appelle un handicap. Ouais, il faudra la faire participer. Obligatoire. Voilà, c'est un petit handicap. Donc, un handicap pour nos deux clashers. Si vous avez des techniques pour le clash, envoyez-moi ça, s'il vous plaît. Ah, il galère, Maz. Putain, moi je vais aller faire 2-3 prières pour pas tomber sur Marie. C'est ça qui m'angoisse. Donc le super clash de ce soir, c'est parti, c'est juste après Alonso sur Skyrock. Et puis pour passer dans l'émission, vous nous appelez 01 53 40 30 20, les SMS, le net, vous nous laissez vos messages et l'appli aussi. Skyrock débarque sur Deezer. Skyrock. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À Deezer. À toi la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez, partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville.

Oui, bah ça, ça a pas changé depuis 5 minutes. Hein. C'était rigolo. Ouais, bah, remets la perruque de Pamela parce qu'on va avoir de Pamela, on va avoir besoin de Pamela d'ici quelques instants sur Skyrock. Vous allez la retrouver avec les pervers qu'on a écoutés. Ah, ouais. C'est vrai qu'on les a pas encore écoutés. En général, on les écoute dans, au début de l'émission du vendredi. Mais on a le temps. Mais on a le temps. On a un très beau double appel, trois double appels. D'ailleurs, un qui a foiré et deux qui ont bien fonctionné. Merci pour les numéros que vous nous laissez d'ailleurs tous les soirs. C'est gentil. Ouais. Qu'est-ce qu'on était? On était en plein jeu aussi pour vous offrir votre FIFA 17. On vous offre FIFA 17 sur Skyrock, évidemment. Ah oui, il s'en passe de belle à Dijon. Premier sur les consoles, premier sur les jeux vidéo, premier sur le rap et premier sur FIFA 17. Et c'est Sylvain qui est avec nous en direct de Lille qui a trouvé le premier la bonne réponse. Vous avez tous entendu parler de cette histoire, il y en a beaucoup qui en ont entendu parler. Ouais. Hein. Grave. Alors, un homme pète les plombs à Dijon, il rentre dans un Apple Store et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on a Sylvain avec nous. T'es là, Sylvain? Salut l'équipe, salut tout le monde. Salut Sylvain. Sylvain. Comment ça va, Sylvain? Sylvain. Ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la... Vous voulez qu'on fasse écouter le son peut-être? Ou on le fait? Qu'est-ce que t'as? Je suis malade. Mais toi aussi, mais vous n'êtes pas tous tombés malades dans l'équipe, il n'y a que moi qui tiens le choc. C'est quoi ce jeu? Ok. Ouais, j'avoue. On dirait le grand-père Simpson. Non, on dirait un chien, vous savez, un chien qui s'étouffe, qui a mangé une touffe de poil. Bon, ça y est, ça va mieux. Ah, ça y est, il est réparé. T'as peur de Karim peut-être, non? Tu te dis que c'est la panique, tu dis que Karim va peut-être te baiser pour le club. Non, ouais. J'ai peur de Marie surtout. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, bah je te remercie. Donc dans un instant, il y aura Karim contre ce soir Romano. Ouais. C'est le clash. Karim qui représente la team Cédric. C'est ça. Non, il représente pas. Bah si, gros. Cédric. Je remplace Cédric. Non, je représente la team Cédric. Non, ça marche pas comme toute ça. Toute l'année, tu l'insultes, tu veux prendre à la fin ses voix. Attends, tous les coups sont permis, mon pote. Quand Cédric est pas là, on s'est mis d'accord avec Cédric. Il y a une alliance, team le Belge et team Romano ensemble. Bon, donc la team Karim d'un côté, la team Romano de l'autre. Et vous allez donc faire tous les deux le clash, mais avec un handicap. Ouais. Il y en a un qui va récupérer la Marie. Putain. Et on va faire le tirage au sort. Je sors une pièce de 10 centimes d'euros, Romano. Et oui, c'est du lourd, hein. Mais non, 10 centimes, ça porte la poisse. Mais non, c'est là avec 2 euros. Ouais, une grosse pièce. Bon, alors je vais sortir. Mais j'en ai plus. On peut pas faire pile ou face avec un billet. Ouais, si tu veux. Non, il n'y a pas pile ou face avec un billet, Romano. Un billet de 100 ou 500 même. Bon, allez, on va faire avec 1 euro parce que j'ai pas de 2 euros. Putain, t'es pauvre. Bah oui, je suis pauvre. C'est la vie, c'est comme ça. Tu me donnes 3 euros, je te donne 2 euros. Et bah, te faire enculer, essayer de me cambrioler mon argent comme ça, là. Mais attends, moi, j'ai une pièce. Arrête de faire des bruits de bête. Bah, excuse-moi, je suis malade. Bah, j'ai une pièce de 2 euros. Bah, tu me la donnes. Ce que je te propose, vu que t'en as pas, tu me donnes 3 euros en monnaie, je te donne 2 euros. Ouais, puis c'est écrit gros con sur mon. Non, mais attends, c'est une affaire. C'est écrit gros con sur mon Zen. Ça tient. Ouais, je sais, ouais. Bah, alors, Sylvain, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Apple Store? Eh ben, il y a un gars qui était énervé, qui a tout cassé avec une boule de pétanque. Ah, il me fallait, parce qu'il y en a plein qui ont dit il a tout cassé, machin. Il me fallait la boule de pétanque dans la réponse. Tu as donné la bonne réponse. Le mec s'est pointé dans un Apple Store et a explosé tous les produits, tous ceux qu'il trouvait, notamment les iPhones, tout ça, avec une boule de pétanque et c'est gagné. Bravo! Bien joué! Et oui! Tu viens de gagner. Merci. Et bah ton FIFA 17. J'espère que tu l'as pas encore, le FIFA 17. Merci. Et bah voilà. Non, il est content. Il est pour toi, FIFA 17 qu'on va t'envoyer à Lille. Bravo. Bon, tu nous diras comment il est, le FIFA 17, hein, si tu t'éclates dessus, il paraît qu'il déchire. Ouais. Et ouais. Et ben bah, c'est pour toi. Tu sais pourquoi le mec a pété les plombs, c'est pas? Ouais, alors, si, en fait. Si, il a un problème après. Ouais, lui, il dit qu'il s'est fait arnaquer, qu'il s'est pas fait rembourser un truc, et donc il a voulu se venger. Alors écoutez bien la vidéo. Vous avez le son de la vidéo? Ah, vas-y Romano, balance. La vidéo qui est sur tous les réseaux, vous pouvez aller la mater. Skyrock FM, Facebook, tout ça. Il dit ça dans la vidéo. Hein? Il dit toi ta gueule. Ah, il dit toi ta gueule dans la vidéo. Parce qu'il calme. Vas-y Romano, balance. Bon, alors là, il est dans l'Apple Store, le mec, il est avec sa boule de pétanque à la main et il va commencer. Tous les pams que vous entendez, c'est un iPhone qui est niqué, quoi. Donc un iPhone 740 et quelques euros. Bah, ça dépend, hein, le modèle. Hein. Ouais, mais attends, il pète même des iMac et des iPads aussi. Ouais. Ah non, mais il fait la totale. En fait, tout ce qui est en présentation, il dit voilà, le pète. Et dans un instant, on vous dira combien il a pété. Ah ouais. Combien il a pété, pour combien d'argent il a pété les trucs. Alors attention. Attention. Écoute. Allez, là, et 2 et 3. Allez, enchaîne. Là, c'est la boule de pétanque sur les iPhones. Hein. Non, c'est ça. Il passe autour de la table, il y a des grandes tables. 6 et but. But de Rennes. But de Rennes, 1-0 face à Guingamp. Et 7-9. Ta gueule. Parce que les gens, ils disent de calmer. Ta gueule. Et le mec, il est tranquille, hein. il le descend du socle, il le vient mettre à la plaie. Il éclate avec sa boule. J'entends les alarmes. Et elle a fini. Apple est une société qui viole les droits du consommateur. D'accord? Les droits du consommateur. Apple vole les droits du consommateur. Je refuse de me rembourser conformément à la loi européenne du consommateur. J'ai été prévenu. Je leur ai dit, remboursez-moi mon oseille. Ils ont dit non. Qu'est-ce qui se passe? Allez hop, là c'est un Mac. Là il a éclaté un Mac, je crois, non? Ah ouais? Non, non, là c'est encore C'est un téléphone encore? Ouais, c'est encore un téléphone. Il pète un ordi. Et là c'est un Mac. Ah ouais, c'est le Mac là. Il dans l'écran. C'est une gueule toi? T'as le mec qui est ouf. Non, mais ce qui est ouf, c'est que les vendeurs ils interviennent pas. Ah, ils sont en panique, tu as vu comme ils sont en panique? Bah t'as un mec qui est là, il y a un agent de sécu qui arrive parce qu'il est sorti de la boutique. Il sort de la boutique. Ah, il s'est fait attraper direct par les condés après. Les droits européens du consommateur. Apple, viens les droits européens du consommateur. Mais il casse plus rien là. Non, il est avec le vigile là. Ah ouais, il est avec le vigile. Il se fait serrer. J'étais un singe. T'as vu ce qu'il dit? Il est pas au courant, un moment quand même. En plus, le gars, il a des lunettes de soleil, on dirait un ouf. Ouais, mais c'est un ouf. C'est un ouf. Enlève ta main. Enlève ta main. Enlève ta main. Mais courir, mon courir. Ah ouais. Les gens, ils hallucinent dans le. T'as un mec qui rentre avec une boule de pétanque en plein milieu de l'Apple Store. Bon, tu te dis, c'est bizarre. C'est son pote, hein. Non, je suis pas son pote, moi. Je suis pote à personne, moi. Je suis le pote de personne, moi. Faites-moi pas les couilles. C'est lui. J'ai le droit de filmer. Non, c'est le mec qui filme, le mec qui se fait envoyer par les vigiles. Bon, tu le calmes maintenant. Oula. Calme. Stop. Stop. C'est vigile. Là, ça rigole moins. Et alors? Et alors? C'est d'accord? Et alors? Je peux pas respirer, mec. C'est lui, là. Donc là, ils essayent de le maîtriser parce que le mec s'énerve. Il a toujours la boule de pétanque? Non, non, mais là, en fait, il le ceinture, le mec. Ah, en fait, il le bloque contre une rigole. Calme maintenant. Il est vénère, bah, le mec, il y a rien, ils mettent pas de coups, hein. Ils essayent juste de le maîtriser. Ouais, bon, la vidéo, vous pouvez la mater sur tous les réseaux de Skyrock, ouais, sur Facebook, sur difool.skyrock.com. Vous pouvez la mater sur Twitter également, hashtag Radio Libre, Radio Libre. Et ouais. Skyrock FM. Radio Libre tout court. Skyrock FM, ouais. C'est mieux. Voilà, donc vous allez mater ça, on vous la met. Eh bien, bravo Sylvain, t'as gagné grâce à ce monsieur qui a. Alors, il a pété pour 50 000 euros. Ouais. 50 000 euros. Et maintenant, il est bien dans la merde. Chez Apple. En fait, ils l'ont attrapé, ils l'ont amené directement. Il sera jugé mardi prochain. En cellule, ouais, il est jugé mardi. Voilà. Comparution immédiate. Le mec était énervé. Bon, il était énervé. Ah, hein. Il va morfler. Violation des droits européens. Du consommateur. Ah ouais. Du consommateur. Le mec a répété ça 3-4 fois. Ouais, par contre, ça va lui coûter bonbon l'histoire. Ah, bah, il va prendre la prison, je pense. Hein. Ah, tu crois? Ah, bah, je pense. Bah, et puis il va rembourser aussi, je pense. Non, puis même, c'est dangereux, quoi. De nos jours. Ah, bah, je pense. Non, mais le mec, oui, Apple, ils vont porter plainte, ils vont demander des dommages et intérêts, quoi. Normal. 1000 euros. J'ai leur dit ça. Non, mais tu sais, tu psychotes parce que de nos jours, avec tout ce qui se passe, les attentats, les trucs, tu vois un mec arriver comme ça avec des lunettes de soleil, un gant, t'as vu, il a un gant bizarre, une boule de pétanque, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est chelou que le mec, il est, parce que normalement, il fouille à l'entrée des centres commerciaux, logiquement. Bah, c'était à la Toison d'Or, tu connais vraiment. Ouais, mais c'est un gros centre commercial, je sais pas, il y a 200, 300 boutiques. À midi jeunesse, ça s'est passé chez vous. En même temps, tu sais, par exemple, à Marseille, tu vas dans le centre commercial, les boules de pétanque, tu vas les acheter à l'intérieur, donc. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. C'était les boules de pétanque, là, sur les il pète un câble, il est ouf complet. Voilà, pour 50 000 euros, il en a pété, vous imaginez quand même. Hein. Non, ouais. Ça fait des sous. Bon, bah, c'est gratuit pour ton FIFA 17. On t'envoie ça à la maison, bravo. Sylvain. Bravo, Sylvain. Merci. Bon, on va passer au clash de la drague. Avec Cédric, qui n'est pas là, donc remplacé par Karim. Ouais, c'est ça. Au pied levé. Et Cédric ouais. Va bien. J'ai eu Cédric qui soutient Karim. Voilà, donc la team Le Belge ce soir, c'est avec moi. Cédric soutient Karim. Ouais. Il allait faire caca dans une boîte. Enculé. Là. Quel enculé. Ah putain, je devais aller le voir demain, mais j'y vais plus. Donc on reviendra aux fantasmes aussi dans un instant, parce qu'on a des témoignages sur les fantasmes. On vous a demandé quels étaient vos fantasmes. On aura Émilie qui veut témoigner absolument. C'est moins bizarre. Bon, pour le clash de ce soir, d'un côté, il y a Karim soutenu par Cédric, d'après ce que j'ai compris. Et ouais. De l'autre, Romano. Mais attends, c'est vrai cette histoire? Je sais pas, c'est Marie qui me l'a dit, gros. Ah non, mais sérieux, il allait faire des examens, là, chier dans une boîte, je sais pas quoi, il m'a dit, ouais, c'est bon. Il allait rechier dans une boîte. Ouais, il descendait, il avait une voix d'ailleurs. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, il a fait caca dans des boîtes, mais comme jamais, hein. Il doit kiffer sa race. Jamais. Le caca, c'est bon. Voilà. A priori, content. Bon. Il y en a un des deux qui va récupérer Marie et qu'il faut. Attends, j'insulte juste Cédric par SMS. Mais le pauvre. Tout soutien à Karim, espèce de pute. Tu lui envoies? C'est envoyé. C'est bien, très bien. Bon, alors, j'ai la petite pièce de 1 euro. Ouais. Il y en a un qui va choisir pile, l'autre qui va choisir. C'est quoi? Attends, excuse-moi. Ouais, c'est quoi alors, pile et c'est quoi face? Je m'attendais à la pile, question. Pile, c'est là où il y a le 1. Ok. Et face, c'est l'autre. C'est là où il y a le visage. Ok. Alors. Bah oui. Bon, pile je gagne, face tu perds, c'est bon. C'est pas un visage d'ailleurs sur la mienne, c'est un aigle. Mais pourquoi ça serait toi qui choisirais pile ou face? Ah, oh, ça y est, premier. Ça commence. Bah vas-y, choisis, mais pile je gagne, face tu perds. Enfin, en deux manches. On la connaît pas, ça. Enfin, en deux manches. Mais non, en trois dans ces cas-là. Non, on va pas faire. Bah deux manches gagnantes. Et on le fait une fois et puis voilà. Mais non, une fois les gars, c'est ça le jeu. Non mais attends, mais Difool, tu sais bien jeter la pièce ou tu vas jeter la pièce? Attends, mais vous flippez autant ou quoi? Parce que ah ouais, Marie, c'est ah ouais, personne qui veut Marie. C'est rassurant. C'est pas qu'on flippe, mais bon, non, tu peux éviter de jouer avec toi, c'est pas mal. Ça sera mieux. Enfoiré. Tu choisis quoi? Honneur aux dames, vas-y. Allez, face. Tu prends face, donc c'est avec l'aigle allemand. Brrra. Ouais. Brrra. Et toi, tu dis donc pile. Si c'est face, Romano, tu récupères Marie ou pas? Non, bah non. Donc si c'est face, t'as pas Marie. Bah ouais, il a gagné, donc il a pas Marie. Non, il choisit, ouais, voilà. Donc Romano, si c'est face, t'as pas Marie, je lance la piécette. Bah tu sais, vas-y, va faire caca, comment tu la jettes aussi. Oh là là. Ah, mais lâche tout droit, gros. Non, mais ouais. Mais fais comme ça. Mais fais comme dans les. Putain, ouais, mais attends, c'est vrai que. Samy, tu veux pas le faire? Vas-y, viens, je le fais. C'est moi faire. C'est vrai que c'est ma pourrie. Attention, il y a quelqu'un qui va se la prendre dans la gueule. Allez, la deux jetée là. C'est face. Ah bah voilà. Non, c'est pile, non? Non, non, c'est face, c'est face. C'est, bah j'ai gagné. Ah ouais, c'est face. Alors Romano, tu récupères Marie. Putain, non, mais j'ai pris face, moi. Mais non, c'est moi qui ai pris face. Ah ouais, non, j'ai pris face. Ah non, les gars. Non, j'ai fait face et bras. Mais non, le mytho. Ah ouais, il a raison aussi. Mais non, mais arrêtez. Alors Karim, tu récupères Marie, il a raison, si. Bande de bâtards. Si, elle a dit face. Allez Karim, t'en as de la chance, tu récupères Marie. Ah, mais à mort. Complètement con, t'as compris. Franchement, t'as eu. T'as pile, gros. T'as pile, t'as Marie. Putain, voilà. T'as le boulet au pied, mec. Détends-toi quand même. Non, mais Marie, ça devrait être un plus produit. Mais le problème, c'est que c'est un moins produit. Bah, c'est content de pas jouer. Ça dépend de la méthode. En fait, le plus heureux dans l'histoire, c'est Samy qui a quitté le navire. Ah, ouais, direct. Je sentais le truc partir en couille avant. Non, Samy, lundi, on aura peut-être toi. Hein. Non, moi, je fais les numéros, c'est bon. Lundi, on tirera au sort. Je m'occupe du standard. Bon, alors, vous avez compris. Donc, il y a une équipe, Marie, Karim. Il y a une autre équipe, Romano, tout seul. Et qui est très content d'être tout seul, d'ailleurs. Bah, ouais, bah. Vas-y, tu veux pas là, vas-y, gros. Quelle est ta méthode, Romano? Tu perds là, gros. Attends, je me rappelle plus. D'accord. Karim, est-ce que tu t'en rappelles encore? Ouais, moi j'ai une méthode. Attends, moi. Merde. Attends, c'est quoi ma méthode? Je me rappelle plus. T'en as tellement, hein, c'est ça. Hein. Ouais, mais attends, j'ai un trou là. Moi, ma méthode, c'est. Moi, j'en ai plusieurs. Oui. J'en ai un gros qui pue. Moi aussi. Et t'as vu? Ah ouais. Ah ouais, il sent, hein. Dégueulasse. Moi, ma méthode, c'est que j'ai un animal, j'ai une chienne et elle a jamais couché. Donc je la propose au mari de la famille pour qu'il s'accouple avec elle. Mais dis donc, c'est la grande classe. C'est clair. C'est pas mal comme méthode. Voilà, de travail. C'est pas sûr que ce soit très délicat. Donc Marie, tu fais la chienne, d'accord? Ouais, super. Ouais, j'ai bien compris la méthode. Hein. Donc Marie, quand je te fais un signe, tu fais waf waf. Ouais, waf. Ça va marcher. Ah oh, bah ça va, t'as un beau rôle. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Ouais, puis, je suis pas sûr qu'elle arrive à faire waf waf au bon moment. Donc ça, c'est pour Karim, ta méthode romano. Moi, je vais rendre hommage à Cédric. Quoi qu'il est bon, tout va bien. Oui. Comment, vu qu'il va faire une coloscopie ce soir, je propose une coloscopie bitale aux familles. Je leur mets ma bite dans le cul, en gros. Waouh, t'en as trop de la chance. Ah bah, c'est les familles qui sont gâtées. Tu crois que c'est elles qui ont de la chance? Bah attends, recevoir mon petit sexe dans l'anus, quel bonheur. Voilà. Bon, j'espère. Ouais. Beaucoup de réactions de l'équipe, comme vous l'entendez. Ouais. Beaucoup d'excitation. Non, mais moi, j'ai peur pour la méthode de Karim. Elle est pas mal, la méthode de Karim. Bon, et bien ta méthode Romano aussi, parce que ça nous fait penser à Cédric qui va se faire mettre un tuyau dans le cul demain. Ouais. Putain. Reste une piste, le tuyau. Ah ouais, je pensais à lui aussi. Vous avez le tuyau, il va fondre là-dedans. T'aimerais être le tuyau? Ah non, putain, j'aimerais pas être le tuyau de la coloscopie. Il va ressortir tout. Non, mais non, parce que normalement, avant, il te file. Justement, c'est là où il va boire un litre d'huile de paraffine pour chier non-stop et se nettoyer le trou du cul. Oh là là. C'est vrai que c'est très désagréable. Et reste une pisse les chiottes aussi de. Ah ouais, reste une pisse. Ah ouais. Qu'il partage avec un mec, hein. Non mais le mec heureusement est parti au week-end. Ouais, mais il a de la chance lui aussi. Là, le mec il sait pas ce qu'il attend à la fin du week-end. Ah ouais, c'est clair. Bon, on y va pour le clash alors, puisqu'on a les méthodes. Allez. Avant d'aller faire un petit tour du côté de Pamela et des pervers de la semaine qu'on va écouter. On les a pas encore écoutés, on va les découvrir ensemble. Et on va lui lancer un défi à Pamela. Il est quoi, 11h15, avant minuit elle devra séduire un des pervers qu'on écoutera tout à l'heure. On lui souhaite bonne chance. Et on aura le fantasme d'Emilie qui arrive aussi. Tu es là Emilie d'ailleurs? Oui, je suis là. Salut ma chérie. Coucou. Salut Emilie. Comment salut, ça va Emilie? Bien. Ça va, je vous adore, je vous écoute tout le temps, je vous kiffe. C'est gentil. Ah, c'est cool. Donc toi, t'as 26 ans, été à Tours, et tu vas nous. Ah, en plus. Et tu vas nous expliquer un de tes fantasmes, je crois, hein, c'est ça? Non, c'est pas un ingénieur, c'est ce qui m'est arrivé hier, donc je vous écoutais là tout à l'heure, et j'ai écouté le mec qui a parlé du fantasme sur Marie. Ah oui, ouais. Qui, alors c'était le fantasme du caouet, il voulait habiller Marie avec un caouet. Et puis voilà, avec mes genoux habillés. Et s'asseoir sur ses genoux. Moi, c'était pas trop ça. Moi, en fait, c'était. Attends, mais tu vas nous expliquer dans un instant. Bouge pas. Suspense. On va juste clasher. Et juste après, on y va pour Émilie. Tu nous as bien excité. C'est bien, on appelle ça un happening. Tu bouges pas, on arrive tout de suite avec toi, Émilie. Et si vous arrivez des trucs chelous, vous avez un fantasme marrant, vous n'hésitez pas. Alors, très bien. Alors, on est prêt, on y va. Salut, ouais. C'est à toi. Le couple star de la soirée, Karim et la Marie. Ouais. Je dois faire le chien, quoi. Non. Mais la non, chienne, la chienne. La chienne. La chienne. Allez, vas-y, Samy, on voit. Allez, bonne chance à vous. On commence chez Benjamin. Okay. Le premier est Benjamin. Donc, d'un côté, Romano, qui a l'air un peu inquiet, hein, je trouve, dis donc. Non, j'attends, moi. Alors, tu as trouvé. Allô? Allô? Oui, Benjamin? Ouais. Ouais, ça va? Oui. Je te dérange? Oui. C'est Jean-Louis? Eh, hey, oh! Ta femme, elle est là? Non, mais ça va, toi, tranquille. Alors là, je suis de silence, là. Romano, silence. Allô, Benjamin? T'as vu l'heure? T'as vu l'heure que c'est? Ouais, je sais, il est 22h48. Ouais. Mais je t'appelais parce que j'ai un problème, en fait. Je voulais que tu me rendes un service. Ouais. En fait, j'ai un animal, une chienne, elle s'est jamais accouplée. Dis bonjour. Bonjour. Waf waf waf. Voilà. Et en fait, j'aimerais te la ramener pour que tu t'accouples avec elle. Mais tu fous de ma gueule, moi, j'ai deux gamins qui dorment, tu crois que j'ai que ça à branler, moi. Sinon, bah, c'est pas grave, tu vas les coucher et après tu t'occupes d'elle. Ouais, c'est ça, ouais. Ça te dirait pas, je te la ramène tout de suite à la maison, tu t'occupes d'elle et après moi, si ta femme elle est là, je m'occupe d'elle en attendant. Ouais, pas de soucis. Bah, viens tout seul déjà, ça ira bien. Ah bah, Marie, elle est refusée par tout le monde. Eh bah, tu sais quoi? J'arrive dans 5 minutes, prépare tes petites fesses, j'arrive, lave-toi le fion et je m'occupe de toi et de ta femme. Pas de soucis, le chargeur est rempli, je t'attends. Ah bah, vas-y, il a les couilles pleines, il a les couilles pleines. Tu vas te guider en moi, c'est bien. A tout de suite, mon bébé, prépare-toi. Ouais, hein. Ouais, bah, vas-y, rappelle une seule fois sur ce numéro, je te garantis. Non, je vais pas te rappeler, je viens là, direct. Tout de suite. Ah ouais. Putain, Marie, je te préviens tout de suite. Y a pas de souci, à tout de suite, bébé. C'est gâté sur la fin quand même. Eh bien voilà, dis donc. Et j'ai oublié, dit full sus la bite à Karim. Ouais, donc non. Là c'est. Non, c'est Romano, si je pouvais éviter. Non, déjà Jean-Louis, ça. Mais je savais pas quoi dire. J'allais. Bah, lui... Mais tu sais quoi, j'allais y a lui dire Mouloud. Des millions de prénoms et tu prends Jean-Louis. Bah, c'est pas grave. Tu sais pourquoi c'est sorti tout seul, gros? Parce que j'allais dire Mouloud. Ah oui, parce que tu m'as dit. Et Marie, et alors Marie. Et alors, Marie, t'as fait, toi? Bah, quoi? Elle a dit bonjour, elle a fait waf waf. Bonjour. J'ai le mec qui est derrière, elle a dit non, elle vient pas. Ouais, en plus. Mais Marie, moi, j'y vais, moi. Bon. Personne ne veut de moi. À toi, Romano, c'est bien, il y a du libre. Ah, alors, attention. Il y a du niveau ce soir, donc là, j'adore. Daniel. Et toi, Romano, tu vas essayer de serrer Daniel. Et je vais changer de prénom, comme ça, tu boucles plus haut. Ah, voilà. Merci. Je vais m'appeler Jean-Marie. Voilà, ici, ah, tu... non. C'est pas mal, ça te va bien, Karim. Non, mais c'est vrai, ça te va bien. Alors, Romano se concentre, le téléphone sonne. Chez Daniel, hein. Mm-hmm. Ouais. Ah. Daniel. Allô? Oui, c'est pas mon travail, c'est Schneid. Hein? Daniel? Oui? Oui, bonjour, comment tu vas? Comment ça va, Daniel? Eh ben, ça va, hein. Ah, ça va, parce que je t'entendais mal au début de l'appel, là. Plus ça va. Et ta petite femme va bien aussi? Oui. Oui. Vous savez, tu sais que je vais passer vous voir ce soir tous les deux là. Ta gueule, bourrique. Ah la boulet, attends, elle boulet. Bourrique. Ah bourrique. Bourrique. Je vais arriver dans 5 minutes, mon chéri. Ouais, bah t'as pas mis, t'as été reçu. Ah bah je vais être reçu et puis je vais te mettre ma bite dans le cul. J'arrive dans 5 minutes, mon amour. Comment il s'appelle lui, Daniel? Daniel. Daniel, je vais être reçu. Je vais être reçu. Au début, mais j'ai rien capté. Mais moi aussi, ouais. Bah, il parlait en patois, qu'est-ce que tu veux. Tu connais Antulli, il habite. Antulli, Antulli. Ah, c'est la bonne. Ah ouais, c'est à côté d'autre. J'ai fait un casting vers chez toi. Ah ouais, non, mais là, c'est, ouais, là-bas, c'est. Attends, viens, putain, il a parlé bourguignon et tu as pas compris, c'est dingue. Ah non, au début, j'ai rien compris. Bourguignon. Mais t'aurais dû lui parler avec l'accent bourguignon. Ouais, mais au début, j'ai même pas compris ce qu'il a dit. Bonjour, au début, je croyais même qu'il parlait étranger. C'est comme ça que ça parle en Bourgogne, c'est marrant ça. Je sais pas ce qu'il a baragouiné, mais. On le rappelle juste pour le délire. Allô, allô, bonjour. Vous amusez peut-être bien, mais vous savez chez nous, il y a quelqu'un qui est très malade. Bon, on va le laisser dans l'enquille alors. Ah bah, que j'arrive dans 5 minutes, moi. Chez nous aussi, on a notre dose de malade. Bonjour. Au revoir et à bientôt. T'as eu, Romano? On était peut-être chez ta tante. Putain, Daniel, là-bas, elle habite pas en Tuyé. Bah, t'es peut-être chez quelqu'un de ta tante. Non, mais je te dis, elle habite pas en Tuyé. J'ai pas de famille en Tuyé. Bonjour. D'ailleurs, c'est peut-être une des seules familles qui vit là-bas, tu sais. Putain, c'est dingue comme vous parlez, hein. C'est dingue, ça. Non, mais là, en même temps, là où tu nous embêtes, quoi. Bon, allez, c'est au hasard, hein, qu'est-ce que tu veux. On fait un deuxième tour ou ça vous va? Ah bon, vas-y, un deuxième tour, quand même. Allez. Alors, j'adore le serrage de Romano de Dignana. Mais quel serrage? Il a rien serré. Bah, j'ai lu les messages, moi. Le mec, il m'a dit, viens. Mais t'as dit, viens quoi? Bah, il m'a dit de venir, hein. Bonjour. Il m'a dit, viens, je vais m'occuper de toi. Ouais, mais il y avait rien de sexuel, gros. Ah, ah bah si, je lui ai dit que j'allais lui mettre ma bite dans le cul. Mais t'as pas répondu après, là. Qu'est-ce que tu crois que je te mets ma bite dans le cul et après on en parle. Romano le mytho. Concentre-toi, d'ailleurs. T'inquiète, gros. Karine, Marie aussi. Oui. T'as le syndrome de Cédric. T'ouvres trop ta gueule, je vais t'obliger de te la fermer. Et peut-être t'ouvrir le cul derrière. Alors, on y va pour le deuxième tour. Il y aura que deux tours, hein, je vous le dis. Bienvenue sur la boîte vocale. Dans ton cul, enculé. C'est pas grave. On rappelle un autre. Ah, on était encore en Bourgogne. C'est... Ah, c'est ça, hein. Ouais. 0385. 0385, tout ah ça. Ah ouais, c'est... on est dedans, on est dans la beurre. C'est la beurre. Bon, Karim, Marie, allez, votre deuxième et dernier tour. Vous avez serré pour le premier coup. Marie, prévois, allez-vous à foif. Ouais, c'est ça. Allô? Allô? Ouais. Allô? Yannick? Ouais. Yannick, ça va? Oui. Tu vas bien? Oui. Je te dérange pas, j'espère. Quelle heure il est? Il est 22h53. Il est 22h53. Karim, c'est l'horloge pour bah, tu me réveilles. Ouah, désolé, je suis désolé, mais j'ai un petit problème. J'avais besoin de toi, vite fait. Vas-y. Si tu pouvais me rendre un service, en fait, j'ai un animal depuis longtemps, j'ai une chienne. Voilà, tiens, elle dit bonjour. Et en fait, elle s'est pas accouplée depuis super longtemps et je voulais te la ramener histoire que tu t'occupes d'elle un peu. C'est ça, n'importe quoi. S'il y avait moyen, toi tu t'occupes d'elle et moi en attendant, je m'occupe de ta femme. Oui, c'est ça. Et déconfiner nos trucs, et ben voilà, je rentre chez moi et puis je vous laisse. C'est bien. Bah, tu sais, bah, j'arrive dans 5 minutes, ça te dit? Ouais, c'est qui là? C'est Jean-Marie. Je suis en chaleur. Allez, en chaleur, t'entends? Ouf. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive dans 5 minutes, tu te laves les fesses, tu laves les fesses de ta femme en même temps, tu laves les fesses à l'eau chaude et je m'occupe d'elle. Allez, bye. À tout de suite, bébé. Ouais, ok, ouais. C'était moins concluant que le premier coup de fil. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois Marie ouvre la bouche, ça froid. T'as vu? Ouais, ah, écoute, j'essaie de faire le chiant. Bah, tu te faisais très bien, Marie. Même quand au moment où t'as dit t'es en chaleur, le mec, ouais, il fait ouais, ok. Ah, okay, ouais. Bon, repasse-moi ton pote. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, et le dernier coup de fil. Peut-être le coup de fil qui va tout décider. Ah putain. C'est pour toi, Romano. C'est qui là? Vous avez pas mal sorti le couple. Ouais, c'est Darka. Moi j'aime bien le clash. Ah, t'aimes bien le clash. Ouais, c'est Darka. Ah bah tu vois, attends les résultats, t'aimeras peut-être moins. Qui est-ce donc? On verra, man. Quelqu'un qui sonne. Seuls les votes comptent, j'ai envie de dire. Exactement. Mais tu regardes The Voice, toi, non? Ah, allô? Bonjour. Ah, merde. Je ne peux pas prendre votre appel pour le moment. Ah, il y a quelqu'un. Allô? Allô? Ouais. C'est qui? Oui. C'est la femme de Georges? Non, c'est sa belle-fille. Ah, et Georges, il est dans le coin ou pas? Oui. Ah, je pourrais lui parler? Oui. Il dort pas? Non, pas bon, encore. Nickel, parce que je vais arriver à la baraque, là. Allô? Oui. Je vais arriver à la baraque, là, dans 5-10 minutes, là. Comprends. Et c'est rien. De la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis. Passe-moi, Georges, je vais voir avec lui, c'est un copain du bistrot. Ah, vous faites erreur, là, je crois. Hein. Ah non. Mais je vais venir dans 5 minutes, puis je crois qu'on va faire l'amour, tous les deux. Non, mais. Oh, tu as déjà mis une musique romantique. Ah, c'est bien, bah, tu mets déjà la musique. Mais disons, ça va être sympa de baiser là-dessus. Ah, bah, tiens. Non, mais c'est bien, ça, c'est romantique. J'aime bien, moi. C'est... Allô, chérie? Allô? Ouais, Georges? Oui, c'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Comment vas-tu? Jean-Louis, mais qui, Jean-Louis? Jean-Louis David, le coiffeur. Dis donc, vous écoutez de la bonne musique chez vous, hein. Ah, c'est swagué à donf. Là, je vais venir, j'ai envie de faire l'amour. Ah ouais, d'accord. Bon bah j'arrive dans 5 minutes et on fera l'amour sur la belle musique. Ok, pas de problème. Ah, ça me donne envie de baiser moi tout ça moi. Mais nous ta technique. Bah je te baise toi et ta belle fille. On fait ça en famille. Ouais, ouais. Et bah voilà, une baise en famille. Ça c'est dégueulasse. Mais là j'ai adapté. Mais t'as pas utilisé ta méthode gros. Et alors on a le droit de s'adapter. Bah alors on fait pas de méthode dans ces cas-là, ça sert à quoi? Ouais, bah je m'adapte à la musique. Pas faux. Ouais, la musique était très belle. Non, non, mais ça attends. Je tiens à dire quand même que Difool te suce la. Il me suce aussi. Non, mais arrêtez, en tout cas, vous prenez pour une suceuse. Il y a quoi? Il y a 10 minutes, je suçais Karim selon Romano. Maintenant c'est l'autre qui suce Romano. Et non, mais en plus on te prend pour une chienne. C'est total. Et bah dites donc. Ça sert à quoi les méthodes alors? Les méthodes, tu t'adaptes, tu sais, la drague, c'est de l'adaptation. Voilà. C'est clash de l'adaptation alors. Je lance le top pour les votes. C'est le clash du serrage, deux serrages, deux appels. Je dis top vote. Vous votez, on va écouter The Weeknd là avec les Daft Punk. C'est ça. Et en plus, on va l'écouter tout de suite. Ah, tout de suite là maintenant, il y a plus de pub là. Donc vous votez, vous avez 5 minutes pour voter, donc jusqu'à la fin du son. Non, Marie, dis pas ça. Votez Karim. Votez Karim et Marie. Votez Romano ce soir, seul contre tous, une fois de plus. Ouais. Ce soir, deux appels, deux serrages, votez Romano, R-O-M-A-N-O, team le Belge, team Romano, on est ensemble. Non, mais non, on est ensemble. Alors déjà, je vous dis, le Belge, il est avec moi, il me supporte. Faut voter Karim ce soir, j'ai serré Benjamin. Déjà, Tarito, il est pas avec toi, Cédric est dans son lit chez lui. Ouais, j'ai serré Benjamin. Il est en train de chier dans une boîte. C'est vrai. Mais moi, j'ai serré lui, à l'hôpital. À l'hôpital, ouais. En tout cas, les man, moi, j'ai serré Benjamin. Premier coup de fil, direct serrage avec ma chienne Marie. Tiens, dis-leur bonjour.

Ça, c'est du gros son. Hein. C'était The Weeknd sur Skyrock. Une découverte Sky avec les Daft Punk. Skyrock, Romano. Tu vas te casser le nez, mon pote. Alors, je veux pas me casser le nez, c'est l'accompagnateur, il a un gros nez. L'accompagnateur, il a un gros nez. Cédric. T'as déjà eu des mycoses au pied, Cédric. Moi ? Ouais, t'en as déjà eu. Ouais, mais tout le monde a ça, je suis sûr. Ah bah non. Marie. Mais vous êtes des enculés, Samy. Ah ouais ? Ouais, je lui ai parlé, tout le mec, pas trop blague, quoi. Et Karim. 1 million d'euros, c'est quoi pour vous ? Tifoul Radio Libre. 21h, minuit, tous les soirs sur Skyrock. Bah ça dépend pour qui ? Pour Romano, c'est pas grand chose. Pour moi, c'est énormément d'argent. Combien ? 1 million, t'as dit ? 1 million, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah l'autre. En fait, il est excité parce qu'il a vu qu'à l'euro million, soit il y avait 130 millions d'euros. Ah putain, ouais. Il m'en a parlé toutes les semaines. Alors attends, j'ai oublié. J'étais sûr. J'allais faire un pari. Est-ce que comme chaque fois que tu m'en parles, il m'a fait chier toute la semaine avec ça. Hein. Il m'a dit. Non, j'en ai parlé deux fois, donc. Deux fois par jour. Non, deux fois par heure. Deux fois dans la semaine. Ouais. Et est-ce que comme toutes les semaines, t'as pas joué? Bah non. Bah voilà. Parce qu'en fait, je crois que ça, t'as un problème, c'est quand tu vas acheter le truc, tu te dis ça coûte cher. Ouais, c'est 2,50€ hein, pour 130. Bah quand même. 2,50€ pour gagner 130 millions, je dis. Ou rien, hein. Oui, aussi, oui. Et parce que ouais, de toute façon, la plupart gagnent rien, ça, malheureusement. Okay. On va écouter le. Putain, ouais, j'aimerais tellement gagner de la Zayko. Oui, et le Clash, j'aimerais tellement gagner le Clash. C'est fini pour les votes juste à l'instant. Alors, franchement, je préfère l'euro million. D'accord, bah écoute, je crois que tu vas être satisfait ce soir. Bah ouais, mais l'euro million, je l'aurais pas non plus, du coup. Ah, tu vas non, tout perdre. T'as joué. Bon, on a les résultats du Clash qui arrivent, le temps de les calculer. Et merci pour tous les votes, hein. Vous votez. Ça fait plaisir. Et il y avait d'un côté Marie et Karim, je dis ça pour ceux qui viennent d'arriver. Je te dis direct, Ryan, il y aura qu'un seul vote qui comptera, bien sûr. Parce que t'as magouille, on l'a comprise. Hein. Ah. Il en a envoyé 50, gros. Ouais, c'est non, bien, Ryan, c'est bien. Merci, Ryan. Bon, on va écouter. Qu'est-ce qu'on va écouter ? Tiens, Ghetto Phénomène et Jul. Jul et Ghetto Phénomène sur Skyrock. Les potes de Jul. C'était venu dans Planète Rap d'ailleurs. Et eux sont de Marseille. Reste fidèle au barrio. Ils ont mis les sur ma galio. Et PNL a écouté aussi. Il y a un autre PNL, on s'est passé tout à l'heure. Naha. Et ben là, on va écouter. QLF. Et ben, je suis QLF, je suis que la famille. Je m'en bats les couilles, je suis faille. Là, ça plane. Je vois que sur une plaquette taille. PNL, avant minuit. Et puis, on vous offrira encore une fois 10h. Tiens, je vous dis la roulette de demain. À partir de demain et toute la semaine prochaine, tout le week-end, toute la semaine prochaine, vous gagnez Jul. Jul dans la roulette, les concerts de Jul, les premiers concerts de Jul avec Skyrock. C'est une tournée Skyrock. Ouais. Et vous gagnez les premières places demain. Demain, dimanche et toute la semaine prochaine, dans le morning, dans la radio libre, avec toute l'équipe de Skyrock toute la journée. Vous chopez vos places pour Jul, Skyrock, premier sur le rap, premier sur Jul. Et les places de concert à gagner, c'est un petit tuyau que je voulais vous donner. On aime bien vous annoncer les exclus dans la radio libre. Allez. Et on peut en avoir, nous hein? Les places, on peut en avoir, nous? Bah ouais, faut faire tourner la roulette dès demain. Voilà. Dès sinon, demain. Tu vas les acheter. Ça démarre. Ça démarre entre 6h et 9h dans le morning. Morning best du samedi avec Vincent demain matin. D'ailleurs, il y a des dates qui sont déjà complètes. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on a plein de places à vous offrir. Heureusement qu'on les a achetées avant. Hein. Jul, c'est ça vite, l'événement, un des événements de la fin de l'année. Et en ce moment, là, il y a un album gratuit là, qui distribue tous les jours un titre par jour. Là. Oui, il est gentil, Jul. Ouais. Ça, c'est, tu vois, avec... c'est le deuxième album gratuit de l'année. Et ben pourquoi tu fais des émissions gratuites, Romano? Une émission gratuite comme ça, allez hop. C'est-à-dire gratuite, mais. Bah, t'es plus payé. Bah non. Bah, Jul, lui, il fait des albums, c'est gratuit. T'en fais une par jour gratuite. Alors, Good morning, good radio. Demi-tarif, quoi. Voilà. Ouais, non, mais c'est pas les soldes. Pas cher. Bah, si, cher. Salaire. Ouais, cher. Ah ouais, gros salaire, le bad. Bon, ça vote pour. Ça va, je suis pas un salaire de footballeur non plus. Pas très loin. Bon, ça a voté pour le Clash. Les résultats arrivent. Je vois encore les messages qui défilaient tellement ça a voté. Merci pour vous, c'est gentil. Et sinon, d'ici minutes, vous pouvez arriver ici en direct. On est en direct, il est 23h06. Ouais. Il y a eu combien pour le match? Puisque c'est terminé pour le Rennes match. Rennes a gagné 1-0. But à la 92e minute. Il y avait 3 minutes d'arrêt de jeu. Ils ont marqué une minute avant. Putain, mais ça arrête pas ces temps-ci. Comme ça t'étienne hier. Hein. Dernière minute, ils ont marqué les Stéphanois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est aussi. Suspense. Donc, les résultats du foot. Rennes, Guingamp, le derby breton. 1-0 pour Rennes, pardon. Rennes. Et puis on a rapidement les résultats de Ligue 2, parce qu'il y avait des matchs de Ligue 2 ce soir. Ouais, bouge pas, je vais te les donner tout de suite, man. Très bien. C'est parti. Alors. Mon kiki. Ajaccio, Brest, 1 partout. Oui. Amiens, 3 qui a gagné 1-0. Laval, Clermont. C'est bien, ils ont perdu tous les matchs en Ligue 1 l'année dernière. 3, heureusement, ils sont en Ligue 2, ils regagnent. C'est mieux, ouais. Oui. Lens Restart 2-0 pour Lens, Nîmes Bourg-Perona 0-0, Niort qui gagne contre Orléans 1-0, Reims qui tape Auxerre 3-0. Oh là là, Auxerre Romano, mais la ouais, Bourgogne, non, mais que se passe-t-il? C'est la merde complète. Ouais, c'est la merde. Et Tours qui perd à domicile contre le GFC Ajaccio, pardon, 3-0. Et voilà pour les résultats de la Ligue 2. On vous a donné les résultats du foot de ce soir. On essaie de vous faire gagner un autre FIFA avant minuit, tiens. Et puis on va retrouver les pervers de Pamela et Émilie qui va nous parler de son, de ce qui lui est arrivé hier, en fait, parce qu'on parlait fantasme tout à l'heure. On va voir ce qui est arrivé hier à Émilie. Vous savez que moi, j'y crois pas, son fantasme de Kawhi, moi. Ouais, c'est hyper chaud. Moi, j'y crois parce qu'il était chaud, quand même. Ouais, moi, j'y crois pas, moi. Non, c'est bizarre. Je te dis, Romano, moi, j'ai du pif. C'est pilouche, quand même. Pas le même nez que toi, mais je serais un peu de ton avis. T'aimerais bien avoir un nez comme moi, Romano? Ah non. Non, attends, déjà, j'ai pas le pourquoi t'as coupé la musique au moment où je t'ai posé la question et j'ai l'impression que je te demandais un truc très grave, genre. Non, mais déjà, j'ai pas de cheveux, je vais pas me taper tous les les défauts de l'équipe, quoi. Et les yeux de Cédric. Ouais, voilà, ouais. Et mes oreilles. Voilà, les oreilles, les cuisses de Marie. Sur le visage, ça va être bizarre, quand même. Beau gosse, tu seras la personne parfaite. Ça va être exactement. Et la tête, tout allongée, la tête d'endif de sa vie. Beau gosse. Et la coupe de Romain. Non, parce que Marie, je suis chauve. Ah, mais ouais, si tu rases à ce niveau-là, ouais, t'as plus rien, ouais. Eh, Marie, encore une fois, en plein dans le mille. Toujours à fond dans le mille. Toujours. Ah, bah, oui. Bon, alors, les pervers de Pamela, on va les écouter. Bon, allez, vos gueules. On y va sur les pervers, on prend Émilie après, alors. Ah, bah, comme vous voulez. Bah, tiens, dis bonjour. Ah, j'en peux plus. Dis bonjour à Émilie, Pamela, dis donc. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Tu sais que j'ai très très chaud à la chatte. Ah. Bah, ouais. Est-ce que t'es dans mon cas? Non, du tout. Est-ce que t'as la vulve en feu? Ah oui. Et le trou du cul aussi, monsieur Grobédo, madame Pamela. Pamela, je m'appelle. Ça, pas le mot. Voilà, c'est Pamela. C'est ça. Bon, on fait comme vous voulez. Ben, on vous... Excusez-moi. Ah ben, vous prenez la demoiselle et puis j'arrive après. D'accord, Pamela arrive et les pervers aussi. Oh, elle est gentille. Alors, dis-nous, Émilie, ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Parce que on a parlé fantasme un petit peu tout à l'heure avec... Avec le fantasme, je pense que c'est un fantasme mytho, hein, j'ai du pif, je vous le dis. Hein. Le fantasme du cas, ouais. Après. Un gros pif que t'as. Hein? Oui, t'as un gros pif. Après, bon, il y a des fantasmes bizarres, hein. T'as des mecs, ils aiment des trucs, je sais pas, vous avez vu sur le net, hein. Il y a des, peut-être qu'il peut avoir des mecs qui s'habillent avec des, avec des, du plastique, la meuf s'habille en plastique aussi, ils se frottent l'un l'autre, ils sont super excités tous les deux. Bon, les mecs, c'est leur truc. Des couches en bébé, là. Romano l'a fait, ne te moque pas Marie, s'il te plaît. Oui. Ouais, tu prenais pas pour un bébé. Non, j'en étais pas là, oui, c'est juste pour avoir la sensation, quoi. La sensation, et ouais. Tu savais que c'était dedans, moi. Est-ce que tu savais, Émilie, que Romano avait testé des couches? Mais j'ai pas osé chier. Non, je savais pas. Je te le dis comme ça, de but en blanc. Pour de vrai. J'ai mis des couches. Il a fait ça pendant tout un week-end. J'ai mis des couches de vieux et j'ai pissé dedans, mais pas chier. Mais t'as fait ça tout un week-end. T'es resté avec ton pipi tout le week-end. Oh. Non. Je suis pas resté le week-end entier en couche. Ça, je suis pas tard à ce point-là. Hein. À ce point-là. Ouais. Déjà, pour avoir l'idée de mettre des couches. Non, on en avait parlé à l'antenne. Je me souviens même, c'était un problème du mois qu'on avait fait. Ouais. Et on avait demandé, et gentiment, des auditeurs et des auditrices avaient envoyé des couches qu'ils avaient piquées à des vieux. Quoi, c'était son retraite. Et t'avais testé avec Carriole pendant un week-end. Et on avait testé avec Carriole et franchement, il faut reconnaître que votre vie est très, très, très beau. T'imagines les deux dingues chez eux en couche. Non, mais il faut admettre. Il faut admettre qu'il faut en tenir une couche parce qu'on a des longues couches. Non, mais qu'on est vachement bien dedans. Tenir une couche. C'est arrivé. On est vachement bien dedans. Blague d'humour. Ben oui, non, mais j'ai bien compris. Et quand tu fais pipi dedans, c'est sec? Ah ouais, ça, mais par contre, ça me sort bien, C'est lourd. Ah bah ouais. Ah, le pipi, il est lourd. Ah bah ouais, tu sais, si tu pisses, vu que ça absorbe dans le truc, tu sais, l'espèce d'éponge là qui est en dessous là, t'es complètement humide, hein, tu peux rester comme ça. Mais c'est lourd. Mais le problème qu'il y a, c'est quand tu marches, tu sais, t'as l'impression qu'on t'a accroché des poids en fait à l'entrejambe. Mais tu l'as changé pas la couche? Bah si, après je l'ai enlevé, mais j'ai marché jusque, tu sais, j'allais pas m'enlever ça dans le salon comme ça. T'allais faire les courses avec. Non, je suis pas sorti. Et quand tu l'as enlevé, t'avais pas les couilles un peu, tu sais, flétries, bizarre? Non. Quoi, t'as essayé, Karim? Non, mais je lui demande, non. Non, mais pas du tout humide, non. C'est ce que je t'expliquais, ça absorbe vachement bien, mais par contre toute la matière est stockée en bas, donc c'est lourd après. C'est lourd. C'est vrai, ce que dit votre collègue, les couches nous demande Boys sur SMS, qui doit être un nouvel auditeur qui ne connaît pas encore Boys, nous demande c'est vrai ce que dit votre collègue qui met des couches. Ah ouais, c'est vrai. C'est toi le collègue qui met des couches, c'est Romano, hein, je précise. Hein. Bah, tu sais, si vous m'en envoyez, je m'en bats les couilles, hein, ce soir, je me mets en couche ici, moi. Eh bah, voilà, envoyez-lui des couches. Je vais t'en ramener une. 37 bis, le grand état. Je veux qu'elle s'emballe et tout. Non, je vais t'en ramener une emballée, tu vas taper une soirée couche. Mais tu vas pas aux toilettes, tu pisses dedans, tout, et à la fin, tu nous montres. Ah non, c'est dégueulasse. Non, mais vas-y, et on l'a fait gagner. Ah ouais, cool. Peut-être pas jusque-là. Ouais. Non, mais c'est parce que tu sais, c'est tout molletonné, c'est agréable. C'est normal, c'est comme pour les couilles. Ah, mais tu kiffes, hein. Bientôt, ouais, vous verrez Romano dans les couches pour les pubs, les pubs, ouais. Les pubs de couches pour vieux, tiens. Ouais, Téna, là, Ténia. Ténia, ouais. Non, Ténia, c'est ça. Ténia, ouais. C'est le verre au cul. Les ouais. couches ça, confiance ouais. aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Émilie, là? L'autre fois, j'étais allé à la pharmacie, il y avait une vieille. Je fais souvent du covoiturage. Bouge pas, et Romano a juste une précision qui m'a l'air intéressante à donner. Excuse-moi, Émilie. Oui, Romano, tu étais donc avec une vieille ou ça? Non, j'étais à la pharmacie, tu sais, je passais. Et la vieille à côté, en fait, elle venait pour les couches. Elle ramenait le paquet de couches, qu'elle disait ouais, elles me vont pas, elles sont trop petites. Mais oui, parce que j'ai un gros cul. Tu sais que peut-être que Cédric va en avoir à l'hôpital. Hein. Non, mais c'est bon. Tiens, mais Marie, tu sais qu'il te casse le délire. Mais pourquoi il aurait des couches? Pourquoi tu veux lui mettre des couches? Mais je sais pas comment il fait pipi du cul. Non, mais il est pas incontinent. Mais si, tu sais, Romano, après ce qu'il m'a raconté, il s'est chié dessus aussi. Hein. Non, mais c'est pas vrai. Mais si, et puis ça coulait sur les jambes. Non, mais c'est une blague. Mais non, c'est pas vrai. Non, mais il sort bien son truc du cul quand même. Non, mais ça sort tout seul. Ah ouais? Bah oui. Bah, mais c'est horrible. En fait, j'explique pour ceux qui viennent d'arriver à 23h12 sur Skyrock. J'espère que vous mangez plus. Oui, un sorcier, j'espère que vous mangez. De toute façon, là, vous ne boufferez plus. Non. Ça va s'arrêter automatiquement. Prenez-vous une mousse au chocolat. Ou alors un chocolat chaud. Ouais. Non, Cédric est rentré pour une clavicule cassée à l'hôpital. Ils doivent lui mettre une espèce de plaque, une broche. Ouais, une plaque en fer. Ça, c'était vis, ouais. Il y a 3 jours. Il arrive la veille pour se faire opérer. Le lendemain, il arrive au bloc opératoire à 14h. Là, il est pris d'une chiasse, mais alors terrible, terrible. Et, inarrêtable, ouais. Et là, l'opération est annulée. Ah ouais. On annule l'opération. Ouais. Bon, le lendemain, il devait l'opérer, c'était hier. Bon, pas d'opération non plus, ou avant-hier, je sais même plus d'ailleurs. Ouais, hier. En fait, la première fois, il devait se repérer mercredi. Ah, c'est ça. Donc, la première date, c'était mercredi. Donc, annulation à cause de la chiasse. Ils lui ont dit, bon, on va essayer de vous opérer le lendemain. Le lendemain, il avait toujours la chiasse, donc jeudi, donc hier. Pareil. Pareil. Oh, j'ai la chiasse. Et, en fait, Et là, depuis 2 jours, il passe pas une demi-heure sans chiasse. Ouais, c'est ça. En fait, tout ce qu'il avale, ça ressort automatiquement en chiasse. Mmh. En liquide, ouais. En liquide, ouais, bah. Oh là, j'ai avalé une bite, elle est ressortie liquide. Voilà, terrible. Oh là, terrible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, il avait tellement mal au bide et il chiait tellement qu'ils nous ont dit on va appeler un gastro-entérologue et vu qu'il n'y en avait pas à l'hôpital où il a été, ils l'ont transféré d'hôpital et là où les 3 hôpitaux en 3 jours. Hein. Ouais, trois hôpitaux. Eh bien non, mais en Amérique on dit hôpitals. Hôpitals. 3 hôpitals in 3 days. Et donc là du coup le bilan, la clavicule, elle est toujours pétée, toujours pas réparée, mais ça c'est mis de côté. Mmh. Et là il est dans un service gastro. Nouvel hôpital où ils lui font des examens pour savoir d'où ça vient le fait qu'il chie non-stop. Donc aujourd'hui, il a passé sa journée à chier dans des boîtes. Et voilà. Pour le moment, il soupçonne une bactérie. Il aurait une bactérie ou un germe, il m'a dit. Ouais. Un germe dans le ventre. C'est quoi un germe? Il va lui ressortir une bestiole, vous allez non, voir. Bah, c'est une bactérie, Cédric pareil. Va revenir, ouais, il va peser 70 kilos, il va être trop beau gosse. Ouais. Enfin, en même temps, beau gosse, pas sûr, mais il va être plus... Ben il y a un alien dans le bide. Et la suite, c'est demain matin, il voit son gastro là, et il va lui dire normalement ce qu'il a. Et puis ils vont lui mettre un tuyau peut-être dans le cul, ouais, pour une coloscopie. Ouais, problème, c'est qu'il mange de la merde à longueur d'année. Quoi. Ah ouais, ouais. Ça on est d'accord. Ah ouais, mais putain. Ouais, mais ça c'est pas faute de lui avoir dit. Hein. Ouais, mais bah ça ouais, il lui croit pas donc. La en veille, plus, même Difool, il lui a dit plein de fois hein, devant moi. Ouais, il a dit mais fais gaffe à ce que tu bouffes, gros, tu vas tomber malade, mais vraiment un jour. Et la veille, il se fait quand même des sushis, donc du poisson cru, donc si c'est avarié, faut faire attention. Et un tartare dans une brasserie qu'il a trouvé un peu moyenne au niveau de l'hygiène, il m'a dit. Oh non, en plus. Non, parce que les sushis, en l'occurrence, si le poisson il est flingué, et si t'as un nez. Ouais, tu dégoûtes direct. Ah bah, j'en ai un. Non, mais le poisson, aussitôt que c'est un peu daubé, ça se sent direct. Ça pue, ouais. Mais. Ou alors, ouais, c'est que le mec il n'a plus de nez non plus. Quoi. Donc un tartare avec de la viande crue, plus du poisson cru, la veille de l'opération. C'est pareil, le tartare, ouais, il ne faut pas le bouffer n'importe où, quoi, il faut connaître. Parce bon, là, c'était bizarre, il y avait des animaux qui bougeaient dedans, ça veut dire qu'il était bien frais. Non, mais tiens, ou alors, ce con, il a chopé le ver solitaire. Hein. Oh. Bah, tu sais, le tartare, c'est comme ça que tu le chopes. Ouais, c'est vrai, cru, c'est l'idéal pour choper un ver solitaire. Ouais. Si la viande, elle est moyenne. Non, mais ver solitaire, ça fait pas ça, gros. Non, ça fait pas ce qu'il a. Bah, ça peut, on n'en sait rien. Après, chaque personne réagit différemment. Mais bon, en tout cas, il a un truc au cul, ça c'est sûr. Ouais. Moi, à mon avis, ça fait un moment qu'il l'a. Bon, bah voilà. Chier liquide constamment, c'est pas humain. Voilà où il en est, Cédric. Voilà. Non, mais c'est pas normal, c'est vrai. Ah non, c'est pas humain, ça. Ah, clinique vétérinaire aussi. Hein. Bah oui, non, mais ça. Ouais, bah, oui. Bon, voilà donc pour les petites nouvelles de le Cédric. Petit point. On vous tient au courant, puis dès lundi, vous en saurez plus. Ah tiens, Marina, tes couches. Plein de paquets de couches. J'en veux pas plein. Déjà, envoie-en une ou deux, quoi. Oh, 3-4, on se fait une semaine, tu te fais une semaine en couche. Voulez-vous, non, mais on pourrait tous s'y mettre. Non, mais moi, je me mets pas en couche. Ça va pas, non. Bah, si, tu peux te mettre en couche. Je vais pas me pisser dessus, j'ai passé l'âge. Non, mais tu te pisses pas dessus, mais tu te mets au moins des couches, quoi. Mais pourquoi faire? Bah, pour l'émission, Pour l'émission. Tu veux que je mette des couches, Émilie? Moi, si tu veux. Hein. Non, non, mais je veux pas. Donc ça tombe bien, Émilie. Ça va, qu'est-ce qui si, Émilie dit oui. Non, non, elle a dit si je veux, donc c'est moi qui choisis. Bon, alors, Émilie, qu'est-ce qui t'est arrivé hier? T'as enfin la parole, Émilie. Ouais, bah, donc du coup, en fait, moi, c'est que je fais souvent du covoiturage, que je travaille loin de mon domicile. Oui. Et du coup, en fait, donc hier, j'avais une personne qui était prévue depuis la veille en covoiturage, donc pour à partir de 21h30, parce que je suis niquée à 21h30 le soir. D'accord, tu l'as trouvé où? Sur quel site? Blablacar. Sur Blablacar, ouais. Le classique. Blablacar. Non, parce qu'il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres sites, hein, que Blablacar. Oui, il y a Wicard aussi. Ricard. Non, Wicard. Génial. Le mec est bourré. Aussi. Il travaille dans la maison. C'est Ricard. Non, mais il y a plein de trucs, quoi. Ouais, Blablacar, c'est un des plus connus, ouais. Oui. Et alors, donc, rendez-vous, Donc du coup voilà, au début donc ça se passe bien, je le récupère et tout. Mmh. Et puis au bout de 3-4 minutes, je vois que le mec en fait il faisait que de me fixer, donc c'était un gars à peu près de la quarantaine, donc voilà. Ça te dérange pas que je sorte ma queue? Ah ouais, toi tu flippes pas de prendre un mec que tu connais pas comme ça dans la voiture? Non, tu flippes pas. Ah ouais, ah ouais, tout seul. Ah ouais, c'est la communauté, je vois. Ouais, je sais pas, ma soeur le fait, mais en général elle prend deux personnes quand il y a. Ouais, mais le gars il a inscrit, il a un compte, tu peux voir son profil. Ah ouais, ouais. Bah ouais, c'est ça le truc, c'est assez bien surveillé, ouais. Et tout. Puis sur le profil elle avait l'air sympa, il avait l'air normal, donc. Des voilà. Évaluations et tout déjà. Tu vois. Il avait l'air normal. Voilà. Et du coup, en fait, donc au début, il commençait à il me fixer, il me regardait fixement, donc ça commence à être un peu mal à l'aise. Plus, ouais, non, mais c'est clair ce que j'allais dire, ça te fait super mal à l'aise. Tu vois, je conduis, je ne regarde pas la route, je te regarde. Non, mais c'est toi qui. C'est quoi, c'est toi qui conduis? Ouais, c'est moi qui conduis. Ah, ouais, c'est moi qui conduis. Je te regarde conduire, tu es belle quand tu conduis. Non, mais c'est clair, mais c'est, en fait, il me fixait, mais sans. Ouais, il était vraiment fixé à me regarder. Et, vas-y, passe une vitesse, vas-y, touche le manche. Après, au bout d'un moment, il me fait « Oui, ça te dérange si je te caresse la main ?» Oh bon. Non, je lui dis, du coup, je lui dis « Bah non, c'est pas possible. » Ah, j'ai cru que tu lui as dit « Non, ça me dérange pas. » Non, je lui ai dit « Non, non, que c'était pas possible. » Et du coup, il a... Bah tant pis, je vais me branler. Et du coup, c'est là, après, il me sort « Oui, quand j'ai vu ta photo hier de profil, j'ai rêvé de toi toute la nuit, j'étais très impatiente de toi. » Elle fait le descendre de la voiture direct. T'étais pas sur une petite route déserte. Là, du coup, j'ai commencé à ralentir avec et tout. Je me suis dit « Ouais, il va sortir, il va dégager. » Donc, je lui ai répondu, je lui ai dit « Non, mais vous êtes pas bien. » Mais t'étais en ville ou t'étais dans la campagne, sur une route déserte? Moi, j'habite en campagne, donc c'est sur de la grande route, mais c'est en campagne. Aïe, aïe. Ouais. Pas rassurant, quoi. Ah non, pas rassurant, non. Ouais, non, j'ai une bombe à crimo avec moi. Ah ouais. Oui, t'as pas raison. J'aurais casé, moi, direct. Oh, je te gaze. Ah ouais, c'est clair. Et voilà, ah non, mais moi, je pense que le mec, je vais descendre la bagnole. Ah ouais, je dis, ouais, la route, elle va s'arrêter là. Évacuation. Je me gare sur le côté, je le descends. Façon, hein. Comment? Du coup, après, il me sort, cette nuit, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que je te mordillais les oreilles, je te caressais. Et voilà, et du coup, là, direct, je me suis arrêtée, j'ai dit, ouais, vous. Ma bagnole, c'est mort, vous restez pas là. Et puis il a commencé à insister, ah si, je reste. Et je dis non, mais vous dégagez. Et j'ai commencé à m'énerver vraiment sérieusement. Et du coup, je l'ai carrément poussé de la voiture et tout pour qu'il sorte de la bagnole. Et je suis partie. Je l'ai sorti en pleine combousse. Mais elle est tombée sur un tordu, on nous dit, mais oui. Ah bah clairement. Ouais. Ah non, mais c'est sérieux, vraiment complètement. Tu t'es plaint sur le site, tu devrais te plaindre quand même. De toute façon, sur le site, je l'ai signalé au site et tout, je l'ai signalé. Et en plus, j'ai mis un gros commentaire sur les avis, en fait, gros en disant pervers. Que c'est un gros pervers, etc. Voilà. Et tout. Absolument, oui. Je vais changer, je vais aller sur Ricard. Ouais, mais t'as bien fait, il faut le faire direct. Hein. Ah ouais, même pour les autres. Mais ouais. Il voulait qu'elle passe ses vitesses avec son zizi, nous dit Nassim. Ouais, c'est ça. Surtout qu'au début, il m'a contacté par message sur le site et il avait l'air correct et tout ça. Ah, il cache bien son jeu, le mec. Ouais. Absolument. Et non, mais carrément. Pourtant, j'avais déjà fait plus d'une fois du covoiturage, je suis jamais tombé sur un cinglé comme ça. Ah, bah là, t'as tiré le bon numéro. Ouais, fais gaffe pour les prochains. Donc, une belle pub pour Blablacar. Hein. N'hésitez pas à commander des voitures sur Blablacar. Les filles, surtout, tu vas me dire, ça peut arriver à un mec. Bah, ça peut arriver à n'importe qui. Tu peux tomber sur un tordu. Ça fait 2 ans que je fais du covoiturage, c'est la première fois que je tombe sur un mec comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, très bien. Voilà. Là, je suis content d'avoir une voiture. Bah, tiens. Ça soulage. Bon, merci Émilie, en tout cas, du témoignage. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? T'as prévu des trucs, toi? Je bosse. Covoiturage. Voilà. Là, il y a une fille qui a peur de prendre des mecs maintenant sur Blablacar. Elle veut savoir ton blaze sur Blablacar au cas où je voyage. Voilà, c'est clitoridienne, en effet. C'est une fille, 22 ans, tu vois. Ouais. Donc, entre filles, c'est vrai, c'est quand même plus tranquille. Ouais, il faut être plusieurs. C'est ça. Ouais. Ah, tu tombes sur des cassos. Ah bah tiens, il y a Ami, 23 ans, une fille. Un jour, j'ai fait Nantes Paris, je ne conduisais pas. Le mec qui était sur le siège passager me demandait si je voulais dormir chez lui. Mmh. Attends, genre pendant tout le voyage. Dors chez moi. Tu veux dormir chez moi? Oui. J'ai oublié de te demander, tu voudrais pas dormir chez moi? J'ai un grand lit, une place, on s'y mettra tous les deux. Non, pourtant, moi, je connais des gens qui le font. Et après, non, ça c'est se vachement passe bien. Pratique. Ouais, pareil. Non, mais des fois, même quand ça se passe bien, tu tombes sur des rues. Oui, après, il y en a, ils parlent non-stop, ils te rangent la tête. Je suis parti de Paris, je suis allé jusqu'à Agen en bagnole, donc c'est genre 8-9 heures de route. Et tu t'appelles même pendant 8 heures? Non, en gros, un couple de vieux. La meuf, bah, elle était gentille, tu vois, mais elle m'a cassé le cerveau. Et oui, monsieur le Marseillais. Tu parlais de quoi? Elle s'arrêtait pas de faire des pique-niques. Tu sais, vas-y, arrête-toi une fois, on mange un sandwich, on redécolle. La meuf, toutes les heures, elle s'arrêtait, elle sortait sans jambon, sans pain de mie. Ah ouais, elle faisait des tartines, gros. Excusez-moi de vous le dire, mais on va mettre 24 heures pour y arriver. C'est clair. Mais elle pouvait pas manger dans la voiture. Mais je sais pas, mais elle faisait que bouffer des sandwichs. Non, parce que dans la voiture, on mange pas, ça fait des miennes. Oh, non. Et une fois qu'elle avait bouffé, c'est pas genre elle prend le café quand elle bouffe. Elle reprend la bagnole et une demi-heure après, ah ben maintenant le petit café pour la digestion. Allez. Ça s'arrête encore. Ouais, Difool, il est un peu comme elle ça, lui. Difool, ouais, il s'arrête à toutes les pompes. T'es un relou. J'aime bien aller dans les stations service. J'aime bien, il y a des trucs à boire. Moi, je prends pas les couilles des stations-service, je vais arriver le plus vite possible sur le lieu de vacances. Non, mais des trucs à boire, des trucs à manger. Oui, non, mais d'accord, mais tu t'arrêtes une fois. Difool, je me suis là, j'ai fait de la route avec lui, mais on a. Tu sais, je disais rien, mais. Tu n'arrêtais pas de s'arrêter. J'étais là, putain, ça rend fou. C'était combien de fois? Une pause toutes les deux heures, c'est écrit sur les panneaux. La pause s'impose. Non, mais pas toutes les deux heures. Toutes les deux heures, la pause s'impose. C'est ça, c'est le truc. Ouais, parce que Difool, c'est ça, genre, on va bouffer un sandwich. On redémarre, il fait ah, je boirais bien un café. Ouais, mais ah ouais. La vieille. Ouais, tu peux pas le faire en même temps. Après, je mangerais bien un truc sucré. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui. Alors, bah, prends tout d'un coup, il me fait pas chier. J'ai envie de faire pipi. Faut profiter de la vie un peu. Alors, dans les stations service. C'est que je m'arrête jamais, quasiment jamais. Pareil que toi. Non, j'étais un truc à manger. Bah, par exemple, tu vois, là, quand j'étais en Italie, j'ai fait Sainte-Maxime Livourne. Bloc. Je me suis arrêté une fois pour acheter un sandwich. Ah, bah, tu vois aussi, tu t'arrêtes. Une fois. Il y a combien d'heures de route? Bah, genre 6 heures. 5-6 heures. Ah ouais. Ah oui. Bah, c'est pas bien, t'as pas respecté toutes les deux heures. Non, mais la pause s'impose. Non, mais par exemple, des fois, je fais Paris-Sainte-Maxime, 900 bornes, je m'arrête pas. Ah ouais. Ou une fois pour pisser, mais limite, je t'amène pas le moteur. Si vous nous écoutez dans les stations service, c'est pas avec lui que vous faites de la thune. Hein. Ah non, et puis il y a trop, tu sais, genre les grands départs, il y a trop de monde, ça me saoule, les gamins qui hurlent, les beaufs qui désengueulent. Ah ouais, ça c'est. Non, ça peut être marrant parfois, ça me détend. Ouais, mais des fois, ça te casse la tête, ils s'engueulent. Genre une fois, j'avais été au McDo, tu sais, sur une aire d'autoroute, et la famille avant, mais genre ils étaient quatre enfants, mais ils ont commencé à s'embrouiller avec les parents parce que là tu prends trop de trucs. Ouais. Non mais s'il te plaît maman. Après, non, tu prends trop de trucs. Ça c'est rigolo sauf si t'es derrière eux dans la queue. Ouais c'est ça. Là t'as envie de les tuer là. Ah, ouais, j'ai envie de taper dans le dos, je veux dire il y a du monde derrière. Vous savez que vous n'êtes pas tout seul. Bon on te fait une bise Émilie, attention à Bleu Blacard. Hein. Ah ouais, c'est bien. Bisous à tous. Salut Émilie. Moi je vous l'adore. Eh ben c'est gentil comme tout. Bisous Émilie. On t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison là. D'accord, merci. Ciao Émilie. Pamela arrive dans un instant, les pervers aussi, on les fait tard ce soir, mais c'est pas grave. Pamela, t'as une demi-heure, même plus que ça là. Jusqu'à la fin de l'émission pour arriver à trouver un mec et arriver à le serrer pour ce week-end. Ah bah viens, y a pas de problème, moi je viens pas pour rien. On te les présente dans un instant. Je vais pas pour enfiler des perles. Et j'ai les résultats du clash de la drague à vous donner. Allez vous faire. Ah. Je vous les donne tout de suite. Non. Vas-y, envoie. Ah si, regarde, on fait une demi-heure. Envoie mon cochon. Allez, ouais. Qui a gagné? Ça va me niquer mes statistiques cette histoire. Ah bah ça je te le dis, oui. Les statistiques de Romano vont être niquées. Il a pour l'instant 100% de victoire depuis notre retour fin du mois d'août. Putain. 100% de victoire contre Cédric, contre Samy, contre Karim. Il a joué aussi contre... C'était qui l'auditeur? Comment il s'appelait l'auditeur qui a joué avec nous? Ah putain, je sais plus. Ouais. Il était marrant, il faudrait le reprendre. Donc t'as gagné tout. Et est-ce que tu as gagné ce soir? Ah mais ce soir, j'étais pas dedans là. T'as vu les messages? T'as vu tout ça, non? Oui, bah il y avait quand même des votes pour moi. Ça oui. Il y en avait, ouais. Il y en avait précisément... Préciser. Ah ouais, c'est tout. C'est dingue ça. Moins que Marie et Karim, puisque Marie et Karim gagnent le clash. Yeah ouais, je dirais plutôt c'est Karim tout seul, quoi. Ouais, moi aussi, mais bon, elle est dans ma team quand même. J'ai aboyé. Non, mais t'as rien fait. J'ai aboyé, si, elle a aboyé, gros. Il faut être réaliste, t'as servi à rien sur les appels. Si, ouf, ouf. Même sur l'appel au vote, Karim il disait que lui. Si t'es bien. Écoute, il a bien joué, il avait le boulet, il m'a foutu comme il pouvait. Hein. Combien t'as gagné Non, mais j'ai perdu. Ah oui, pardon. De con. T'aimerais faire combien? Bah, je sais pas, j'aimerais faire le score que j'ai, puis voilà. Non, mais le score que t'as, je vais te le donner, mais t'es dans l'absolu. Sachant que t'as perdu. Ce qui me vénère, c'est que ça me nique mes stats, quoi. Bah, je sais pas. 40. Oh, bah écoute, t'es pas loin, Romano. 35% pour Romano. Allez! Je t'ai baisé, ma. Non, ce qui me vénère, c'est que tu te cailles gueule, Marie, alors que t'as rien. Ah bah si, c'est la team. T'as servi à rien sur la team. C'est la team. Ouais. Attends. Bravo, Karim. Tout le monde a voté pour Karim et Marie, je te signale. Mais oui, Marie. Non, non, attends, Marie. Excuse-moi de te. Regarde les votes, tu vas te faire du mal. C'était que Karim. Ah non, non, je t'assure. J'ai vu. Victoire de Karim et Marie. Alors, Romano, ça me fait chier. Pour te rassurer, si tu divises 65 par 2, t'arrives à 32,5. Ah bah, je suis devant. Ah bah, t'es devant, hein. Bah ouais, c'est bon. Ah, tu peux te consoler comme ça. Ah, il fallait bien que. Putain, il fallait bien que ce tu te soir, je t'ai baisé. Je t'ai baisé. Non, mais baisé, bravo, baisé. Bravo. Tu restes fidèle au patio. Je t'ai baisé au clash de la drague. Arrête. Je t'ai baisé au clash de la drague. Victoire, donc. Putain, fais chier. Tu repars sans la coupe ce week-end, son premier week-end sans coupe. Mais lundi, ça. Ah bah, lundi, attends un autre jour. Exactement. On va écouter Maria Maria du Keto Phénomène. Putain, fait yesh, quoi. Avec Jules. Tiens, ça va te faire du bien. T'aimes bien ça, Romano, Maria Maria, là. Ouais, bah ouais. Bah ouais, moi aussi. Ah non, mais je cherche à te mettre bien quand même. Non, non, mais ça va, je vais en remettre, ça fait juste chier, mais bon. Keto Phénomène et Jules, du PNL aussi à écouter avant minuit. Et les pervers de Pamela qui arrivent et les coups de fil de Pamela. Et vous en direct, hein, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages. 41-759 sur l'appli Skyrock. Et au 01-53-40-30-20 pour nous passer un coup de fil. C'est Radio Libre, sans pub depuis plus d'une heure, c'est cool. Tu le sais qu'on connaît, oh. On connaît. Fais pas les donner, oh. La maman maille, ouais, il m'en faut. Tu le sais qu'on connaît, oh. On connaît. Je reste fidèle au barrio. Je reste fidèle au barrio. Ils ont mis l'œil sur ma galio. Ils ont mis l'œil sur ma galio. Je t'ai rien fait, tu me salio. Je t'ai rien fait, tu me salio. Oh Maria, Maria. Qu'est-ce que t'as pour varier? Oh Maria, Maria. Qu'est-ce que t'as pour varier? Je trace mon chemin. Je ne pense pas à demain. T'es tout le temps là à te plaindre. T'es comme moi, t'as deux jambes et deux mains. Qui t'a fait ça, je peux pas dire. T'inquiète, pour toi, tu verras pire. Je sais même plus ce que toi faire. Mais je sais que tant demain, je peux partir. Je sortais de la songe, cabré dans la zone toute la journée. Je voyais les clients taper sur la vitre, le visage mouné. Je connais la galère, frapper des templates tout le temps pour qui. Espèce d'abruti, parle pas mal de la bouche, on va sortir l'outil. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Fais pas les donner, oh, de la maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît, oh. On connaît. Fais pas les donner, oh, de la maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît, oh. On connaît. Je reste fidèle au barrio. Phénomène, ouais c'est nous, ouais c'est nous. Qui a révolutionné le game en envoyant des sons que t'aimes chez nous. Ben ouais c'est nous. Oh Maria, désolé, je m'en ai à mon Mario. Oh oui, j'en ai mort, on me l'a trouvé tellement j'en perds mes mots. J'ai fait le tour, le détour, pourtant je tourne en rond. Derrière le bonheur, je cours pour un rêve. Je reste fidèle au Paris. Un banquier dans un parking. Mais tu sais que la retour, pour nous c'est la routine. Un aller sans retour sur le 47 à Poutine. Et je patine. Du mal à vivre à 200. Et je taquine. Tu finiras par prendre ma leçon. Oui, leçon. Comme Jules, on est fait d'or et platine. Innocent, coupable, mes frères, on a marre des gants. Fais pas les donner, de la maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Connaît, oh. On connaît. Je reste fidèle au barrio. Ghetto Phénomène, super ça, hein, c'est Ghetto Phénomène et Joule, moi j'aime bien. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et PNL, vous aimez? Ben nous aussi. PNL à écouter tout à l'heure sur Skyrock. Ce sera le prochain son de l'émission. Dans moins d'une demi-heure, on écoutera PNL et on se fera. Bah, je suis QLF, puis on s'est mis l'autre tout à l'heure. Et on a démarré avec PNL, on terminera avec PNL. On aura aussi 10 heures à vous filer. Pour la dernière fois, vous gagnez votre abonnement 10 heures. 10 heures Premium Plus. Skyrock est la première radio sur 10 heures. On a débarqué sur 10 heures et on vous offre un an de 10 heures, c'est-à-dire les sons en illimité que pendant un an comme vous voulez. En plus, vous pouvez les stocker, donc vous les gardez après. Hein. Ah oui, oui. Petit tuyau, un petit conseil pas cher que je vous donne là, comme ça. Là. Prenez, prenez. Donc 10 heures à choper, ce sera dans moins d'une demi-heure. Et demain, tiens, on écoutait Joule. Les places de concert à gagner pour Joule. Soyez sur Skyrock dès demain, 6 heures. La ça peut tomber. La toute première tournée. C'est le tout premier grand concert. Ouais, avec Sky et à gagner, évidemment, sur Skyrock. Joule à choper, ce sera pour vous. Il y en a déjà qui étaient chauds tout à l'heure. J'ai vu les messages que vous nous avez laissés. C'est chaud. Et il y a Eliem qui passe dans la nocturne de Planète Rap tout à l'heure. Hein. Ouais. Il y a Bisounours qui dit à quelle heure il vient, Eliem. Bisounours, 16 ans. Et il sera là dans la nocturne, bah, juste après nous, à minuit, hein, minuit, minuit 5, minuit 10. Tu peux rappeler les résultats du clash? Quand on finit l'émission. Tu peux arrêter d'être lourd. Alors. Attends, faut quand même le rappeler. On a une émission à faire, nous, alors, tu vois. Il y a Pamela qui arrive. Il a raison. On s'en bat les couilles des résultats. Ils sont enculés, l'autre abruti. 65 pour Karim. Il est aussi con que Cédric. 35 pour Romano. Non, toi, Karim a fait 32,5, Marie a fait 32,5 et j'ai fait 35. Voilà, ouais, c'est ça. Et comme ils étaient ensemble, Romano, tu sais. Ah non, mais c'était pas ensemble. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait Karim sur les appels. Ils se partagent. Non, Marie a fait waf waf. Je suis bon, man. Exactement. Waf waf, je suis chaude, elle a dit Marie tout à l'heure. J'allais venir avec moi. À ce moment-là, l'appel s'est gâté. Arrête de faire le mauvais joueur, Romano, on te dit c'est règle là. Ah non, bah oui, bah je suis mauvais joueur, bah je le reconnais. Mort. T'as raison, gros. Bon, en même temps, moi, tu sais, les gens qui disent ouais, je m'en fous de perdre, pour moi, c'est des losers. Ouais, c'est vrai que quand tu joues, c'est pour quand gagner. Tu, ouais. Bah, non, mais quand tu. Tu sais, moi, personne. Tu joues pour gagner. Bah oui, ah, bah non, mais c'est vrai. Ça sert à quoi de jouer pour perdre? Moi aussi, j'aime pas perdre. Ouais, c'est, ah, mais sûr, moi, c'est relou, hein. J'aimerais pas être à ta place, Romano, ce soir. Ah, moi aussi, ouais. Ça va, je les ai tous baisés par un, par deux, par trois, en groupe, je les ai tous baisés. Oui, donc tu peux perdre de temps en temps. Sauf ce soir. On fait une photo ensemble avec la coupe? Si tu veux. Vas-y. Tiens, un petit message, c'est bon de l'entendre rager le chauve, nous dit Loïc. Ah ouais, non, mais de toute façon, moi, je suis un rageur. Hein. Non, mais je l'avoue. Ah, bah, non, mais je suis un rageux même aussi. Ah, je l'avoue. Bon, alors. On retrouve les pervers de Pamela. Bah, ça fait bien depuis 2h30 que je vous les promets. Les pervers de Pamela, ils sont là. Ça commence à bien faire. Alors, ma chérie, comment vas-tu? Mais ça va, tu vas pas me demander 10 fois de la soirée. Moi, ce que je veux, c'est de la queue. Non, mais c'était pour savoir comment tu allais après le clash de Romano qu'il a perdu. Ah, j'ai pas écouté. C'est quand même ça. Un événement. Je t'ai pas écouté. Pourquoi t'as pas écouté? J'étais aux toilettes. D'accord. Ah ouais. C'est dingue, c'est la première fois que t'écoutes pas un clash depuis le début de l'année. Je m'intéresse plus. D'accord, ben Romano a perdu, hein. Je te dis que Pamela, puis ça va écouter. Je t'entends plus là non plus. Ah, t'as des problèmes de... Bon, ben écoute, si c'est ça, moi je vais me barrer. Mais non, avant minuit, il faut trouver un pervers, c'est le défi de Pamela du vendredi mais soir. Il faut m'en appeler. Bon, il faut déjà les découvrir. Écoutez bien, voici les pervers de la semaine. Ceux qui ont laissé des messages sur les répondeurs de. Enfin, sur le répondeur de Pamela, on l'a mise à peu près sur tous les réseaux, elle est partout, elle traîne partout. Oui. Elle est blonde. Ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Elle travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Ah ouais, puis alors là, ils vont être sensuels parce qu'en général, ils sont sensuels, nos pervers. Mais toujours. Voici tout de suite le premier pervers qui s'appelle Jean-Michel. Écoutez bien, vous nous dites comment vous les trouvez, vous laissez vos réactions en direct, hein, sur le, l'appli, sur le 41759, tout ça. Allez, vas-y. Vas-y Jean-Mich. Ah, déjà l'autre. Déjà l'autre. Ouvre son message en poussant un soupir. Voilà, et deux secondes après, il se va parler. Le voici donc, Jean-Michel. Jean-Michel pour une rencontre au 04-77-69-09. Ah, elle recommence. Il y a un problème à la bouche, non? Jean-Michel pour une rencontre. Oui, non, mais c'est bon. Le mec, lui, il a l'air doué. Lui, ouais, il est bon, là. Lui, c'est un champion. Lui, il maîtrise le téléphone, je crois. S'il baise aussi bien qu'il maîtrise le téléphone, ça doit être le pire. Ah, Jean-Michel, à la voix. Ah, ouais. L'autre, il a été reparti pour la faire une deuxième fois. C'est bon. Jean-Michel. On dirait les narcoleptiques qui s'endort d'un coup. C'est Jean-Michel. C'est lui. Jean-Michel. Jean-Michel pour une rencontre au 04-77-69-09. Ah, attendez. Jean-Michel. Il ronfle ou il se branle? Jean-Michel. Les deux. Ouais, non, il se branle. Jean-Michel. Ah, tu as l'antenne, Jean-Michel. Monsieur. Ah. Jean-Michel Prunac. Et là, il était parti. Non, en plus, il est con parce que le message, tu peux le réécouter. Tu sais, le mec, il ne sait pas faire. Ouais. Lui, il l'a laissé tel quel. Elle ne comprend rien. Il ne sait pas faire. Jean-Michel, il est bien, lui. Ouais, il a une belle voix. J'espère qu'il va être joignable. Déjà, je peux te dire, tu vois, quand c'est vraiment des mecs qui captent rien, c'est les seuls qui ont des numéros de fixe. Et lui, tu captes, c'est un fixe. Ah, bah, c'est bien, moi. Il n'a même pas de portable, le mec. C'est même pas comment. Espérons qu'il soit chez lui. Ouais. Attends, 0477, ouais. C'est chez moi ça? Ah, oh putain! Enfin, chez moi, c'est pas mes parents, hein! C'est pas loin, quoi! Ah, j'ai eu peur! C'est chez moi, c'est merde, c'est le numéro de ma maison! Attends, mais c'est chez moi, ça! Ah, mais c'est du côté de Saint-Etienne! Ah, bah, c'est un Stéphanois, dites donc! T'es un chameau! T'es fier! Ah, bah, grave! Ah oui, attends! Ils ont l'air bien, les mecs, de chez toi, dis donc! Assez équilibré, oui! Il est pas mal! Jean-Michel, et puis très belle voix! Ah ouais! Bon, après Jean-Michel, on a Farid! Farid, 1m73, 130 kilos, 43 ans, cherche femme, 45, 60 ans, bonne suceuse, soumise, qui adore astiquer le manche, et 06, 15, 02, pour en savoir plus. Ouais. Oh, quelle sensualité également. Ah, magnifique. Ouais, qui adore astiquer le manche. Tu vas astiquer le manche? Ouais, je cherche une femme. Si t'astiques le manche, je suis preneur. Il fait combien de kilos, il a dit? Et une bonne suceuse, 130 kilos. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est une belle bête, ouais. Ah bah... Le mec, il déglingue Pamela, je pense. Ah ouais, lui, il te casse ah les pas. Laisse tomber. Alors, Pamela. Il est fort. Il est 130 kilos à prendre. Mais il aime pas ça? Ah ouais, mais il faut pas qu'il se mette sur moi. On fera une levrette avec lui. Ah ouais. Pourquoi? Mais il m'écrase, 130 kilos. Je me porte... désingue, ou tu te mets dessus. Casse les pattes. Oui, aussi, oui. Qu'est-ce que tu fais? Astiquer le manche, ça te branche ou pas? Ah bah j'adore. Lustré du manche, je suis professionnel. Ouais. Non, c'est joli, ça. Farid, on prend. Allez, on prend. Alors. Suivant. Écoutez bien lui. Bonjour, si tu as 50, 60 ans et plus, et que tu es seul, tu n'as pas de femme ou ta femme ne te suit pas, je te propose de prêter ma bouche. J'adore ça, n'hésite pas, je suis au 06, 72 ans. Bien entendu, je suis discrète, il n'y a aucun souci. Même si tu prends de mou, tu peux venir, je te laisse. Mais Pamela, il s'est trompé, il a cru que t'étais un travesti. Mais oui, alors là, il s'est trompé de réseau. Je suis quand même extrêmement choqué alors que je suis une femme. Alors, appelle-le. Allez, eh ben, je vais m'occuper de son cas, lui. Il me prend pour qui? Non mais dis donc. Il me prend pour qui? Ah putain, elle est vénère, ça y est. Il va se faire engueuler. Comment il s'appelle ce con? Il s'appelle pas. Il s'appelle pas. C'est moche comme. Non mais il s'appelle pas, il a pas de prénom. Il est sur répondeur. Ah dommage. Ah, ah fait chier. T'aurais pu lui expliquer que tu étais une vraie femme. C'est ça. Évidemment avec une belle petite chatte. Près de sa bouche. C'est gentil. Ouais. Gentil. Ouais, voilà. C'est super, ouais. Mettez-moi le numéro de côté. Oh Cédric, dis donc. Coquin. Salut les filles. Bon, lui pas joignable. Un autre. Bonsoir mes amis, je suis sur mon lit en train de me caresser lentement. J'attends l'appel d'une femme chaude et gouailleuse au 06 71 86. Ah lui, il veut se faire regarder en train de se branler, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça, ouais, il est en train de se branler sur son lit. Il faudrait que tu viennes le voir pour. Bah écoute, y a pas de problème, quel beau spectacle. Jeune des voyages. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir de spectacle. Bah c'est vrai, c'est une bonne idée, c'est mieux que le ciné. Ah bah c'est bien, hein, franchement. C'est du ciné. Olfactif, en rire et tout. Ah, bah, ouais, ouais. Ça va sentir la bite dans la piole. T'imagines, tu rentres dans une piole, ça sent la bite. Oh! J'adore. Ah, Marie. Ah, ça m'excite. Ah ouais. Non. Bon, t'as qu'à venir dans ma chambre. Oui, non, ça va aller, merci. Ouais, ça sent plus le caca, je crois. Sans façon. Oui, c'est temps-ci, oui. On a Fred. C'est peut-être vous. Ah, celle que j'imagine en me masturbant. Oui. 01 83 89. Lui, on y a droit toutes les semaines. Ouais, c'est dingue. Faut qu'il arrête de laisser les messages. Ouais, lui, putain, il est un peu chiant, lui. Non, force. Mais lui, ça fait, attendez, ça fait plus d'un an, ça fait un an, voire deux ans, que chaque fois, toutes les semaines, on l'a. Mais je crois qu'en plus, on l'a jamais eu en ligne. Non, et c'est toujours les mêmes messages. Ouais. C'est peut-être vous. Ouais, non, mais le mec, je me demande s'il a pas un problème de téléphone, parce qu'en fait. Le mec, ça fait deux ans, il se trompe de numéro. Ah ouais, ouais, mais ouais, parce que à chaque fois qu'on essaye d'appeler, il est jamais joignable, le mec. T'imagines le con, il appelle toutes les semaines et il se trompe de numéro. Ouais, mais je sais pas, il y a un problème. C'est peut-être vous. Oui, c'est peut-être vous. Bon, on en a, allez, encore un dernier. 06-34-04, homme 60 ans, hébergerait femme à l'hôtel, voilà. Du côté de Villeneuve-le-Roi. Ah bah écoutez, si vous êtes à Villeneuve-le-Roi, les filles, vous êtes où aller ce week-end? Une petite galère de logement, ouais, c'est ça, ouais. Petite galère, vous allez chez monsieur 60 ans, là. Il héberge. Il te baisse à l'hôtel, t'es contente. C'est ça. Et pour finir. Bonsoir. Bonsoir. Un très bon métis, 1m83, 75 kilos, très fin, assez musclé. Cherche transsexuel pour passer des soirées coquines. On dirait soprano quand il fait des imitations. C'est vrai. Soprano peut-être. C'est vrai. Soprano. Dis donc, t'as entendu 1m83 et 75 kilos. Hein, et voilà. Et voilà. Et c'est vrai, dis donc, Romano, bien vu. Il va être content, Sopra, s'il nous écoute. Sopra, écoute. Bonsoir. Très bien. Oui, parce que sa voix, quoi, il nous appelle. 1m83, 75 kilos, très fin, assez musclé. Cherche transsexuel pour passer des soirées coquines. Mon numéro de téléphone est le 06. Pamela, t'es pas transsexuel. Faut le préciser à tout le monde quand même. Oui, je suis une femme. Une femme, une vraie. Ben oui, complètement vraie. Ah ouais. Ben vous le savez, hein. Ah bon, bah oui. Alors on les teste là maintenant. Bon, ceux qu'on a appelés. Vas-y, envoyez-moi qui vous voulez. Et sinon, t'es en train de draguer également sur divers sites là, en live. Ouais, ouais, quoi, on drague pour moi. Ah ouais? T'as des esclaves. Des esclaves sexuels. Pamela, des esclaves sexuels. Tu as choisi qui comme esclave sexuel dans l'équipe? Romain des réseaux sociaux. Oh là là là là. Je lui pince les tétons. Ça promet. Et il aime bien ça. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, ouais. Je lui tords la bite. Et les pieds. J'aime bien, ouais. T'aimes bien ça aussi quand on tord la bite. Faire tordre les pieds. Tu sais, genre, je t'ai sors la bite comme j'ai sorti un t-shirt. Bonjour. Ah merde. Vous êtes sur la messagerie. Excuse-moi, j'ai cru qu'il avait décroché. Tu étais donc à t-shirt. Je t'ai sors la bite comme un t-shirt. Comme ça. Tu mets les doigts dans la bouche, il est content. Biatch. Alors, esclave, où en est-on? Où en est-on? Vas-y, je t'en rappelle un. Il y a Jackie normalement. Il y a Jackie normalement. Alors, on appelle Jackie, c'est bien. Donc, Jackie pour Pamela. Taisez-vous, hein. Pas si décroché. Faudrait aller sur des chats, mais un peu de vieux, tu vois. Pourquoi tu veux des vieux? Jackie a 45 ans. Ouais, bah il est pas vieux. Tu vas avec ses 10 foules. Ah, il te répond pas, Jackie. Tu vois, il veut pas te parler là. Qu'est-ce qu'il fait, ce con, hein? Bon, lui, il a laissé ses numéros. Il chauffe les mieux, toi. Ouais, faut les chauffer, mais chaud, chaud, vas-y. Bon, un autre, t'as qui? Dis-lui que t'appelles en masqué, parce qu'il y a des mecs qui doivent être un peu parano là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que nous, on appelle en masqué, ouais. Vas-y, appelle Samina. Hop là. Attends, c'est bon, on est en train de recontacter Jackie là. Il a quelle gueule, Jackie? Vous avez la photo de Jackie? Non, il a pas mis sa gueule. C'est mauvais signe. Ouais, en général, quand ils mettent pas leur gueule, c'est vrai, c'est mauvais signe. Pas faux. 06. Ah, putain, merde. 50, 72. Attends, hop, le numéro, le coup. Allô? Allô? Jackie? Allô, monsieur? C'est Pamela à l'appareil, est-ce que tu m'entends? Réponds, s'il te plaît, enculé. Parce que je vais me vénère et je vais te monter en l'air. Enculé de tes morts. Je vais te gonfler, mec. Parle ici, t'as un homme. Eh, Pamela, t'es une pleine caïra, dis donc. Hein. Je suis une caïra, moi. Non, mais l'autre, il est en ligne, là. Mais il parle pas, parce que c'est une baltringue. Il parle, bon, je raccroche. Non, mais même là, il parle pas, tu vois. Bon, vas-y, bah, rappelle-en un autre. Jackie, s'en est où, toi? Alors, on en est. Un esclave sexuel. Il répond plus, Jackie. Ah, le con. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil. C'est Marc? Allô? Oui, Marc? Mais tu vas répondre, oui, ou pas? Tu es Marc ou pas? Oui ou merde? Moi, je m'appelle Marco. Mais... Marco? Ouais, mais il n'y a pas de problème. Je t'appelle Marco. Moi, c'est Pamela, enchanté. Ah oui? Enchanté, ouais. Oui. Ouais, et je t'appelais pour le petit message que j'ai entendu sur le réseau. C'est toi qui recherches une femme très très forte? Oui. Oui, eh ben, ça tombe bien. Pourquoi? C'est pour... Ouais, j'appelle pour l'annonce, c'est moi que j'ai entendu, hein. Ah. Je suis très très forte et je me dis que avec toi, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Ouais. Tu recherches quoi? Une histoire ou que du sexe, toi? Tu peux être franc avec moi, hein, n'hésite pas. Hein. Ouais, mais parce que là, je suis avec quelqu'un, c'est pour ça que je peux pas trop parler. Ah, t'es avec ta femme? Non, quelqu'un, mais je peux pas. Sinon, donne-moi ton numéro, je te rappelle. Ah, je peux pas, là, parce que moi, je t'explique, en fait, je fais 180 kilos pour 2m10. Ouais. Sinon, t'as pas un numéro ou... Non, j'ai pas de numéro, non. Mais écoute. Ouais, mais tu es avec sa femme, ce con. Je suis avec quelqu'un, allez. Quelqu'un, c'est sa femme, oui. Ouais, je suis avec quelqu'un. Il y en a un petit autre. Ouais, combien tu fais? 2m10. Ouais. Oui, je suis très grande. Je travaille dans la mode. Et combien de kilos? 150. 180 ou 150, je me souviens plus. Je crois que c'est 180. Bah, j'y m'écris, je ne fais plus que 150. Bravo, Pamela, félicitations. Une rugbyman. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, allô? Ça va? Oui. Ouais, ça va? Oui, toi? C'est toi, Miroute? Oui, c'est moi, oui. Ouais, t'as quel âge, toi? 34 ans. 34 ans, et t'es d'où? Je suis de Paris. Ouais, Paris, moi aussi, hein, tranquille, hein, moi je suis Pamela. Ouais, ben enchanté. J'ai 28 ans, je travaille dans la mode, je suis modéliste. Ah bon? Sympa. Ouais, bon, c'est très sympa comme boulot. Là, je suis à Paris en ce moment pour la Fashion Week. Ah oui, sympa, ouais. T'as reçu ma photo, là? Ouais, ouais. Ça va, je te plais? Ouais, ouais, très bien. Ouais, ouais, ouais. Bon, de, ouais, non, ouais. Là, bon, c'est une photo qui date un peu, parce que maintenant, je suis blonde et brune. Blonde et brune, c'est-à-dire? Bah, blonde et brune. Un peu les deux? Non, d'un côté blonde et de l'autre côté brune. Ah bon? Ouais, parce que je faisais un défilé à New York pour la Fashion Week. Ouais. Et puis, on m'avait demandé pour la robe de mettre ça, quoi. Ah oui, d'accord. Mm-hmm. Sympa. Ouais, j'ai dessiné, ouais. J'ai dessiné des défilés. Ça va, ouais. Et toi, tu recherches quoi, toi? Bon, là, pour l'instant, passer le temps, après, à me détendre. Après, ouais, quoi, ça, c'est en fonction, quoi. Ouais, un peu de sexe, quoi. Pas forcément, ça dépend, ça dépend. Oh, bah, quand même. Pas forcément, ça dépend, ça dépend. Toi, t'aimes quoi dans la vie, toi? Bah, un peu tout, quoi. Un peu tout. Ouais, mais t'as un truc qui te fait... qui te fait kiffer. Pff, ouais, voir mes amis, c'est sympa, non? Ouais, mais t'as pas une passion, un truc? Ouais, j'aime bien la musique, c'est sympa, quoi. T'écoutes quoi, t'as comme son, toi? J'aimerais bien savoir. Un peu de tout, surtout pop, tu vois, sympa, Radiohead, des trucs comme ça. Radiohead, ouais. Ouais, t'écoutes quoi, toi? Ouais, Radiohead aussi. Ouais. Ouais, ouais. Bon, eh bien. Ouais, j'adore. Et du coup, t'as du monde au téléphone? Pff, non, du monde au téléphone, comment ça, sur le réseau, tu veux dire? Oui. Ouais, ouais, de temps en temps, hein. J'ai déjà eu une ou deux histoires où on a bien fait l'amour, c'était sympa. Ouais. Et là, ce soir, c'est comment? C'est calme? Bah écoute, ce soir, là, c'est toi, j'avais envie de t'appeler toi, donc je me suis dit, je vais m'arrêter à toi. Oh, bah c'est gentil, mais t'as appelé personne avant? Non, non, là, pas ce soir, en tout cas. Ah bon? Oh, bah non, je suis privilégié, alors. Ah bah, t'es VIP. T'es complètement VIP. Doute. Excuse-moi, j'ai des pertes de mémoire. C'est quoi ton prénom, déjà? Hein? Bah, je te l'ai pas donné, ah, c'est bah, Romain. Ah voilà, c'est pour ça, Romain. Merde, tu t'appelles Romain? Ouais. Ah ouais? Ah, j'en connais des Romains, c'est des cochons, hein. Ah bon? T'as des cheveux? Encore heureux, oui. Non, mais bon, tu sais, moi je connais un Romain, il est chauve. Pauvre. Ah bah c'est dommage, ça arrive à d'autres, hein. Ouais, ouais. T'aimes bien te faire passer les tétons? Ça dépend des jours. Ah ouais. T'aimes bien quoi, toi, dans le sexe? Bah, rien de spé, hein. Allô? Ah merde, c'est barré. Oh, il est parti comme un lâche. Ouais, quoi. Pourquoi il est parti? Vous avez vu comme un lâche, il est parti. Pourquoi il est parti? Ah, mais lui, il a une vie de merde, il aime rien, le mec. Non, il aime rien. T'as une passion, ouais, un peu de tout. La musique, t'écoutes quoi? Bon, un peu de tout. Sinon, le sexe. Un groupe Radiohead. Ouais, bon. Ça va, Radiohead? Oui, ça va, ouais. Oui, mais un. Ouais, un seul, ouais. Oui, un seul. Ah, bah, c'est reparti, c'est qui? Bon, on enchaîne. Ah, bah, si vous voulez, allez-y. Il s'appelle Hey Hey. Ah, oui, c'est vrai qu'avant minuit, il faut que tu serres, Pamela. Attention, hein. Pour l'instant, ça a pas serré, dis donc. Allô? Hey, hey. Allô? Hey, hey. Tu es hey, hey? Pardon? Je t'entends mal, prends ton téléphone. Parce que t'es en train de me vénère, toi, je vais te monter en l'air. Tu m'entends? Non, toujours aussi mal. Qu'est-ce que tu fais, abruti? Je t'entends vraiment trop mal. Ouais, mais oui. Non, mais c'est ton téléphone, ça doit être de la merde. Il faudrait que tu règles ton téléphone parce que t'es en train de me pomper l'air sérieux, là. Tu sais que tu me vénères grave. Ouais, mais t'es complètement con, hein. Parle mieux dans ton téléphone, là. Mani galère. Enculé, enculé, je vais te donner du hard, toi. Voilà. C'est quoi ce mec? Non, bah, il a fait à l'envers. Il a un téléphone pourri. Bah, il peut pas se mettre à... Non, mais c'est pas le téléphone, c'est le mec qui peut se mettre à un endroit où ça capte. Vas-y, rappelle-le, on sait jamais. Et après, on en a. Mais vous en avez encore prévu 3 derrière. Ouais, il y en a plein. Et, putain, mais Pamela, mais tu fais un carton. Et ça, c'est ceux qu'on chope en live sur les réseaux en plus. Ouais. C'est Romain, mon esclave. Ah ouais, des c'est ça. Oui. Allô? Oui. Oui. C'est le même. Tu peux parler dans ton téléphone? Parce oui, que tu sais que je suis. Ah, c'est quoi ton prénom? Hey, hey. Adolphe, c'est sympa. C'est sympa. C'est joli comme prénom. Ah ben je dis. Voilà, Adolphe. Bien, nous avons eu Adolphe. C'est Adolphe. Oui, il s'appelle Adolphe. On en parlait hier en plus. Ouais. C'est vrai, on se disait, bon, ouais, des Adolphes, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Eh ben, ah bah, elle en a de la chance. Pamela, elle tombe sur qui? Putain, on est gâtés, quoi. Hein, elle tombe sur Adolphe. Non, non, c'est bon, on va appeler un autre. Vas-y, vas-y. Attends, c'est le même, là. Ah, c'est le même, vas-y, fais un autre. Alors. Alors? Bah, je sais pas quoi. Hop là, fais-en un autre. C'est qui lui? Sinon, appelle voir Didier JF, là, ça fait un moment qu'on l'a pas appelé lui. C'est vrai. Et c'est une bonne idée, il te manque. Ah oui. Ah bah ça m'étonne pas. Oh yeah. C'est Périscope. Ouais. Faut une perruque, c'est ce que... Allô. Bonjour, vous êtes bien chez monsieur Monsieur Caca. Mettre votre message et vos coordonnées. C'est un homme, hein. Je vous rappellerai non, c'est un homme. Dès possible. Merci. Dès possible, dès que possible. Dans mon... Non, il a oublié. J'ai oublié le mot que. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Allô, salut. Bah, je vois qu'on a à peu près la même voix, on est fait pour s'entendre. Écoute, beau mal, j'essaye de te rappeler prochainement, c'est Pamela qui t'embrasse. Oh. Oh. Allô? Oui, comment vas-tu? Eh ben, ça va et toi? Moi, je vais très bien. C'est Jackie? Oui, et toi? Ben, moi, c'est Pamela. Enchanté. Pareil, moi. Ouais, t'es d'où, toi? Moi, je suis de La Réunion, et toi? T'es de La Région, mais de La Région. La Réunion? Mmh. Mais t'es à La Réunion, là? Non, je suis en métropole. Ah, d'accord, parce que moi, je suis sur Paris, là. Je sais. Voilà, et toi, tu recherches du sexe? Oui, et toi? Que du sexe. Mmh. Je suis de passage à Paris, là, quelques jours, et j'ai envie de m'envoyer en l'air. Et t'es où, à Paris? Je suis dans le deuxième arrondissement, vers les Halles. T'es à l'hôtel, ou... Ouais, non, j'ai un petit appartement. J'ai un studio. Ok. Ouais, et toi, t'es où, là? T'es dans ton appartement? Je suis à Montigny-Bretonneux, moi, sur le 18. Ok, ouais. Et là, t'es à poil? Et toi? T'es toute nue? Je suis en culotte. Mmh. Ta chatte, elle est comment? Elle commence à être humide. Je vais me caresser un peu avant de t'appeler. Oh, t'as envie de te caresser? Ouais. Caresse-toi bien. Oh. Mmh, t'es petite salope. Ouais. Vas-y, me casse bien. Oh. Oui, encore. Oh. Oh oui. Et toi, tu te caresses la queue? Ouais, je me caresse la queue. Ah, t'es comment? T'es en slip? Oh, je suis tout nu, là. Ah, t'es à poil sur ton lit? Oh, non, dans mon fauteuil. Ah, dans ton fauteuil en cuir? Okay. Ouais, canapé. J'adore les canapés en cuir. Mmh. Tu as des tétières? Mmh. Ah. Vas-y, continue. Je peux me mettre un doigt? Vas-y, mets-toi une salope. Ah. Vas-y, encore. Ah. Vas-y. Sois cru avec moi. Ouais, vas-y, mets deux doigts, deux doigts. Ah, deux doigts dans la chatte. Oui. Ah. Oh, fonce-la bien. Ah, vas-y, Jackie. Vas-y, encore. Ah, branle-toi, Jackie. Oh, je me branle. Ah. Oh, oui, t'aimes ça. Ah, ouais, j'adore. Mmh. Tu bandes fort, là. Ouais, je bande fort, là, salope. T'as le gland bleu à rose. Ouais. Je peux t'appeler enculé. Oui. Ah, vas-y, enculé, branle-toi. Oui, branle-toi pour toi. Ah, décalote bien. Oui, je calote bien. Ah. Oh. C'est cela bien. Ah, oh. Oui, oh, bien. Oh, oh, oui. Oh, oh, oh. C'est bien. Oh. Oh. Oh, tiens, des petites culottes. Ah, je peux te cracher sur le gland. Vas-y, clenche le dessus. T'as une cam? T'as une cam. Non, j'ai pas de cam, là. Putain. Ah. Vas-y, bien. J'aimerais entendre ta queue, là. Vas-y, fais voir, écoutez ta queue. Vas-y. Allô? Pardon. J'entends rien, là. Ta place sur le téléphone. Mm-hmm. Rien du tout. Ah, je serais à côté de toi, là, tu me ferais quoi? Ah, je vais te défoncer le cul, oui. Remonte le téléphone, je t'entends mal. Il veut te défoncer le cul. Ah, je te défonce le cul. Reprends bien le téléphone, je t'entends mal. Je vais te redéfoncer le cul. Je défoncerai le cul, oui. Ah, tu veux te défoncer le cul? Je peux te mettre des doigts dans le cul pendant que tu te branles. Oui, vas-y, mets. Je te mets des doigts dans le cul et je t'appelle enculé. Ah, t'es une salope. Ah ouais, toi, t'as un enculé. Ouais, je te défonce la chatte, oui. Ah ouais. Ouais. Casse-moi la chatte. Ouais, casse-toi la chatte. Ah. Vas-y, branle-toi fort. Oh, je me branle bien. Ah, vas-y. Vas-y. Vas-y, à fond, je veux t'entendre jouir. C'est bon. Ah, vas-y. Vas-y. Vas-y, Jackie. Vas-y. Vas-y, Jackie. Montre-nous tes fesses. Vas-y, Jackie. Montre-nous.

Diffoul. Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Eh ben tiens, il est pile minuit sur Sky. Merci d'avoir passé cette belle soirée avec nous. C'est pas fini, hein. Pas tout à fait, puisqu'on a, attention, la roulette à faire tourner. La roulette qui va tourner avec 10 heures à gagner. On félicite Pamela pour cette belle prestation. Elle a réussi le pari à 4 minutes de minuit. Hein. Avec Jackie. Pamela et Jackie, c'est le couple de la soirée. Ah, merveilleux. Très sensuel, Jackie. Ah oui. Mais attends, Romano, il y avait un autre couple de ce soir. Karim et Marie, est-ce que tu te rappelles de leur prestation du clash? Non. J'ai trop de mémoire. C'était bien ça. Si, j'ai des pertes de mémoire ce soir. Donc, ils ont gagné le clash. Exactement. Karim, ouais. Tu vas fêter ça, Marie, ce week-end. Ouais, je vais fêter ça. J'ai déjà commencé d'ailleurs. On va fêter ça ensemble, Marie et moi. Allez. Je vais la gibonner ce week-end. Cool. T'as raison. Ouais. Oh, cool, génial. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Parce qu'on en a demandé à Marie. Donc, Marseille. Campagne, toi, c'est Marseille. Marseille, demain, 8h, je descends. Marseille. J'ai regardé, je pensais à la plage. Non, il pleut demain. Il y a un temps de merde demain partout. Mais dimanche, fait trop beau, par contre. Demain, ouais, je crois qu'il y a un peu de temps de merde pour tout le monde. Ouais, je crois, ouais. Pour bien démarrer le week-end. C'est l'automne. Mais dimanche, à Marseille, c'est soleil, 25 degrés. Moi, ça dépend. Tu fais quoi demain, 17h, Diffoul? Parce qu'il y a le match du PSG demain. Ah, t'as vu, Ben Arfa, il est dans le groupe. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ah, Ben Arfa est de retour. Alléluia! Ouais. Donc, si demain à 17h, t'es chez toi, Diffoul, demain, je viendrai chez toi. D'accord. On regardera le match. Squat, quoi. Bon, très bien. Vas-y, sonne. Sonne toujours. Voilà, sonne. Mais attends un peu. C'est 17h, c'est ça. Je réponds pas tout de suite. Ouais, un petit moment. Très bien, Romano. Donc, on se voit demain après-midi. Voilà. Moi, je vais voir Cédric, entre autres. Ouais, moi aussi, j'ai c'est la bonne heure, tiens. Vas-y, à 17h. Très bien, parfait. Bon, demain peut-être, Karim, alors. Hein. Bon, on vous souhaite un bon week-end, en tout cas. J'espère que vous avez plein de trucs à faire ce week-end. Ou alors, tu vois, un week-end à rien branler, c'est pas mal non plus. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est sympa aussi. C'est vrai. Ouais, mais moi, je crois que ça va se terminer comme ça, moi. Bah, oh là il là. Pleut, ouais. Je vais réviser, on nous dit, c'est qui dit ça. Le câble HDMI de la PS4. Ah, moi aussi, un peu, je révise. Tu révises quoi? Bah, mon permis bateau. Bah, ouais, c'est vrai. Ah, oui, Romano a un examen. C'est bientôt. Quand ton code? Un permis bateau. Ah, j'attends la date. Ah, t'as pas la date. C'est j'attends la date de. L'examen. Ouais, de voilà. On a plein d'examens dans l'équipe ces temps-ci. Demain, Cédric fait un examen de son caca encore. Ouais. Toi, c'est un examen du code de la route. Non, de code. Du code de la mer. Le permis côtier, exactement. Ça s'appelle pas le code de la mer. Non, c'est le permis côtier. Très bien. Déménagement pour Chachou, là. Ah, ça, c'est chiant. Bon courage. Ah, putain, ouais. Oh, putain. Titou, lui, va voir Angers OM. On vous a filé des places sur Skyrock Angers. Dimanche à 15h. Ouais, dimanche à 15h, Angers, OM. Bon petit match. Bah, tiens, il y en a qui vont glander ce week-end aussi. Moi, je fais du carrelage, j'ai l'électricité à la maison. Je révise. Tiens, un autre qui révise, Lucas, 17 ans, dans le 92. Salut Lucas, salut le 92. Ah, bah, il faut, hein. Bonne révision pour le week-end. Moi, je vais à la piscine demain avec des potes. On va trop rigoler. Eh bah, écoute, éclate-toi bien. AG, qui laisse le message. Merci, AG. Je vais au ciné. Tiens, dis-nous, qu'est-ce que tu vas voir? Il y a quoi à aller voir au ciné? Il y a des bons films, là. C'est vrai? Jennifer Thompson, elle va au ciné, elle. J'en ai vu. Putain, et Joe, il va travailler tout le week-end. Bon courage, Joe. J'ai vu Infiltrator. Infiltrator, c'est quoi ça? C'est une histoire vraie. C'est avec le mec qui joue dans Breaking Bad. Ouais. Tu sais, le Heisenberg, là, dans les Breaking Bad. Et genre, c'est un mec qui travaille pour le gouvernement et qui infiltre le plus grand cartel de la drogue. C'est pour ça qu'il s'appelle Infiltrator. Infiltrator. Mais c'est une histoire vraie, c'est énorme. Putain. Donc, ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est vraiment bien. Et j'ai vu Comancheria. C'est. C'est l'histoire de quoi déjà, quoi? Moi, je vais voir Vas-y, ramène-moi la cheminée. C'est pas mal, c'est ça. Génial comme film. Ah ouais, c'est un thriller dans le fin fond du Texas et tout, une ambiance un peu glauque et tout, c'est vachement. Moi, c'est un thriller dans le fin fond d'un cul. Ben Foster. T'as pas sur YouPorn? Ouais, c'est un peu pareil. Ouais, c'est bien, dis donc. C'est génial, elle m'a dit c'était un film d'art. Et Radin, il est bien ou pas? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas super ça. Mais moi, j'ai l'impression que toutes les blagues, elles sont dans la bande-annonce. Eh ben, allez voir la bande-annonce. Ouais, c'est pas mal ça. Cher. Comme d'habitude, quoi. En week-end, non, comme d'habitude. En général, t'as les vannes dans la bande-annonce. Bah, mais forcément. Non, mais il y a des films, il y a pas toutes les blagues dans la bande-annonce. Autrement, c'est que le film, il est pourri. Ouais. Bon, en week-end, profitez du soleil. Si t'en trouves, nage. Dimanche, il y aura du soleil. Hein. Moi, c'est la galère complète tout ce week-end. C'est astre. 20 ans d'un pote. Ça, t'as fait une bonne teuf, toi. Ouais, ça va aller. 4 sous. Lui, a fêté les 20 ans d'un pote. Pierrot, sport, un baptême. Pour l'Inta. Ah. Ça, c'est sympa. Un baptême. Bon, ça peut être une bonne teuf, hein, derrière. Hein. Ouais. Ah, s'il y a à boire. Et ça, c'est bien d'aller au baptême. En général, baptême, derrière, ça picole. Il hein, y a une fête. Ah, ouais, vois, c'est pas faux. Si ça peut, si ça picole pour Romano, la fête, elle est géniale. tiens, oui, parc Astérix, c'est une bonne idée, ça, Mika Luna. Mais faut y aller dimanche plutôt que samedi, parce que samedi, a priori, le temps, il sera pas super. Ouais, ouais. Pas à toi aussi, tu vas à la salle de muscu, Alan. Moi aussi, je vais y aller 2-3 heures samedi. Samedi, heures dimanche. Quoi, tu as quand même oublié de nous préciser qu'il y avait quand même le film Le Pape François qui sort. Ah merde, je l'ai pas vu celui-là. Pas mal. Moi, je bosse. Bien. C'est Boucha. Putain, il y en a qui bossent quand même ce week-end. Match de foot, hein, tu vas jouer toi, c'est Mathéo. Ah, c'est bien. Bon, bah écoutez, faites un bon week-end. Ah, il y a Radin, il est génial. La Kékette qui nous dit qu'il est bien. Kékette qui colle 15 ans, qui dit ça, va, Romano. Ah ouais, ouais, peut-être, hein, je sais pas, j'ai pas eu trop d'avis dessus. Bon, bah bon week-end, profitez bien de votre week-end. On a David, tiens, on va lui demander. David, ouais, du 13. Salut, salut David. Salut, merci pour les glaires. Ça va, David? Sympa, bien. Ouais, les spectateurs sur Allociné, ils l'ont noté 3. Hein. 3 sur 5. Hein. Ça va encore. Radin. Ça pourrait être pire. Ouais, mais 3 sur Allociné, ça va encore. Parce qu'il y a beaucoup de critiques négatives. Ouais. Quand t'as 3, c'est, ça va. Sur Allociné, ils sont aigris, les gens qui jouent. C'est moyen plus, on va dire. C'est, pas, c'est la moyenne, tu vois. Ok. La moyenne. Tu fais quoi ce week-end, David, toi? Rien à la maison. À la maison tranquille. Ouais, voilà. On va travailler toute la semaine. Oh, ah ouais, toi, t'es la semaine, elle t'a lessivé. Tu te poses, quoi. Eh oui. Eh oui. Donc 22 ans dans le 13. T'es où? T'es à Marseille? Ouais. T'es dans Marseille, à Martigues. Oh, Martigues. À Martigues. Eh ben, en direct de Martigues, on fait tourner la roulette. C'est parti, David. Skyrock t'offre ton abonnement premium plus d'un an. Skyrock à 10h. Juste avant de retrouver la nocturne avec L.I.M. ce soir. Fred, L.I.M., la nocturne, 100% français. Ça arrive, mais d'abord, 10 heures à gagner. On va voir si tu tombes dessus, David. Skyrock est déjà sur 10 heures. Et toi, tu seras aussi avec ton abonnement 10 heures, puisque tu le gagnes. L'abonnement Premium Plus pendant un an. T'as tout le son de 10 heures à volonté. Bien joué. Ouais, tout gratuit. Hein. Et Skyrock dessus, bien en plus. Sûr. Aussi, ouais. Bah, bravo, et des playlists de Skyrock aussi. Tu vois, le prochain week-end où t'as envie de glander, tu écoutes Skyrock tout le week-end sur 10. Wow. Tranquille. Ouais, c'est clair. Bravo David, bon week-end à toi, profite. Merci à vous aussi. De ton lit. Salut David. Merci, salut. Ciao. Et merci à vous d'avoir passé la soirée avec nous. Il est minuit 7, et ben c'est l'heure d'en trouver Fred. On va vous souhaiter un bon week-end, quoi que vous fassiez ce week-end. Passez sur Sky. Profitez. Qu'il soit bon. Oui, qu'il soit bon. Il y aura des places pour Jules à gagner. Hein. Skyrock, premier sur le rap, premier sur Jules. Et des places de concert à gagner, les toutes premières à choper. Il y a déjà des concerts qui sont complets. Ben nous, on a encore des places. Là. Eh ouais. Ouais, tournée de Jules. On en reparlera tout au long de ce week-end. Demain matin, le morning best, les meilleurs et les pires moments du morning de la semaine, c'est avec Vincent. Et puis n'oubliez pas dimanche soir, la spéciale de la Radio Libre, encore avec Vincent. Et puis lundi, l'équipe qui revient en direct. Alors l'équipe du morning dès 6h, entre 6h et 9h. Ouais. Et puis bah, toute l'équipe de la Radio Libre. Ouais, on sera là. Nous tous, dès 21h, on sera là en direct. Loupez pas le rendez-vous, profitez bien du week-end, prenez soin de vous. Pareil, oui. Oui, exactement. Ouais, on aura des nouvelles de Cédric aussi. Et on aura aussi des nouvelles de Cédric après son week-end de coloscopie, d'examen recto. Il aura la caca dans des boîtes. Et le truc de sa clavicule aussi. Il a quand même chopé tout ça. Total. Là. Et les côtes cassées. J'avais oublié les côtes cassées en plus. Il accumule. Bon, bon week-end l'équipe. Passez bon week-end. Un bon week-end vous aussi. Fredo et L.I.M. dans la nocturne. C'est parti. Ciao. Salut. 1500, c'est le chèque que tu chopes toutes les demi-heures sur Skyrock. C'est bon ça. 769, c'est le prix de l'iPhone 7 que Difool t'offre toutes les heures. Un iPhone 7 pour toi qu'on va t'envoyer à la maison. Ah, ça fait plaisir les gars. 300, c'est le prix de la PS4 Slim. Ouais, c'est lourd ça. 17, c'est la dernière version de FIFA. 0, c'est le nombre de cheveux qu'il y a sur le crâne de Romano. Oh, j'adore les choux. 10, c'est la longueur en centimètres du nez de Difool. Aïe, aïe, aïe, aïe. Des millions, c'est le nombre d'auditeurs qui se réveillent avec Skyrock. Toi aussi, viens démarrer ta journée avec le Morning de Difool. Morning Show. 6h-9h sur Skyrock. 100% lyrics Planète Rap. C'est parti pour la nocturne juste après Difool, 100% rap français. Il est là, il est de retour après une longue absence, mine de rien. Ouais, on est là, mon pote pirate. Le retour de L.I.M. dans les bacs depuis aujourd'hui. L.I.M. Chaque matin, la rage me sourit. Un album, même un double album. Un double album, 32 titres disponibles partout. Allez, le pécho, les mecs. Hein. C'est vrai que tu fais pas les choses à moitié. Non, on fait les choses bien. Faut faire plaisir au public quand même, vu que ça fait pas mal de temps qu'on m'a pas entendu en c'est solo. Vrai. Donc on a décidé de leur livrer un bon petit truc, un peu en restant dans le domaine street, quoi. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps, L.I.M.? C'était quoi? Plutôt repos ou quand même boulot, mais... Non, boulot, mais t'as vu, moi je suis piqué au rail, t'as vu, tout le monde sait c'est très vrai, bien. Donc souvent, je reste dans ce domaine musical, quoi. Quelques cabarets. Ah, au max. Quelques sorties. Quelques moments de vie. Quelques éclatades, escapades. Est-ce que tu as toujours envie de rapper? Est-ce qu'elle est toujours là, cette envie de rapper? Bah, toujours, hein. Le problème, c'est qu'on a ça dans le sang, hein, t'as vu, donc. Il n'y a pas un moment où tu dis, allez, je vais ouvrir un cabaret. Le jour où j'ouvrirai un cabaret, tu me verras tous les jours dedans. Et peut-être même qu'il y aura des albums enregistrés dans le cabaret. Comme au Bled, hein, comme au Bled, ils enregistrent les trucs en direct du cabaret, hein. Donc, bon, toi, celui-ci, tu l'as fait où, à la maison, un peu partout? Bon, on l'a fait, je l'ai enregistré au studio D-Sound avec Nordin qui était Caredas qui a fait les prises, etc., qui était là. Il y a Iso qui a fait toutes les basses dessus.

Man. Aïe, on continue avec Street Jam. Aïe, grosse dédicace à la terre. Hey ya, toi aussi d'ici. T'as grandi dans la street jam, vécu tant de misère, ni pleurs, mais déterté et rien, tu te mets en l'air. C'est sans commentaire qu'à la vie tu mènes est dur, vends de la drogue pure et tout, niquer nature peinture. T'as été éduqué dans la merde. Y'a pas grand monde pour te remorquer. Tu te fais remarquer, tu veux tout croquer. Tu t'en bats les couilles, les choquer. Les putes ont la trouille, n'arrête pas de te niquer. Ils forniquent tous entre eux, niquent leur père. De gré ou de force, tu verras, ils te suceront la queue. La rue c'est dangereux, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Pourtant, on connaît tous l'enjeu. Tu dis en fils de pute, de plus de série. Sauf qu'il peut y aller des cons. Mec, ton, ta famille en a marre de subir la prison. La pression de nos putains de quartiers merdiques. Tu presses sur la détente pour des sommes maudites. C'est véridique, on est tous en chien. Alors protège les tiens du diable, du mal. T'es pas très galin, tu baises et c'est tout. Tu veux, tu baises et t'es fou. Tu mènes une vraie vie de voyou. Sur un coup de tête, t'es prêt à tout brûler. T'es sept Algériens pour qui la France a tellement hurlé. Reculer devant qui, devant quoi? Quand la vie te donne pas vraiment le choix. Tu dis en fils de pute, de plus de série. Eh ouais man, tu t'en bats les couilles, ton client clic font plus mal au crâne. Tu traînes entre les fesses une trentaine de grammes. Flash de whisky accompagné d'une dorame. Tu crames sur le terrain à chercher des faiblesses. Comme un mocrane en errant, ça braque supermarket. Ça se calme pour un rien et personne ne regrette. T'es comme un galérien que la France rejette. Appuie sur la gâchette. Vas-y, appuie sur la gâchette. Si t'as plus de balles, il te reste toujours ta hachette. Y'a trop de trous de balles qui veulent te la mettre en cachette. Tu dis au fils de pute, de plus de série dans ma vie. De plus, tu sais la pute. Grosse dédicace à tous les frères. Hey ya, pirate dans les bacs. Allez le pécho les mecs. Hey ya, connais la zikmu. Hey ya, one, two, three. Hey ya, hey ya. Pirate, piratage. Pirate, pirate, piratage. Pirate, piratage. Hey, pirate dans les bacs. C'est La Nocturne et c'est L.I.M. au contrôle de La Nocturne, 100% rap français.